Karim, tu nous entends? Non, il est là, Karim. Il est derrière toi, donc il t'entend. Excuse-moi, j'ai cru que t'étais en envoyé spécial du côté de l'ascenseur, là. Non, je suis allé, mais les portes, elles sont fermées, là, de l'ascenseur. Pronostiqué. Ouais, c'est fermé. Oh, putain. Attends, vas-y, passe d'abord. Fais-le passer. Vas-y, passe. Attends, raccroche. T'arrives ? Tiens. Bon, on va filmer le sauvetage, vite. Le sauvetage de Cédric. Attends, je vais faire un truc. Attends, ça. Relâche ça, c'est pas la peine. Non, vas-y. Ah, parce que l'autre gars qui est avec Cédric, il est un peu en panique, je crois. Mais il en peut plus, le gars. Ah, bah, t'es avec Cédric, je comprends, moi. Il est contre la cloison. Ah, attention. Bon, maintenant, envoyé spécial dans les couloirs de Skyrock. Je cours. Vas-y, cours. Boboche, fais-moi un bisou. C'est qui est dans l'ascenseur avec Cédric ? Gars qui est venu voir. Ah, ça y est, Cédric est sorti, merde. Non, on n'a pas forcé, c'est bon. Si, il a forcé. Vas-y, on va dans le studio. Pourquoi tu mets le micro dans la gueule, toi ? Bah, pour que tu parles. Mais. Et puis, on va pas le micro dans la gueule. Mais parle, Cédric. Mais qu'il est con de. Allez, on y va. Là, avec la sueur, il a dû faire 10 kilos, là, de Boboche. Je suis en vie, j'arrive. Oh putain, ils sont là sur reculé. C'est vrai, ils suent. Ah ouais, tu sens. Si. Il faut te laver, tu peux pas rentrer comme ça. Pas la sueur. Ah si. Cédric, il faut aller te laver avant. Vas-y, Jacques, vas-y, viens. Attention, voici le veau. Ça va la vie, Cédric? Elle est où ton collègue? Où est ton collègue? Parce que le pauvre. Le pauvre, il est venu pour plein. Non, mais il s'est barré là. Le mec est venu pour plein de trappes. Le collègue est parti direct. Il ne reviendra plus jamais. Il vient pour plein de trappes, il a. Il est content. Il n'a jamais pu partir. Bon, la bombe olfactive vient d'arriver dans le studio. Bienvenue à toi, Cédric. Je suis désolé, je suis obligé de le signaler à la direction. Quel suceur, celui-là. Très bien, Romano. Putain, j'envoie un SMS, Cédric. Très bien. Pierre Bélanger. Oui. Demande-lui d'ailleurs de transférer le salaire de Cédric. C'est ce qu'il a perdu aujourd'hui. Je vais sur l'ensemble de l'équipe. Pierre Bélanger. Parfait. Bonsoir, Pierre. Alors, attends. Vous avez des balances dans votre entourage? Tu connais des balances, Nico? Bonsoir, Pierre. Ouais, ouais. Je te présente Romano, tiens. Cédric est encore arrivé en retard. L'excuse de l'ascenseur. Aujourd'hui, il a utilisé l'excuse de l'ascenseur. Il a fait exprès de bloquer l'ascenseur. Il a cassé son ascenseur de Skyrock. Il a cassé l'ascenseur. Ton ascenseur, c'est magnifique ascenseur. Et en plus, c'est celui qu'on a pris des foules, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est droit. Je prends pas la louche. C'est juste avant toi, en fait. Ouais. Que tu devrais sévir. Je crois qu'il est sévèrement. Je crois qu'il est vraiment une. Il est à l'écoute. Je t'embrasse. Ah, il écoute. Oui, il écoute tendrement. Romano le suceur. Fais-lui un bisou de ma part. Romano. Aussi. Le suceur. Mais Romano le suceur. Le suceur. Romano le suceur. PS, pense à moi. Voilà, le message est parti. C'est envoyé, Cédric. Et pour de vrai en plus. Ah, mais t'es vraiment une. une quoi? Ah, une petite saloperie, tiens. Bon, alors on peut démarrer l'émission maintenant? Allez, c'est saloperie. Parti, on est au complet, c'est parti pour de bon. Voilà, Cédric, tu nous as mis en retard. Ouais. Eh ben oui, tu nous as mis en retard. C'est pas de ma faute. Hein. Bon, il y a Maeva, une belge, mais qui a des points communs avec toi en plus. Pas que la Belgique, quoi. Bah ouais, que je suis belge, que je tue les frais. Qu'on va retrouver un petit message d'Alexandre qu'on va retrouver aussi dans un instant. T'as préparé là, Alexandre? On va le prendre tout de suite. Il va énerver les meufs qui nous écoutent. Là, vous allez voir. Ah, ça risque de vous faire plaisir. Ça, j'adore. Connard. Et tout à l'heure, un champion du monde. Je vous l'annonce. Champion du monde. Un champion du monde dans l'émission dans une heure. On retrouve un champion du monde en direct. Mais champion du monde de quoi? Surprise. Alors là, accrochez-vous. Non mais je vous le dis, il y a des émissions à pas louper. Celle-ci, elle en fait partie. Et en fin d'émission, tout à l'heure, les collecteurs de Pamela. La semaine, comme on avait promis la semaine dernière, on va se faire les collecteurs de Pamela. Donc on a repris les pervers qu'on a perdu de vue, ceux qu'on n'arrive plus à joindre, et notamment Patrick pour ce soir. Après Bertrand hier, Patrick pour ce soir, c'est, on peut le dire, le père de tous les pervers, Patrick. C'est vrai, c'est celui qui a donné naissance à tout le parrain. Je suis en train de masturber là. Et il se masturbe toujours. Toujours. Ce qui est quand même super, il est toujours fan de la Marie. Et votre touche est complètement écartée ou pas? Marie, entre 21h et minuit tous les soirs. Mais comment tu sais? Parce qu'il sait tout, Patrick. Mais il nous connaît bien maintenant. Donc les collecteurs de Patrick, allez, on va s'en sélectionner deux parmi les meilleurs. Allez, et avant minuit, on les retrouvera. Et sinon, Alexandre, ça y est, on l'a. Alexandre, 19 ans dans le 91. Salut à toi, Alex. Allô. Coucou. Comment vas-tu, Alex? Ça va bien. Ça va tranquille. Donc toi, t'as un message. Le message que tu vas pouvoir passer à toutes les filles qui nous écoutent, vous allez adorer. C'est sûr. Ouais, Alex, bien, ça. Dis-nous un petit peu. Donc, qu'est-ce qui t'arrive avec les filles? Bah, en fait, j'ai des problèmes avec mes ex. En fait, enfin, c'est mes copines à la base, et au bout d'un mois, en fait, ça me saoule, en fait. Alors, ça te saoule. Explique pourquoi ça te saoule. Écoutez bien, les filles, c'est là que ça devient intéressant pour vous. Ah. Et les gars, on va bien se marrer. Ah, au début, quand je suis avec elle et tout, au début, dans la première semaine, ça se passe nickel, tout ça, c'est très bien. Oui. Et après, ça se dégrade au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, bah, je ressens. Enfin, elle me manque pas, j'ai pas envie de la voir, elle me saoule et tout. Oui, alors explique pourquoi. Pourquoi, au bout d'un. En gros, c'est quoi? C'est 4 semaines, un mois, elle te saoule. Ouais, les voilà, meufs. C'est ça, au bout d'un mois. Ah, tu dis un mois. Ça. Alors, ça. Explique pourquoi tu. Au bout d'un mois, tu. T'en peux plus, c'est parce que. Bah, comme t'as dit au standard, ne te retiens pas, faut t'exprimer, radio là, libre. Je peux te lâcher, Alexandre, en, dis la vérité. En toute liberté. Ah, bah, après, elle prend, comment dire. N'hésite pas. Je suis sûr qu'il envoie une autre. Non, non. Ah, non, pas du tout. Bien joué. Non, non, Cédric, une fois de plus, mais alors décidément, ça serait complètement à côté de la plaque. Que t'arrive-t-il ce soir, dis donc? Bah, je sais pas, proposer, vous, dans l'équipe. Complètement. Non, mais. Bah, on attend qu'Alexandre nous dise. Alexandre, bah ouais. Alexandre va nous dire. Donc, au bout d'un mois, donc au début, ça se passe bien, tout ça. Et au bout d'un mois, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle commence à être bébête un peu. Tu les trouves bébêtes. Oh, bah, c'est sympa. Tu les trouves toutes bébêtes. Mais pourquoi tu les trouves bébêtes? C'est ce qu'elles racontent. Bah, il est saoulé par les meufs ou pas, elle, trouve en fait, au début, elles font les meufs intelligentes, ça, mais après, je sais pas. Tu te rends compte que c'est après, pas tu vois leur vrai visage. Ouais, voilà, en c'est fait, c'est ça. Après, voilà. Je sais pas, elle a pris la confiance et elle pense que ça va bien se passer. Mais... Et à ce moment-là, en tu fait, les trouves bêtes. Donc, les filles, vous avez entendu. Je pense que ça vous a fait bien plaisir. Je pense que ça vous a bien motivé. Hein. Allez-y. Motivé. Faites péter le hashtag Radio Libre de Difool. Ouais, ouais, allez-y, ouais, lâchez-vous. Faites péter tout ce que vous voulez et défoulez-vous. Calmez-vous. On a un truc pour vous calmer, un petit on a le temps d'un double appel. On a le temps. Et oui, parce qu'on a retrouvé cet été les double appels qui déchirent les collectors. Et là, c'est un que vous a fait en début d'été en direct. C'était de la folie. Écoutez bien, voici le double appel sur Skyrock. Vive les familles. Allô. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Oui, allô. Et c'est ça qui est drôle. Ah ben, c'est vous qui avez appelé. Le double appel de Difool sur Skyrock. Hein? Qui c'est qu'on appelle? Jean-Marc dans le 76. Jean-Marc. Et Eric dans le 27. Et Eric dans le 27. C'est parti, ça sonne. Jean-Marc et Eric, merci pour les numéros que vous nous filez tous les soirs. Ah. Allô. Jean-Marc. Oui, allô. Ah. Allô. Oui, j'écoute. Attends, ça sonne derrière là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, non. Ah. Allô. Ah. Allô. Oui. Oui, c'est qui? Allô. Oui, j'écoute. Bah, c'est vous qui appelez, vous voulez parler à qui? Ah bah non, là il y a un problème, j'ai décroché. Ah non, moi ça a sonné et j'ai décroché, donc... Ah bon, bah je raccroche alors. Ok. Attends, non, non, non. J'ai des godes. Allô. Là, trop tard, trop ah, merde, tard. Bon, on les rappelle alors, on va les rappeler. Vas-y, rappelle les deux là. Vas-y, rappelle. Vous les avez pas testé trop de fois? Non, même pas. C'est pour éviter le procès, ça. Oui, c'est parce qu'on n'a pas le droit d'appeler les gens plus de 5 fois, après tu te retrouves devant les keufs, ça nous est déjà arrivé. Ah, c'est pas le top. Donc on évite. Alors qu'on s'amuse juste avec des petits téléphones et qu'on fait tout pour que les gens se parlent entre eux, c'est tellement beau. Je vais leur envoyer un petit truc là, s'il y en a qu'un des deux qui répond. Ah. Allô. Allô. Oui, allô. Bonjour. Oui, allô. Oui, allô. Vous êtes sur la... Allô. Allô. J'ai une bonne bite là. Allô. Allô. J'ai pris ma belle voix, puis j'ai une bonne bite là, bien. C'est quoi ce délire là? Vous êtes qui là? Patrick. Oui, enchanté Patrick, attendez, je vous passe mon ami. Absolument, oui. Eh, hey, gros PD. Patrick. Ah bah PD, Patrick, bah. T'es qui toi? Bien sûr, ouais. Patrick. Ouais. C'est Patrick. J'ai des godes. T'as un god, un grand con. T'es en train de te faire baiser ou pas? Pardon? T'es en train de te faire baiser ou pas? T'es en train de te faire baiser, t'as raison, ouais. Pauvre mec, va. Bah. Vends-toi un peu, là. Je suis en train de masturber, là. Eh, hey, tu sais que ma vie sur écoute? Bah bien sûr, oui. Ouais, quand tu vas prendre ça dans ton cul, ça te fait du bien. Bah bien sûr, oui. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu. Je ne pas le français, espèce de gros PD. Mais tu es toujours aussi chaud, là. Quand ils vont te choper, tu vas voir un peu ce que tu vas te prendre. Avec un god et tout ça. Ouais, t'as raison, qu'un god, t'as raison, ouais. Saucisson de cheval. En attendant, je te fais parler, pour ça, ils vont t'étoxiquer. Bien sûr, ouais. Bah oui, bah tu vois, un petit peu, ils vont venir chez toi, tu vas voir un peu qu'est-ce qu'on va rigoler. Absolument, oui. Ah bah oui, hein. Quand on va foutre un gros fer bien chaud dans ton cul, toi. Ah ouais. Absolument, oui. J'ai grillé, là. J'ai vidé les couilles, là. Ah oui, ouais. Puis je m'en ferai un gros plaisir, toi. Bien sûr, ouais. Ah oui, viens, c'est clair, viens. Absolument, oui. Bah tu sais, j'ai un bon furet, je pense qu'il va venir te bouffer ta bite, tu vas voir un peu. Ça va te faire du bien un peu, oui. Absolument, oui. Ah bah oui, c'est clair, je te dis sincèrement, puis j'ai même des poules, si ça t'intéresse, je vais mettre bouffer le cul, tiens. D'accord. Voilà. Je te prends ce silence, ça va. C'est encore un petit peu juste pour te localiser. Comment bah, sans problème, ça. Ouais, t'inquiète pas, bah, tu vas voir. Local... Tu vas arriver. Oui, allô. Non, il n'y a pas de oui d'allô. Oui, c'est bon. Excusez-moi, c'est la police. Nous avons été avertis par quelqu'un ouais, au téléphone. C'est ça, c'est la police, t'as raison. Oui. Si, c'est la police. Je suis venu avec mon notariste. Ouais, ouais, allô. Allô. Allô. C'est l'otari, ça l'a bouche. Il est parti, c'est l'otari. Non, mais c'est bien parce qu'il non, parlait tout seul. La police, la sirène, l'otari. Le mec s'est fait une conversation avec Patrick. Alors là, merci. Allô. Ah, oui, allô. Il n'a pas fini. Mais t'es encore là. Bah oui, je suis encore là, j'ai que ça à faire. Ah, bah écoute, ça tombe bien, nous aussi, dis donc. Avec ton copain, là. Ah, bah il y a un monsieur qui dit des obscénités au téléphone, je ne sais pas ce qui se passe, ça a c'est choqué. Pas vrai. Si, ça a choqué ma femme. Bah je vais te brûler. C'est Patrick, ta femme. Non, ma femme, c'est elle. Viens voir ma poule. Bonjour Pamela. Bonsoir. Bonsoir, je vous passe ma femme. Pamela, viens voir ma chérie. Bonsoir monsieur. Allô. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, qui c'est? Eh bien c'est Pamela. Pamela, ma femme. Ah, Pamela, ta femme? Oui. J'ai trois doigts. Elle a trois doigts. Elle a trois doigts. Et elle n'a que trois doigts, mais par main. Hein, donc ça lui en fait six, plus les pieds, elle en a douze. Ouais, c'est pas mal. Douze doigts. Douze doigts avec les pieds, hein. Les doigts de pied qui puent. Ouais, enfin moi mes doigts, j'en ai 20. Ah bah oui, mais moi je n'ai que 12. Ouais, dans la merde, hein. C'est pas la peine. 8 doigts, hein. C'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, comme on dit. Hein. Ah, c'est clair, ouais. Ah oui, c'est clair. Bon, à côté de ça, vous êtes qui, hein? Comment on fait pour le harcèlement que vous provoquez, là? Moi, je provoque pas de harcèlement. Ah bah, monsieur, vous n'arrêtez pas de nous appeler. Oui, et en plus, vous dites des God. Pas, hein. Si, si, moi je vous ai entendu, vous avez parlé de God à ma femme, elle était particulièrement choquée. C'est vous, Patrick, en fait. Patrick? C'est vous, Patrick? Allô? Oui, c'est vous, Patrick? Ah non, c'est pas Patrick, non. Patrick. Ah, c'est lui, je l'ai entendu. Vous l'avez entendu? Encule-le. Ah, il veut que je vous encule, monsieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Avec un god et tout ça. Avec un god et tout ça qu'il propose. Qu'est-ce que j'en fais? Vas-y, mon chéri. Tu veux que je l'encule? Oui. Bon, alors, monsieur, je vous rassure, tout va s'arrêter. Nous allons enculer Patrick et on va vous souhaiter une bonne soirée. Il comprend plus rien, le mec. Il comprend. Allô? Il arrive là. Allô? Allô. Allô, oui. Ah. Oui, Halloween, oui. Halloween. Alors ça, c'est pas aujourd'hui, parce que là, non. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne soirée, monsieur. Exactement. Pas moi, non. Oh, t'es pas gentil, dis donc. Non, ouais, mais c'est pas gentil, non. Allez, bonne soirée. Ah bah attends, c'est toi qui appelles, en plus. Non, non, moi, j'appelle personne. Ah, si, si, toi, mais je pense que t'as trop bu. Ouais, faut arrêter l'alcool. Faut arrêter la bière. J'ai trop bu, c'est parce que tu m'as payé. Hein. Franchement, ça s'entend, t'as trop bu. C'est ça, t'as raison. Hein? Deux, à toi de jouer. Ah, je connais ce jeu, j'adore. Allez, trois. Allez, on continue. Trois. Alors après trois. Eh, il y a huit. Non, c'est quatre. Il y a huit, non, il y a pas huit. Merde, je me suis encore trompé. Hier, j'avais essayé sept. Ça n'avait pas marché. Je crois que Romano, il se fout de ta gueule. Ta gueule. Il aime pas mon rire. Tiens, écoute. Il a acheté combien ton rire? Pas cher, pas cher. Pas cher, c'est le spécialiste des conseils pas chers. Ouais. Et ça? Et ça là, t'en dis quoi? Bah ça, on dit c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Et ça, t'en dis quoi? Salut terrible. Les filles. Bah c'est un peu pédé. Bah, attention, hein, pas de discrimination, c'est pas bien. Salut les filles. Le caca, c'est bon. Voilà. Bon, eh bien écoute, on te remercie. Eh ben merci de ta participation. On t'embrasse. Tu parles. Oh, ouais, on te si, attends. Et surtout à ta femme, on lui fait un gros bisou. Hein. Oui, elle était sympa. Hey, un gros bisou. Vous allez vous appeler comme ça tous les soirs? Non, arrête. Non, non. Ouais. Sauf si sauf si ça te fait plaisir. Oh bah non, si vous rencontrez des conneries comme ça, c'est pas la peine. Oh, allez. On a bien rigolé. Eh, hey, t'es sympa toi, on t'aime bien. Ah bah il faut un petit peu rigoler. Ah hein. Oh, bah yeah, la vie est tellement. Ah, ouais. Ah heureusement qu'on est là pour rigoler quand même. Hein. Bah j'espère bien. Hein. Ah bah attends Réo. Bon. Attends Réo. Réo. Ouais. On te fait une on te fait une bise. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Tiens écoute. Dis-moi quel est le rire le plus intelligent, celui-ci. Ou celui-ci. Ou celui-ci. Ou celui-ci. Celui-ci, il est pas mal. Celui-là, hein. Particulier. Beaucoup vont rire. Ah, celui-ci, ouais, il est cassé. Ah, celui-là, ouais, c'est même. Oh, quelle intelligence. Bon, allez, on t'embrasse, on te souhaite une bonne soirée. C'est quand je me fous de ta gueule. Ah, toi aussi, tu en fais bien. Bien joué, bien joué. Bon, salut. Ouais, salut. Hein. Ouais, salut. Hein. Salut. Ouais, salut. Hein. Eh ben, il était sympa celui-ci. Bah, sympa comme tout. Ouais. Voilà, c'est un. Ça a démarré il y a 10 minutes et ça se termine dans la joie, dans la bonne humeur et dans l'intelligence. Ça, c'est un rire qui respire l'intelligence. Celui-là aussi. Hein. Oui. Non, on rigole, Romano. Mais t'as vu ton rire, toi? Non, je l'ai pas vu, je l'ai plus entendu. Oui, Cédric. C'est marrant, ça. Bon, venez vous marrer avec nous, et puis les doubles appels, vous nous laissez vos numéros, hein, les numéros des gens que vous voulez qu'on appelle, des voisins, de la famille, des gens que vous aimez bien, des gens qui ont des voix qui font délirer. N'hésitez pas. Puis des vénères aussi, parce qu'on aime bien les vénères. Vous avez vu, parfois, on arrive à les calmer, comme on vous avez vu à la fin. Mais elle était sympa comme tout. Tous les soirs, 10 full radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Ah, puis les filles, je vois que vous êtes déchaînées par rapport au témoignage qu'on a eu juste avant. On s'en occupe. Les filles, oui, on est déchaînées. Vous êtes de retour. Et Pamela sera là avant minuit aussi. Oui. Oh là, une grosse soirée. La spéciale de l'été qui continue sur Sky. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500€ dans le Morning Daddy Fool. C'est vrai ? Mais oui. The Morning Show. Dès la rentrée sur Skyrock. 65 centimes plus coup d'un SMS. SCH. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin de repos. SCH, nouvel album disponible. Allô maman. Sophie se prépare pour aller chez McDo, mais pour l'instant, elle est sur le balcon. Elle regarde le ciel. On voit bien les étoiles ce soir. On en voit plein. D'ailleurs, combien on en voit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'ai déjà compté celle-là, bon, je recommence. Bref, Sophie se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue, vu que pour l'instant, elle compte les étoiles dans le ciel. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Vous, les rois de la perche égocentrée, les champions des poses faussement naturelles, les maîtres du sourire négligé, vous, les génies du selfie, mais continuez comme ça. Sérieusement, ça peut vous sauver la vie. Se prendre en photo est l'une des meilleures façons de repérer l'apparition d'un mélanome. En collaboration avec l'Institut Gustave Roussy et le collectif Ensemble contre le mélanome, l'application iSkin vous aide à surveiller l'évolution de vos grains de beauté pour faciliter votre suivi dermatologique. iSkin n'établit pas de diagnostic et ne remplace pas l'avis d'un dermatologue. Disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est Jaja et Gina. Ouais, c'est Jaja et Ginaz. Le duo du moment présente, on se promet, leur premier album dans les bacs. Jaja, Ginaz, on se promet, Jaja et Ginaz dans les bacs. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves? C'est quoi vos sources? Lucas? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Viens toi aussi rejoindre la plus grande radio libre de France. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, sur Skyrock, radio libre, tous les soirs 21h minuit. Vous le savez, Cédric a réussi à pénétrer dans le studio. Ah ouais, enfin. J'ai reçu un message de Pamela de Skyrock. Pouvez-vous enfermer Cédric tout à l'heure dans l'ascenseur comme vous l'avez fait au début? C'était super. Ah, elle veut s'enfermer avec oui, moi. Ah oui, parce que Pamela va venir nous voir. Est-ce que Pamela veut s'enfermer avec Cédric? Mais je crois que c'est ça. Non, je crois que plutôt elle veut pas le voir. Elle aimerait bien que ça retombe en panne. Tout à l'heure, Pamela, le retour des grands pervers, et Patrick sera là avec nous. Je suis en train de m'asturber là. Le champion, le parrain. d'après vous, il s'est en train de se préparer là, je crois. Hein. Le padré des pervers c'est de Skyrock. Ça, padré, puisqu'il ouais. parle de champion, on aura le champion du monde de quelque chose dans allez, une demi-heure, trois quarts d'heure. Champion du monde. Ça, c'est à pas louper sur Skyrock. Et puis, on s'occupe de Maëva. Alors, Maëva, une Belge, là, un autre point commun avec Cédric. Moi, que je fais des frites. Ouais, on va voir Maëva. Mais d'abord, eh bien, t'as les réactions. Il y en a pas mal de réactions pour les témoignages pour Alexandre. Tu as énervé les filles, Alexandre. Parce qu'il a parlé de vous, les filles, tout à l'heure. Il a dit que, bon, au début, les filles, ça va. Puis au bout d'un mois, quand il les connaît un peu mieux, il les trouve toutes bébêtes. Hein. C'est ça, Alex? Ouais, elles font les gamines et tout. Elles font les gamines. Mais ont quel âge, les filles, avec lesquelles tu sors? Toi, t'as 19 ans, toi, Alex? Ouais, j'ai 10, 18, ça dépend. 18, 19, j'ai même eu 20. Ouais, mais elles sont pas bébêtes, t'as dit. Enfin, elles sont pas toutes bébêtes, les filles, ici. Non, mais elles font les gamines et tout. Après, je sais pas, elles disent des choses pas marrantes, tout ça. Du style, par exemple. Enfin, tiens, vas-y. Elles essayent de se rendre intéressantes, en fait. Un petit exemple, comme ça, vas-y, en style. Au vol. Oui, un petit exemple au vol, comme ça, comme tu les maries. Concret, je sais pas. Enfin, par exemple, un jour, j'étais en train de faire les magasins avec et tout. Elle me dit, ouais, pourquoi tu m'embrasses pas, ça. Après, je sais pas, elle me dit... Ah, mais comme ça, dans le magasin, en public, devant tout le monde? Ouais, comme ça, genre, comme pourquoi ça, elle me dit, ouais, vas-y, pas, hein, et que tu m'offres pas un six, tu sais. Et que tu m'offres pas un sac à main. Et puis, non, je vais me rouler par terre. Et puis des amis. Hein, pourquoi? Et toi, tu leur réponds quoi, dans ce cas-là? Ben, j'ai dit, ouais, non, moi, ça me... Enfin, moi, en public, comme ça, j'aime pas trop m'exposer, tout ça. Après, elle est un peu... Elle aime bien se faire remarquer, en fait. Ouais, elle a besoin de preuves d'amour. Oui, enfin de preuves d'amour devant tout le monde. Surtout, ouais. Oui, quoi, après, bon, c'est ouais, pas non. ça qui après, justifie quand sa meuf, elle soit un bébé. Moi, voilà, c'est pas la même chose. Ah oui, mais t'as plus le droit d'avancer quand t'es chez elle. Non, quand t'es chez elle, toi, ça te donne pas de problème de. Ah non, ça me pose pas de problème, vu qu'on est tous les deux. Chelou, ça. Après, c'est en public, ça me. Non, oui. Je sais pas, ça. En public, oui, t'es un peu pudique, t'aimes pas trop non plus. Bah non, des bisous normales, mais elle me demande de lui rouler une pelle, tout ça. Oh, putain, vas-y, roule-moi une pelle, elle m'achète maman ça. Ouais, faire un petit piou comme ça va, ouais, mais c'est clair que quand t'es au milieu du monde. Ah ouais, rouler un gros palo, c'est pas grave. Ouais, du magasin, bon. Entre deux rayons, ouais, c'est pas super. C'est pas super. Ah. Ouais, ouais, ça peut même écœurer des fois. Ah ouais, t'as Germaine qui vient acheter un sac en même temps, qui est en train de te regarder, ouais. Vous m'excitez les jeunes, là. Des fois, moi, ça me dégoûte les moches qui s'embrassent. Moi aussi. Les moches. Non, mais tu sais, des fois, il y a deux moches qui sont en train de se bouffer la gueule. De vieux, imagine. Et moche. Ah ouais, bah ça, c'est pire que tout, quoi. C'est terrible, ça. Mais c'est beau, l'amour. Oui, mais c'est dépend des fois, c'est moche. Désolé de te le dire, c'est dépend qui le fait, quoi. Ah oui. Bon, Alexandre, reste là, on y revient dans un instant, mais là, on va prendre Maëva. Maëva, qui est en ligne avec nous. Alors, c'est un peu galère woman, vous allez voir, Maëva. Maëva, qui, tu nous appelles, et quel est ton point commun avec Cédric? Ah ouais, parce que tu as un autre point commun avec Cédric, j'avais dit, je vois les messages là, vous cherchez. Tu as quatre mentons, peut-être? Non, pas du tout. Dommage, c'est dommage. Ah. Quel peut être le point de commun de Maëva avec Cédric? Bah, tu l'as dit, il arrive que des merdes. Ah ouais, ça pourrait être vrai, ça. Ouais, t'es non, Maëva, j'ai pas dit que c'était une gaffeuse en fait. C'est ça. Exactement. Bon. C'est ça. Donc, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Un autre point commun avec Cédric? T'as pas les mêmes yeux. Je suis obligé de parler ou pas? Non, dis pas. Ah, t'es belge. Ah, t'as entendu? Ah, il a cramé. Je suis obligé de parler ou pas? J'ai parlé, mais c'est que je suis obligé de parler. Ben oui, t'es obligé de parler. Là, on a trouvé tout de suite. Eh oui, elle vient de Charleroi en Belgique, Maëva. Putain, ça fait plaisir. Tu nous écoutes sur le net? Ben oui. Eh oui, parce qu'il n'y a pas de Skyrock à Charleroi. On n'a pas envie de Skyrock en Belgique. Non. On avait à Bruxelles, mais ça n'a pas duré longtemps. Non, ça a duré deux jours. On va y remédier alors. Ben oui, mais on a essayé, on a mis une antenne et puis la police elle arrive. On va remédier. On passe juste à la frontière parce que j'ai mon oncle qui écoute, tu vois. Ouais, on salue d'ailleurs les Belges qui peuvent. Bonjour à Tonton. C'est vraiment à la frontière. Avec la fréquence de Lille, de Dunkerque, de Valenciennes. Ouais. Bonjour à Tonton le Belge et de Maubeuge. Mais j'aime bien Charleroi, moi j'habite à côté, j'habite à Mons. Il y a des bonnes putes. Ah oui, non, elles sont à Bruxelles, tu connais rien. Il y en a ou pas? Il y en a pas? Il y a pas de teint, pas à Charleroi? Ouais. Si, dans toute la Belgique, il y a des. Je sais pas. Non. Non, mais il y a des bordels, des petits clubs là. Mais t'es un ouf, toi. Si, j'ai vu, moi. Des petits clubs. Partout, ça. Il y en a pas partout, des clubs. Non, il y en a à la frontière, surtout, genre quand t'arrives par. Tu sais, sur la route, là. Ouais, c'est horrible, leur truc, d'ailleurs. Non, en fait, je sais plus, c'est quoi. Les petits clubs. Pas loin de Moucron, en fait, c'est une cible nationale. Et tout le long, en fait, de la route. Ouais, c'est ça, mais ils montrent souvent à la télé, ouais. T'as des pavillons, en fait, avec des lumières rouges. Ouais, c'est ça, mais c'est des bordels, ouais. Ouais, voilà, ouais. Dedans. Ben oui, la joie de la Belgique. Vous êtes un pays vachement libre, la Belgique d'ailleurs. Ben ouais. Non, mais respect pour ça, parce que clair, toi, là-bas, t'as le droit de plein de choses qu'on n'a pas encore le droit de faire en France. Oui. Tu entends que nous. Bon, je vous ai même le droit de parler avec un accent comme ça qui est tout bizarre. Ben oui. Ben oui, comme c'est bizarre. Hein. Ben oui. Non, mais nous, on est cool, tu vois. Les Belges, ils sont très détendus, tu vois. Ah, oh bah, toi, t'es détendu, Cédric. Je dis, moi, j'étais un. C'est le mec le plus détendu de l'équipe, Cédric. Vous avez remarqué, d'ailleurs. Voilà. Ah, bah, ça, c'est clair. Parle pas mal. Non, mais c'est chez là-bas, les gens, ils sont cool. Tu... Je sais pas, t'as jamais remarqué à Paris, tu leur demandes un renseignement, les gens, ils ont l'impression que tu vas les agresser, tu vois. Mmh. Tu vas parler avec. Allez, je voudrais. Mais t'as vu comme t'arrives, c'est à Paris, ça, gros, juste. À Paris, mais c'est vrai qu'à Paris, les gens, ils sont susceptibles. Tu vas à Bruxelles, les mecs, ils t'expliquent, limite, ils vont avec toi pour te montrer le chemin. C'est un peu con-con, quoi. Ouais, parce que leur demande chaque fois comment, où elles sont les putes, donc ils viennent avec toi, Cédric. Bon, je t'accompagne, je les connais toutes. Ok, ouais. Bah, alors, Maëva, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ta vie de Belge. Ben, toutes les actions que je fais, ce sont des gaffes. Déjà que je suis blonde, alors voilà. Ah ouais, blonde, donc, belge, c'est tout pour moi. Blonde, oui, c'est vrai, blonde, belge, c'est la totale. Et en plus, une fille à Romano. Eh oui, c'est dingue, oh. c'est dingue, ouf. Et donc, alors, petit exemple, qu'on se rende compte un petit peu de ce que tu fais. Ben, comme, ouais. Donc, par exemple, je suis en école d'infirmière, et l'année passée, je vais pour faire un lavement, et au lieu... Un lavement, c'est quand on a un bouchon de caca, en gros. Ah, okay, un bouchon... C'est peut-être ce qu'il a, Cédric, parce qu'il gonfle du ventre et il a mal au ventre. Non, mais tu sais que c'est un truc de ouf. Romano, tu veux lui faire un lavement? Non, ça va aller. Pourquoi? Ah putain, aller. Non, horrible, Cédric, mais t'imagines que t'en sors des seaux et des seaux. Ah! Oh. Non, mais même pas. Le mec, c'est. Ah, tu mets là... des seaux, tu sais, tu te relèves. Ah, immonde. Non, mais il y a trop de gens qui m'ont parlé de mon ventre, donc là, faut vraiment que je fasse quelque chose, quoi. Bah oui, mais on te le dit. Ah, mais j'en peux plus, là. Parce que... Vraiment que je fasse quelque chose. Mais tout le monde. Mais tout le monde. Mais évidemment. Il n'y a pas un mec, genre, que je croise un pote, genre, que j'ai pas vu depuis longtemps. Non, mais fais la gueule en même temps, t'auras un tarif. Ouais, demande ça. Non, mais il a raison, le cerveau, a priori, parce que t'as quelques problèmes aussi. Un peu comme, bah tiens, on va y aller ensemble alors, gros. Pourquoi pas? Alors, pas avec tes problèmes. Je t'accompagnerai. Punchline. Punchline. Alors, et pourquoi ça, Romano? Non, mais je lui laisse finir son histoire. C'était quoi ton histoire d'ailleurs? Ah, tiens, c'était quoi ton histoire? Qu'est-ce que tu disais là? De la merde? Mais non, mais c'est pas moi qui parlais, c'était Julien. Ah ouais, j'ai confondu. Maëva. On n'a pas de Julien en ligne pour l'instant. Non, c'est Maëva. Oui. Oh les deux. Alors, ouais, donc tu allais laver le cul du mec et. Donc, j'allais lui faire un lavement, c'est. C'était moi. C'est une tige de 20 cm qu'on enfonce dans l'anus, en fait. Trop bon. D'une personne. Et la femme, elle avait. T'imagines, on te met un truc. Je vais parler à la belge, non entend. Putain. Voilà. Vous dites 90 ans, c'est bizarre ça. 90 ans. Les Suisses aussi disent 90 ans. Mais à 90 ans, tu l'as fait à lavement? Bah oui. Et donc, je vais pour lui faire un lavement et je me trompe de trou. Je l'ai fait dans le vagin, en fait. Ah oui, en effet, tu t'es trompé de trou. Pas mal. Et elle l'a senti Mais Ah oui, elle a crié, elle m'a dit non, c'est le vagin. Mais elle va bien maintenant? Oui, oui. Ah, tant mieux. Pourtant, tu sais où c'est quand même. Elle a le vagin, c'est une baudruche, mais bon, pour ça, tout va bien. Non, mais toi, t'es limite dangereuse. T'es infirmière, je sais pas, tu te trompes de produit, tu fais canner quelqu'un. Franchement, j'irai pas dans ton hosto. Tiens, tu fais bientôt dans les faits divers, Maëva. Oui, elle s'est trompée de seringue. Elle a tué la moitié de l'hôpital. Oh merde. Voilà, c'est là maintenant qu'on est heureux d'être français. Voilà. Oh putain, jamais j'irai en Belgique. Il faut pas qu'il m'arrive une galère. Putain, il t'arrive une galère, t'as Maëva. Excuse-moi, je t'ai arraché un poumon. Non, bah, toi, c'est déjà arrivé en France, hein, des mecs, genre un mec qui vont. Le mec qui vient pour la l'appendicite, tu lui enlèves un poumon. Non, mais ils ont confondu deux mecs. En fait, il y en a un qui venait pour, je crois, une épaule ou un truc comme ça, et l'autre la jambe. Mm-hmm. Et en fait, ils se sont trompés. Le mec qui avait l'épaule en vrac, il lui opérait la jambe qui allait très bien. Non, non. Et l'autre, il lui opérait le bras. Donc, au final, les mecs, bah, ils se sont réveillés. Ils étaient enlevés les mecs d'accabant, sauf qu'ils avaient un truc en plus, quoi. Ah ouais, non, mais le pire, si on doit t'enlever un truc, je sais pas. Hein. Mais c'est déjà arrivé aussi, ça. Là, on t'enlève Marie, on doit lui enlever le foie. Non, mais un truc. Dans le même hôpital qu'elle, il t'enlève le foie, Romano. Quoique ce serait pas mal aussi. Non, mais franchement, non, moi je pense qu'il est en meilleur état quand même. Ah ouais, non, mais oui. Que celui de Marie. Ouais, je pense que le tien doit être dans un état. Bonjour, c'est le foie de Marie. Tout alors, bien, comment vas-tu? Rien de Dieu. J'ai aucun problème à ce niveau-là. Ouais. Non, mais ils ont déjà fait des trucs. Par exemple, les reins, on en a deux, tu vois. Ça, c'est horrible, mais ils se sont déjà trompés, ils ont enlevé le mauvais, quoi. Ah merde. C'est con, hein. Elena qui dit j'aimerais pas me faire soigner par Maëva. Bah moi non plus. Merci, merci Elena. Ah merci, c'est gentil. Bon, tiens, dites-nous d'ailleurs si vous avez déjà vous aussi, si vous gaffez tout le temps, faites que des conneries tout le temps, vous dites un truc, ça vous met mal à l'aise. Ouais, mais toi il faut vraiment faire attention. Non, par exemple, vous avez pas vu une copine depuis, allez je sais pas, un an, et vous la revoyez faire ah bah t'es enceinte. Putain, moi ça m'est arrivé. On en parlait avec la meuf de Romano tout à l'heure. On t'a dit t'es enceinte Marie? Non non, ça m'est arrivé de le faire. À une copine? Non non, c'était sur une photo Facebook, j'avais une copine enceinte, bon j'étais au courant. Mm-hmm. Et une autre copine que j'ai pas vue depuis longtemps qui avait un haut hyper ample, donc ah tu les as confondus? Ouais, j'ai mis deux belles futures mamans ou une connerie dans ce genre là. J'ai l'autre copine qui met ah c'est marrant, je parlais justement ce midi que je voulais avoir un enfant et là je comprends ma gaffe. Hey. Ouais, et ben ouais. Là tu te sens con. Ouais, mais elle a pas grillé quoi. Non, bah, non, moi il m'arrivait un truc glauque la semaine dernière dans mon immeuble, il y avait un mec qui faisait des travaux, tu vois, je discutais avec lui et le mec mais bon je préviens c'est glauque. Hein. Le mec il me prépare une vas-y man. Non non mais tiens, franchement ça m'a foutu mal à l'aise, je savais plus quoi dire quoi. Et le mec il me fait ouais je sais plus on parlait, il me fait ouais je devais partir au Brésil avec ma femme dans 2-3 mois et je lui dis ouais pourquoi vous partez plus et là le mec il me dit ouais ma femme elle est morte. Ah, mauvaise question. Ah, je fais tiens en plus le mec tu sais ça faisait genre ça fait 3 mois que c'est arrivé. T'sais, il avait les larmes. Bon, tu vois, moi je me suis excusé. Ah ouais, c'est horrible. Le mec qui me fait ouais. Non, mais après, on a embrayé sur autre chose. J'ai, tu vois, pas, mais... j'ai pas mis la musique parce que c'est vraiment. Non, mais ouais, mais. Tu vois, je me suis senti con, quoi. Le mec, je voyais. C'est clair, t'as l'air con. Non, mais c'est comme quand tu, pas, tu vois, souvent, tu vois une copine. Tu commences à avec ton mec. Ah bah, il m'a quitté. Il est mort. Ouais, bon, c'est moins pire. Ouais. Oui, quoi, le décès, je pense qu'il y a pas pire. Ah ouais, non, là, tu peux pas faire plus glauque. Ah, tiens, un étudiant de Bordeaux. Tiens, un collègue à toi, Maëva. Un étudiant. Un infirmier de Bordeaux s'est trompé de patient et a tué quelqu'un. Oui, c'est, ça aussi c'est glauque. Je vais te montrer. Ah non, c'est horrible. Bah, fais attention quand même. Ils manipulent pas les infirmiers, les étudiants infirmiers encore moins, tu vois. Donc c'est un truc du net. Ouais, bidon, je pense que c'est un fake. Quoi, c'est un fake. Un fake. Ouais. Non mais il m'est arrivé aussi avec une poche à urine. Il fallait juste que je clipe avec un ciseau, mais pour que l'urine reste en fait dans son ventre. Mm-hmm. Et je me suis j'ai mal coupé, c'est tout rentré, il a explosé. Ben voilà. Quelle horreur. Non, mais tu disais, Samy, mais il peut y avoir des erreurs, parce que moi, je suis là quand j'avais été à l'hôpital, tu vois, par exemple, quand t'es en perfusion. Ouais, mais pas les infirmiers, gros. Bah, c'est eux qui te changent les sacs. Ouais, mais tout doit être validé par un médecin, gros. Admettons, s'ils se trompent de sac, de produit. Ouais, mais c'est pas genre la meuf, elle prend un traitement, genre être le médecin. Ah non, oui, d'accord, mais je veux dire, quand elle va chercher. Tu lui mets ça, tu vois. Tiens, moi, j'ai toujours peur qu'il se trompe, quoi. Ouais, mais bon, pareil, j'ai pas confiance d'erreur. Non, mais bon, ça arrive, ouais. Il arrive des galères, hein. Tiens, après, évidemment, ils les médiatisent pas, parce que bon, si tu veux. Bon. Mauvaise pub. Ouais, c'est pas super. Moi, j'arrive toujours au mauvais moment, je vois les messages qui défilent, on va en reparler. Donc, vous aussi, vous êtes gaffeur, gaffeuse. Vous nous faites signe, vous avez fait des grosses gaffes. On vous attend, on attend vos messages et puis vos témoignages pour Maëva. Bon, bah, c'est ça que tu voulais, Maëva? Oui, c'est ça. On te garde. Alors, si je suis pas la seule au monde. Ouais, puis tu lui diras quand même le nom de l'hôpital où tu bosses, qu'on n'y aille pas, ouais. Non, ça va. Si, bah, il faut dire. Oui, parce que j'ai eu un patient l'autre jour. Je devais lui enlever l'appendicite, je lui ai arraché les couilles. Ah, ben, tout enlevé. Terrible. Imaginons, Mano, tu vas pour l'appendicite et tu te retrouves, t'as plus de boules. Ah, putain, moi, je pète un câble, hein. Mais déjà, je leur fous un procès au cul. Tu dis quoi? Tu dis, remettez-moi mes boules? Bah, non, mais tu sais, parce que rendez-moi mes boules. Quoi, c'est pas une poubelle, mais ils ont des espèces de réceptacles, tu sais, un truc qu'ils ont enlevé, comme je cherche dans la poubelle à organes. Non, mais. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? C'est le rat de la Marie. Non, tu sais, comme le mec avec qui ils avaient enlevé le mauvais rein. Le rein, il était perdu, quoi. Oh, non, mais qu'est-ce que c'est, ça? Il y a 4 mentons. 1, 2, 3 mentons. Non, mais je les garde, moi. Ah, tu veux les garder? Mais tu sais, quand tu retires un truc, tu peux le garder. Ah. Tu peux le garder? Ouais. T'as où, genre un menton de rechange, quoi. Bah, non, mais je sais pas, tu sais, je sais que ma mère, il avait retiré, c'est quoi qu'il avait retiré? Un tout petit truc, tu sais, de la colonne, là, ou je sais pas quoi, une petite opération. Mm. Et en fait, tu l'avais laissé dans un petit bocal. Ouais, mais j'ai déjà vu des appendicites, moi, des appendices. Ouais, tu peux. Ah, mais c'est ça, c'est l'appendicite. Mais quel intérêt de garder? Ouais. Ah, c'est pas dans le dos, alors. Bah, attends, l'héritage, Marie, l'héritage? L'héritage, Marie. Non, mais je sais pas, madame. Tu peux le mettre dans la cuisine, c'est joli. Ouais, c'est sympa, ou tu lui parce qu'elle avait tellement souffert sur la table. Quand il lui avait montré ce que c'était, elle a dit c'est ça qui m'a fait souffrir. Donc elle a voulu le garder, quoi. Ok. Non, mais il y en a plein qui ont gardé. Moi, je connais aussi des gens qui gardent ça. Bon, tu restes là, Maëva. On attend vos témoignages. On y revient tout de suite. Ouais. Je vous rappelle notre champion du monde qui arrive. Notre champion du monde dans moins d'une demi-heure. Attention, ça va être impressionnant. Impressionnant. En tout cas. Champion du monde. Champion du monde. Qu'on a eu en ligne. Ah, bah, déjà, on sait que c'est pas un rugbyman. Bah. Non, mais c'est vrai, il a raison. C'est pas un rugbyman. Faut procéder par déduction. Bah, ouais. Pas le couteau. Bah, oui, bah, Marie, ça, il peut rien, moi. C'est pas moi qui suis sur le terrain. Ouais. Bon, et on a une petite urgence, on va prendre Théo tout de suite, ça va exciter beaucoup certains membres de l'équipe. Théo, tiens, vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive, toi, Théo? Bah, en fait, il y a eu une embrouille avec mon beau-père. Embrouille, Cédric, écoute, embrouille. Ouais, j'ai embrouille. Ah, tu le mets en joie, Cédric. Vas-y, raconte ma gueule. Bim, bam, bum. Ouais, d'ailleurs, vive Cédric. Ah, merci, mon pote, merci. Bon passage. Toi, t'as une vie de merde, toi. Qu'est-ce que c'est que cette posture? Alors qu'est-ce qui s'est passé, mon pote? En fait, c'est mon beau-père. Enfin, le mat. Quand il m'amène au bahut, il m'a raconté des trucs un peu chelous et tout, un peu dégueulasses. Ah, c'est lui le pervers, absolument, oui. Salut, tu sais, petit. Mais j'ai pas que ça. Et puis depuis, je l'ai dit à ma mère. Enfin, elle est un peu en bas, c'est pour demander des conseils. Mais genre, il te dit quoi, par exemple? Il te raconte comment avec ta maman, quand même. Bah si, un peu. Absolument, ouais. Oh. Tu sais qu'hier, avec ta maman. ça y a été. Tu sais, c'est horrible. Ah, je l'ai fait crier. Elle a grimpé au rideau, quoi. C'est horrible. Non, mais il te raconte quoi, par exemple? Elle a bouffé l'oreiller, quoi. Bah, un peu de tout, quoi. Quand elle veut pas baiser, quand elle a pas. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Oh. Ta mère, elle est chiante en ce moment. Tu sais qu'hier, elle a pas voulu baiser. Ah, ouais, j'ai été obligé de me branler. Oh non. Mais c'est pas possible. Il a des problèmes, non? Mais il est, il est un peu comme ton pote ou il fait vraiment père, beau-père? J'ai l'impression d'être un peu son confident et puis ça, depuis que j'ai raconté à ma mère, il est un peu en vague, quoi. T'as dit quoi à ta mère? Ma mère, elle était sidérée, elle a raconté ça à ma grand-mère, ma grand-mère l'a raconté à toute la famille, maintenant tout le monde est au courant. Ma mère, elle est un peu en bade, quoi, c'est pour lui remonter le moral. Écoute, c'est pas grave, moi le point positif c'est bon, c'est vrai que ouais, moi ça me casserait les couilles quand même que t'as 14 ans, l'autre il te parle de il a baisé ça te choquerait. Ton père il viendrait te voir, il te fait putain, qu'est-ce que j'ai mis à ta mère? Tu sais, je lui dirais écoute, tant mieux, mais j'ai pas envie de savoir. Ouais, c'est clair. Tiens, voilà, vite ta vie. Et là c'est encore pire, parce que c'est même pas ton père, quoi. Ouais, c'est ton beau-père, c'est vrai. Et puis t'expliques qu'il nique ta mère, bon, c'est pas super. Ta mère. Non mais moi il me parle de ça déjà. Mais je l'insulte, je veux traiter tous les noms. Alors Cédric, lui, serait déjà dans les insultes. Et je pense même dans le combat dans la voiture. Donc admettons, Cédric, je suis le beau-père. Ouais, tu me baises ma mère, mais je te défonce ta gueule déjà. Non mais calme-toi, je n'ai encore rien dit. On est dans la voiture. T'as pas un bruit de voiture? On est dans la voiture tous les deux. Mais je te mets une patate dans la voiture. Alors, on est dans la voiture avec qui? Cédric conduit ou non, pas? Non, je conduis, je suis Ah non, papa. Mais Cédric a pris le volant. Oula. Finalement, je vais conduire. Vas-y, conduis, Romano. Oui. Alors. Déjà, faut démarrer la voiture. Ah oui. Oh non. Oh. Ah, ça démarre pas. Cédric, t'es peut-être trop lourd. Ah bon, nom de Dieu. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne sais pas, Romano. Ah, ça y est. On est parti. Oui. Alors, Cédric, t'as passé une bonne nuit? Ouais, ça va, tranquille. Ah bah tant mieux, parce que hier soir, vu ce que j'ai mis à ta mère, j'avais peur que ça te réveille. Ah là, poteau, je te mets une patate. Ah là, je t'étrangle. Moi, je conduis toujours, là. Ah bah, je t'étrangle. Et là, Cédric étrangle le conducteur. Ah bon, tu me dans l'hôpital, je m'en bats les couilles, c'est fou. Mais oui, Cédric, faut pas étrangler celui qui conduit, regarde. Moi, je m'en fous. Après, tu te reprends un mur, c'est comme ça que tu t'es pris. Mais tu parles pas de ma mère, toi, t'es fou. Moi, je parlais d'un mur. Ouais, je sais, mais le mur, je m'en fous. Mais... Bon, là, c'est pareil, y'a qu'une lettre de différence. Ah, mais je préfère me prendre le mur, quoi. Non, que... deux, quand même. Oh, bon. Tu le prends mal. Ouais, bah, bien sûr. Non, mais moi, pareil, le mec, je lui dis, je m'en bats les couilles, je veux pas savoir. Bah, c'est ça, il faut lui dire. Ah, tu dirais, je m'en bats les couilles, je veux pas savoir. Ah, mais si c'est mon beau-père. Je lui fais, ouais, t'es dégueulasse de me raconter ça. Je m'en fous, c'est votre vie, quoi. Non, mais en plus, quelque part, bon, c'est leur vie. Comment tu Marie, tu serais choquée, toi aussi? Ah ouais, non, moi, j'aimerais pas, moi. Enfin, que ce soit une pièce rapportée, comme ça, entre guillemets, mon beau-père ou ma belle-mère qui me raconte ça, non. Ah non, mais moi, même mon père, hein, tu vois, il vient me raconter qu'il baisse ma mère. Ouais, mais ça me dégoûte. Ok, c'est bien, tant mieux, mais j'ai pas envie de le savoir. Ouais. Mais moi, c'est différent parce qu'ils sont séparés, tu vois. Enfin, contrairement à toi, Romano, par exemple, ils sont séparés, donc bon, quelquefois, effectivement. Les autres, vous seriez choqués ou pas? On rigole là-dessus, mais. Karim. Ah ouais, moi, ça me choquerait, moi. Moi, je dirais, arrête de me raconter. Ton beau-père, il vient, il fait. Ferme ta gueule, ferme bien ta gueule. Non, mais je suis dans la situation. Non, mais moi, à partir du moment où. Tu veux monter dans ma voiture et je suis ton beau-père. Vas-y, refais le. Voilà. Le scénario, vas-y. Oh, roule, lui. Alors, Karim, la nuit a été bonne? Ouais, cool. Ouais, parce que Lyon, comment j'ai déglingué ta mère. Ta gueule, je vais te niquer. Aïe. Tu te fais encore étrangler. Tu ne pas, toi. Ah, si, direct. Après accident, je vous ai dit. Bon, et Sabi, t'as pas dit? Non, moi, pareil, je crois que comme le toit le belge, moi, je réagirais très mal, ouais. Ou alors je lui demanderai des photos, peut-être, je sais pas. Sabi, tu veux prendre la voiture? Je suis le beau-père. Ouais, vas-y. Et toi, Théo, quand il te raconte donc ce qu'il fait avec ta mère, ou genre elle veut pas baiser et tout ça, tu dis quoi, toi? Bah, je dis rien, je fais semblant d'écouter, quoi. Et puis, la dernière fois, quand Cédric il a dit là, qu'il voulait aller l'étrangler, ben moi je me suis déjà battu avec lui une fois et puis j'ai fini à l'hôpital. Voilà. Ah d'accord, ouais, donc très bien. Ah putain, quand même. Il est donc plus fort que toi. Oui. Ah, il a gagné. Bah, enfin la dernière fois c'était même pas pour ça, c'était parce qu'en fait c'était une embrouille et tout qui est partie de je ne sais plus quoi. Et puis en fait ma mère elle a appelé les pompiers histoire enfin parce qu'elle croyait que j'étais fou et tout, elle avait rien compris. Et les pompiers, je suis parti à l'hosto genre 4 jours hospitalisation, tout ça pour ce que ils me prenaient pour un fou. Oui, ils pensaient que t'avais pété un câble et que t'étais devenu dingue et que tu t'étais jeté sur ton beau-père, quoi. Ouais, voilà, et puis en fait... t'avais une crise de démence. C'était hyper violent et tout, genre limite, il m'étranglait et tout. Il est chelou ton beau-père, quand et même. Et ta mère est restée avec, putain, moi, il se passe comme un truc comme ça avec mon fils, je peux te dire que le mec, il genre... Ah, tu le dégages. Moi, j'aurais peur, nous dit... Sauf s'il a une grosse queue. Non, mais qu'il lève la main sur mon fils, quoi qu'il arrive, enfin, même si c'est mon fils qui a fait une connerie, moi, je jarte le mec. Moi, je serais choqué, il y a plein qui nous disent ça. Petit Nicolas, mon père, il me raconte des trucs comme ça, je serais choqué. Il est chelou ton beau-père. En plus, il est violent parfois, c'est pas bien. Enfin, c'est vrai, t'as raison. C'est... Là, surtout, ouais, je sais pas, ce qu'il te raconte, c'est chelou de raconter ça à son beau-fils. Absolument. Quoi. Bonjour, je suis Patrick, le beau-père de Théo. Ouais, c'est ça. Et ta mère, donc, elle veut rester avec lui ou pas du tout? Bah non, là, justement, on va déménager, mais... Ouais, donc, elle veut se séparer, elle a pris sa décision. Ouais, mais c'est quand... Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre, quoi. Je crois qu'elle l'aime encore et tout. Bah oui, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ouais, genre... je dirais 10 ans. Ah ouais, donc oui, bah forcément, la rupture, c'est pas... donc c'est pas un beau-père tout neuf, quoi. Ouais. Et puis même, en fait, ils se sont déjà séparés, mais ils se sont remis ensemble. Ouais. Ils sont peut-être en embrouille, et puis peut-être ça va revenir. Bon, qu'est-ce que vous feriez? C'est vrai que c'est pas facile, tandis que... Ouais, qu'on embrouille ou pas, et qu'il ferme sa gueule. Déjà sur le cul, tu veux dire? Ah ouais, non, mais c'est clair. Ça m'a rendu dingue, quoi. Bonjour, c'est Patrick. Lâche-moi avec ça, quoi. Mais tu peux lui dire, tu peux lui dire que ça te dérange, qu'il parle de cul, que ça te met mal à l'aise et tout, et puis c'est leur histoire, c'est entre eux. C'est pas ton problème. En même temps, tu vas pas dire à ta mère, alors, maman, faudrait te faire baiser par un beau papa. Il croit quoi, lui? C'est quand il te dit ça. Peut-être qu'il veut que tu passes un message. Ouais, bah dis donc, alors, maman, faut y aller là. Écarte un peu les paluches. Dreaming Love qui nous dit, il faut pas parler de ça, au fils. Bon, vous nous laissez vos réactions, tu veux qu'on fasse quoi pour toi, Théo, nous? Bah des réactions puis des conseils pour remonter un peu le moral de ma mère. Bon, alors remonter le moral de la maman. Okay. Ouais. Donc des idées pour les mamans, je compte sur vous parce que les mamans c'est important. Les mamans c'est important. Donc allez-y et on revient avec toi tout de suite. Théo, tu bouges pas. Juste alors les filles, mais qu'est-ce que c'est? C'est qui ce connard que vous avez pris à l'antenne? Voilà. Ça, mais vous êtes encore une qui doit avoir ses règles. Eh oh. Écoute, je sais pas, c'est un message pour toi, Alexandre. Ouais, Alexandre. Il y a eu plein de messages pour toi. Bon, il énerve. Bah non, il est tombé sur des nunuches. Il est très bien, Alexandre. Ouais. Pas de chance, il est tombé sur des godichons. Alors, Alexandre, au début, la relation, ça se passe bien, après un peu moins. Qu'est-ce que vous nous dites, là? Letty. Ah, bah tiens, Letty, justement, c'est encore pour toi, Alexandre. C'est lui qui choisit ses meufs. C'est vrai qu'il a pas tort. Si elles sont bêtes, c'est de sa faute. C'est lui qui les choisit. À la base, au début de la relation, ça se passe nickel. Après, je sais pas, il y a une deuxième facette de sa personnalité et c'est pas la bonne, tu vois. Ouais, a priori, c'est pas la bonne. Mais t'es sorti avec combien de filles dans ta vie, toi, Alex? J'en sais rien, Et à chaque fois, à chaque fois, ça dure un mois. Ça dure pas très longtemps, en fait. Tu te lasses vite. Il y a Jérémy qui nous dit la même chose. Moi aussi, ce qui m'intéresse. Ouais, voilà, ça. Ce qui m'intéresse, c'est de sortir avec une fille. Après, je m'ennuie, tu vois, Jérémy. En fait, surtout la séduire, en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est Jérémy, c'est en gros ce qu'il nous dit. Vous êtes des séducteurs, vous êtes un peu des dons juans, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Des dons juans, trop beau gosse. Qu'est-ce que tu dis, Cédric, hein? Bah, elle tombe toute une par une sous son charme. Elle tombe toute une par une sous son charme. Tu fais tomber aussi des filles une par une. C'est grave, attends. Elles tombent, elles arrivent vers toi et elles tombent. Marie, elle a failli claquer aussi. Ouais, mais je sais, elle a failli claquer, c'est à cause de l'odeur. Complètement, ouais. Elle arrivait, j'ai tombé dans les pommes, ça pue. Ah là là, mais ça sent des pieds ici, je m'évanouis. C'est moi, beauté. C'est moi, beauté. Et là, c'est Marie qui tombe. Ouais, c'est ça. Non, plusieurs fois je l'ai ramené le soir. Limite elle voulait m'inviter à prendre un verre chez moi. Ouais, bah évidemment. Ouais, non, elle voulait m'inviter à prendre une douche. T'as pas tout compris. Viens te laver, ça te fera pas de mal. Parce que la Marie elle est gentille, une petite douche pour toi. Exactement, j'ai de l'eau chaude. Ça c'est nouveau chez Marie. C'est un miracle. Ouais, depuis un an et demi. Parce que marrant. Ça vient d'arriver chez Marie. Je suis restée sans eau chaude pendant un petit moment. Avant tu te lavais à la fontaine. Je me lavais pas. Non, je me lavais. Toi non plus. Bon, et qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, Alex? Parce que bon, c'est pas nous qui allons les rendre intelligentes, les filles avec lesquelles tu sors. Non, mais voilà, après, je pense que c'est plus du jeu de séduction, et après, bah. Ouais, en fait, c'est pas. Dès que je les séduis, après, c'est fini. Genre, j'ai pas envie de plus avec elles. En fait. C'est pas qu'elles sont bébêtes, en fait, les filles, c'est juste que toi, en fait, t'es super intéressé dans le fait de séduire une fille, et une fois que tu l'as. Après, ça me saoule. Ouais, c'est ça. Après, ça me saoule d'être avec. Elle commence à tomber amoureuse. Elle m'envoie des messages en me disant, ouais, je t'aime, maintenant, c'est avec toi que je veux avancer, tout ça. Et moi, après, au bout d'un mois, j'ai même pas envie de lui parler, de la voir, tout ça. Bon, j'ai un petit message à vous passer, les filles. Si vous sortez un jour avec Alexandre, je m'adresse notamment aux filles qui habitent en région parisienne et aux filles du 91 en particulier. Quand vous sortez avec lui, faites-le galérer en permanence pour qu'il doute en permanence. Genre qu'il ait toujours besoin de vous séduire. Ne lui faites jamais, vas-y, embrasse-moi devant tout le monde. Non, mais c'est ça. Ne lui dites jamais je t'aime non plus. Jamais. Le savoir. Voilà, faites-le chier, mais jusqu'au bout. Genre qu'il soit jamais sûr. Que comme ça va marcher. Hein. Ah non, mais je suis sûr que ça marche. Parce que c'est quand même. Quand je donne une idée, en général, elle est géniale. Ah bah évidemment. Non, mais c'est ça, merci, merci Romano. Oui, c'est merci. Que tu séduis la nana, puis au bout d'un moment, quand elle est à tes pieds, ça te fait chier quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois tous les défauts de la nana. Donc faudrait que tu tombes sur une super relou. Qui soit super relou avec toi. Que tu lui cours bien derrière. Ouais, que tu saches pas si elle t'aime vraiment. Exactement. Galérer, quoi. Si elle est super attachée. Ça va être sympa ta relation. Une nana un peu froide. Ah putain. C'est vrai, hein, c'est pas mal. Ça donne envie. Bon, c'était l'idée que j'avais. Dites-nous ce que vous en pensez là sur le 41759, le skyrock.fm. Et puis au 01 53 40 30 20, vous pouvez témoigner également pour Alexandre si vous avez déjà eu ce problème. On nous dit il est trop exigeant. T'as qu'à rester célibataire, nous dit Thomas sur SMS. On veut savoir. Alors, justement, j'aime pas être célibataire en fait. Ouais, t'aimes j'aime bien séduire. Il y a iFake qui nous dit t'as quel âge? T'as 19 ans toi, iFake. Il aime pas la facilité. J'ai eu 19 ans vendredi dernier là. Bon anniversaire Alex. Joyeux anniversaire Alex. Merci Romano. Bon anniversaire Alex. Il n'aime pas la facilité, donc une fois que c'est acquis, il est désintéressé. On est tous d'accord, hein. C'est la teacheuse 007, la teacheuse 007 qui nous dit ça, là. Tu vois, on pense à peu près tous la même chose. J'étais comme lui avant, et je suis tombé sur une chieuse, et depuis, je galère. Hein, t'es encore avec, tu vois, tu galères, tu nous dis que tu galères. Mais t'es encore avec ta chieuse. Ouais, donc ça marche. C'est Inconnu75 qui nous dit ça, là. Je suis comme lui, nous dit Maxime. Il y a plein de gars qui sont comme toi, hein. Trop exigeants encore, tu vois. Ouais, ça me rassure d'un côté, alors. Oui, c'est vrai. Et tu te sens moins seul, ouais. Tu te sens un petit peu moins seul, oui, c'est vrai. En même temps, ouais, mais je pense que la solution de Difool est la mieux, en fait. Hein. Mais Marie, elle est trop réfléchie. Oui, je pense, hein. Mais bon, après, faut qu'elle comprenne que. Bon après si c'est... Non mais après faut que tu t'en je lui montre pas au début en fait que... Ah, mais Marie t'es un peu pareil toi. Ouais c'est vrai que je suis un peu pareil. C'est-à-dire que Marie une fois que le mec est super amoureux, bon le mec est cocu ça il faut... Non mais pas forcément. Bah si Marie tous. Mais non c'est sur la fin en général. Presque tous, 90%. Je ne suis pas l'âge du tout. Ouais, 19, ouais. Je ne suis pas l'âge du tout donc en général je... J'enchaîne. Et j'en ai pris des kilomètres. Ouais, et je les prends à la chaîne. Non, mais j'enchaîne, c'est plus simple. Juste gag à la chaîne. C'est un peu poète ce soir, Marie. Bon, les filles, vous pouvez continuer à insulter Alexandre, allez-y, hein, si vous avez des messages. À la chaîne, je mets. Eh oh, tu vas te détendre. Et notre champion du monde arrive tout de suite sur Skyrock. Accrochez-vous. Champion du monde. Ouais. Et je vous le dis, c'est du lourd. Skyrock. Skyrock et Sam t'offrent le spectacle du Whoop en exclu. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Un show unique organisé par Sam. Ça, c'est bien. Et seulement pour les auditeurs de Skyrock. Aujourd'hui sur Skyrock, on reçoit un rappeur du 8-3, c'est MTTW, t'es prêt? Ok, alors balance le beat. Vas-y, balance. Et écoute Skyrock toute la journée. On voit Roulette au 7-20-20. Il gagne tes places pour voir Mister V, Hugo tout seul, Malcolm to the World, Mike, Jérémy, Hakim et Youssoupha. Eux, c'est le Whoop. Rien que pour toi, le 16 septembre à Paris avec Skyrock. Le show exceptionnel du Whoop, on exclut pour Skyrock. Alors qu'est-ce qu'on dit? Merci Sam. Rien que pour les beaux yeux de Sam, celui qui te raccompagne chez toi après les soirées. Comme ça tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le Whoop sur scène. Et ça c'est bien, ok? C'est la folie des barbecues cet été sur Skyrock avec Géant Casino. Merci. Toi aussi, mets-toi en mode Brésil et envoie tes plus belles photos de soirée de barbecue géant avec le hashtag Géant Brésil. Et gagne ton voyage au Brésil. Dès maintenant, poste ta photo sur Twitter et Instagram avec le hashtag Géant Brésil pour participer. Ton futur voyage au Brésil, c'est maintenant avec les magasins Géant Casino. Drake. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. I'm way too good to you. Drake, nouvel album Views, disponible. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves? C'est facile, tu peux te mettre au sport, changer de style vestimentaire, sortir tous les soirs en boîte et faire des séances de bronzage. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des mecs cool près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises, hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs? Ou bien carrément, on change de jean? Bref. Caro se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue vu que pour l'instant, elle s'habille.

vainqueurs. Un gros relou toujours collé à mes baskets. Quand il a su que je voulais le quitter et que je voulais quitter la région, il a voulu venir avec moi. Ça faisait 3 semaines qu'on était ensemble. J'ai vite fui. Ah, tu t'es barré limite encore beaucoup plus vite, quoi. Moi, c'est mon ex. C'est Esteban qui nous laisse le message. Mon ex qui était une fan des cochons d'Inde. Ça fait peur, croyez-moi. Moi, mon ex était un peu bête. Elle était aussi bête qu'une bite. J'étais désespéré quand j'étais avec elle. Je suis sorti avec un gars tellement con qu'il ne savait même pas tenir une conversation. C'est pour Mélanie sur Facebook aussi, le Facebook de Skyrock. Marie, moi je suis sorti avec un mec genre con, le gars très très con, qui va t'inventer un prétexte pour te quitter sans te... et qui va te faire chialer pendant des mois. Eh ben. Ah non, là c'est pas lui, c'est pas un mec bébête. C'est un... Bon, tu peux, pour toi c'est peut-être un enculé, mais c'est C'est un enculé. Non, on va rester sur enculé. Finalement, je pense que ça ira bien. Très bien, ouais, même. Ouais, ouais, ça va. Oh, bah tranquille. Bon, et attention, je vous parlais d'un champion du monde. Notre champion du monde arrive et on reviendra au beau-père qui parle de cul aussi, parce que ça a déclenché aussi des débats sur tous les messages que vous nous avez envoyés sur tous les réseaux. On va en parler. Mais oui. Avant ça, je crois que Samy est en ligne avec notre champion du monde. On parlait de cochon d'Inde. Eh bien, Samy est en ligne avec le champion du monde. Attention, pas n'importe qui, oui. Champion du monde de cris de cochon. Ouais. Oui. C'est Noël. Ah. Noël. Ah, je vous le passe. Ah, ouais, merci. Romano, il est là, Romano. Ah. Ah. Très aimé par le champion du monde de cris de cochon. Allô, Noël. Allô, oui. Noël. Oui. Bonjour. Salut, Noël. Salut, Noël. Comment ça va? Avec Romano, ça va bien. Eh ben, ça va bien, ça va impeccable. Et on t'entend mal. Mets-toi mieux là, parce que tu vas nous faire une démo de. Attention, grand moment. Du feu de Dieu. Alors, Noël, tu es encore champion du monde. Champion du monde. Bravo, bravo. Sixième fois champion du monde. Ça fait six années de suite que tu es champion du monde du cri de cochon. En dix participations. Ah ouais. Ça va. Une fois, trois fois, fois deuxième, une fois troisième. Et tu fais là du monde de lever de coude un peu ou pas? Dans les soirées, oui. Ah, bah oui. Ah, mais, Noël, entre nous, quand tu fais le championnat du monde de cri de cochon, vous êtes tous bourrés, non? Non, il faut être concentré, c'est sérieux. Il y a un contrôle antidopage. Tu joues ton titre. Putain. Ah oui, ah ben, des contrôles, il y en a toujours, mais de page, ça ne dépend. Mais les contrôles de quoi? Le midi, on mange un pot et après, vous mangez de la tête de cochon. Voilà, c'est le quoi de dire. Voilà, les plus fidèles de l'émission t'auront reconnu parce qu'on a écouté l'autre jour sur le net tes démonstrations et c'est vrai que t'es impressionnant, Noël. Et pour te décrire un peu physiquement, c'est toi qui mets le nez de cochon et les oreilles. Ah, c'est lui. Le costume, c'est moi qui l'ai fait moi-même. Donc, ouais, donc, voilà. Noël, tu mérites ton titre parce qu'en plus tu te donnes du mal, c'est bien, bravo Noël. Alors, Noël. J'essaie de faire au mieux. Ah bah, Noël, et je voudrais te le dire, Noël, entre nous, tu fais vraiment pas mal. Eh, hey, Noël, on veut la démo. Voilà. Oui, pas de problème. Mais tu nous fais attention. Le cochon très très énervé. La Marseillaise, Romano, s'il te plaît. Voici tout de suite Noël, le champion du monde du cri de cochon. Et t'as un concours, t'as un concurrent, Noël. Il y a Boxer sympa là qui nous envoie un message. Il a fait un concours local de cri de cochon à Rungis. Mais il est arrivé que troisième et il dit il gère trop, Noël. Ah ouais, t'es la star dans le milieu, quoi. Tu gères trop. Ah bah oui. Ah bah oui. Il faudra qu'on essaye de se voir directement. Ah bah oui, faudrait que tu viennes nous voir dans le studio. On va t'inviter à l'émission, Noël. Ouais, bah je pense que tous les ans, je suis une semaine au salon là-bas. Donc il y a un peu Je voulais te demander, quand tu fais le cri de cochon, je voulais te demander, quand tu fais le cri de cochon, parce qu'il y en a qui s'allongent par terre et font vraiment les porcs. Toi, tu t'allonges par terre ou pas? Ah oui, mais si t'as regardé les vidéos sur Internet. Ah bah ouais, bah ils sont par terre. Ah ouais, ok, d'accord. Et ouais, la naissance, l'allaitement et la mort du cochon. Et je voulais te demander, les cochons te comprennent ou pas? T'arrives à communiquer? Ah, c'est bien ça, ouais. Oui, mais tout à fait, parce que quand je te fais un cri de cochon, une fois que j'ai fait ça. Ça, c'est quand t'as 3 grammes. C'est la bonne chose. Et bien, il le faisait SLV, il est venu à côté de moi. Non, mais je pense, t'as l'impression que tu parles au cochon. Non, mais t'étais bourré, Noël, non? Non, je suis clair. Et il t'a dit quoi, le cochon? Il était ronflé comme une queue de pelle, le Noël, il a cru que le cochon lui parlait, quoi. T'as déjà monté une bonne truie? Comment ça? Oh bah ça arrive à tout le monde ça. Ah, c'est souvent des bons moments en plus hein. Allez Noël, la démo. Alors, la démo. Oui, alors le cri c'est comme ça là. Il y a plusieurs critères, alors le cri on a le. Oh merde. Oulala. Putain, mais il le fait bien. Là c'est un cochon, il a un gueule. Mais comment c'est possible? Trop fort, nous dit Boucher. Encore? Et encore Noël? Oui, attends, il y a encore quelque chose. Énervé, fais-en énervé. Ouais, bon coup, quand même. Le cochon énervé, ouais. Voilà. Oh putain de merde. Ah, mais, et là, c'est. Oh, de Dieu. Alors là, c'est le cochon, il est dans quel état d'esprit là, à ce moment-là? Là, il tousse, là, le cochon. Bah, il va le dire quand je fais à la fois que le. Au départ, un cri normal, après tu mets le doigt dans la bouche et après, mais ça, au moment que ça tousse. Mais là, le cochon, quand il fait. Il est dans quel état d'esprit? Il est excité, là. Il est content, il est excité, il a envie de manger. Ouais. Il est excité, il est amoureux, il fait tout. Attends, fais voir le. Voilà, tu peux me faire la cochonne excitée? À la truie. Ouais, mais ça, faut être deux. Ah, il faut être deux. Bah, Marie, non, mais est-ce que tu peux faire le cochon? Oula, c'est bon. Marie va faire la cochonne. Toi, tu fais. Mais moi, je sais pas faire le cri de cochon. Voilà, non, mais quand tu fais une bagarre comme ça, il faudra qu'on essaie de se voir directement en studio. Ouais, bah, moi, ouais, je suis habillé en cochon. Et là, après, bah, tu es habillé, tu vas te frotter vers une petite cochonne, hein, tu te frottes ta tête. Tu ah, peux, bah, c'est bon. Et après, tu fais le coup. Ah, bah, voilà, ouais. Tu peux être Allez, tu nous en fais un petit coup, là, le cochon très énervé. Ouais, ou le cochon qui se fait égorger. Ça, c'est la mort du cochon, à la fin de la ça. La mort du cochon. Ah ouais, c'est ça. Rest in peace, the pig. Ah ouais. Voilà. Ah, pas mal. Ah, pas mal. Ah, bravo. Noël, bravo. Bravo. Champion du monde. Bravo. C'est le champion du monde, c'est Noël. Ah, bien joué. Et tu sais faire le cri du cochon qui se fait courser par des Arabes? Là, je peux dire que faut que tu cours vite. Le cochon, il cavale, gros. Et tiens, moi, je vais te faire un cri de cochon, écoute. Ah, pas mal du coup. Ah, ça, c'est un peu le cri du petit porcelet. Ah, le cri. Ouais, c'est vrai, ouais. Porcelet. Je sais faire le cri du porcelet. C'est un cri vif et c'est les petits porcelets. Ah, maîtrise les cris. Chaque cochon est différent, donc on a plusieurs cris. Mais voilà. Tu sais faire d'autres animaux ou toi c'est vraiment le cochon ta spécialité? Le dindon, l'âne, la chèvre. Ah, fais voir le dindon. Le dindon et après l'âne. Le dindon, ça fait. L'âne, il fait. Et la chèvre. Enchaîne, la chèvre. Et la chèvre, elle a du mal à décoller, la chèvre. Elle fait. C'est comme une boîte à meufs en fait, Noël. Sauf que c'est une boîte à. Ça à la vache. C'est une boîte à tout. Le pigeon. Ah, Noël. Ah, putain, Noël. T'es un champion de Noël. Il nous a fait un enchaînement, quoi. Alors, il y en a qui nous disent que quand tu fais le porc, on dirait Cédric qui mange. Oh, message de Ozzy Black, 17 ans. Salut, Ozzy Black. Et on dirait Cédric qui s'embrouille, tiens, pour un non, cochon. Plus. Si, regarde. Ah, hein. Eh, oui. Unique, bravo, tu gères. Regarde le message de Damien. Tiens, comme il gère grave pour Damien. Vas-y, refais l'âne. Unique. L'âne, ah, vous avez bien aimé l'âne. Là, c'est l'âne, l'âne qui se fait enculer. Ouais, voilà. Mais Noël, t'as des voisins là, Le pan, c'est. Ah, le pan. Ça, c'est un porc qui baisse. Non, le pan. Pardon. C'est un pan. Le pan. Putain, tu mets. Le pan, c'est. Ouais, c'est ça. Et t'arrives à faire les pigeons? Non. Non. Ah, non, ça, ça, non. Oh, non, c'est fait. Et le cheval? Le cheval, il l'a fait. Ah, ça, c'est pas le cheval. Alors, ça, c'est sûr. Le pigeon. Allez. Fais le cheval. Hey Noël, tu t'es pas présenté à d'autres titres, genre le champion du monde du cri de cheval, champion mais du monde. Il y a des autres, non? Non, il y en a pas. Ah, il y en a pas, bah lance-le. Eh, hey, mais tu. Le cri du coq, ça y en a eu. Ah, le cri du coq, vas-y, fais voir le coq. Bah, moi, je suis le coq, le vieux coq. Ah, lui, il est en il est fatigué, le coq. Et c'est où ton festival du cri de cochon? Parce qu'il y en a qui aimeraient aller le voir. Il y a au salon de l'agriculture. Eh ben, c'est toujours le dernier week-end de février au salon d'école à Paris. Et c'est le samedi à l'ouverture du salon d'école à Paris. C'est génial. Bah écoute, on prend rendez-vous pour l'année prochaine. Eh, mais on va te sponsoriser, hein. Ouais. On va te mettre. J'enverrai un message pour essayer de se voir là-bas. Ah, bah oui. Ah, mais ouais, carrément. On ira se boire un coup. Avec plaisir, Noël. On se boira une petite murge. Et même plusieurs coups, d'ailleurs. Est-ce que tu sais animer, genre, des personnalités, imiter des personnalités ou quoi, ou c'est que les animaux? Bah oui, il nous a fait Le Pen, là, tout à l'heure. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, vas-y. Mon poulet bien rôti, vous le ressortez, vous mettez un peu de sel de citron dessus, vous l'enveloppez bien, si vous faites bien bien. Moi, je préfère quand tu fais le cochon, moi. Ouais, mais dis donc, maintenant, là. C'est pour vivre. C'est pour vivre. Là, tu fais une imitation de Patrick Sébastien. À l'ancienne. Ah, Patrick Sébastien, c'est limité. Oh, c'est génial. Non. Eh ben. Oh, oui, c'est génial. Mais t'es jamais allé dans son émission? Ah vas-y. Ah bah ouais, il faudrait y aller. Vas-y, ouais. Ah oui. Oh, c'est génial. Bon, on va te passer Cédric. On nous dit que tu es capable de communiquer avec Cédric et que tu es un des rares. Merci. Je te mets en contact avec Ben et tu Noël. En tout cas, on te verra. Gros bisous, Noël. Gros bisous, ouais, merci. Merci, t'es gentil. Merci. Ouais, hein. Ciao, Noël. Noël. Ciao, Noël. Noël. Et eh ben voilà, Noël. Champion. Il est super. Ah, tu m'as fait rigoler. Si tu es avec lui, tu tripes quoi. Oui, Noël, du calme. Ah non, c'était pas lui là. Non, ça c'est un vrai. Vous avez vu, on le confond avec un vrai porc. Ah mais c'est, il est quand même champion du monde, pas pour rien. Oui, Noël. Il est content. C'est le champion. Champion du monde. On a eu un paquet de champions sur Skyrock. Hein. Tony Parker, Nicolas Batum. Ouais, et ce soir, des footballeurs, mais bien sûr des footballeurs. Et là, ce soir, le champion du monde de cri de cochon. Ah ouais, bien joué. Ah, il était super, Noël. Ah ouais, très sympa. Bon, alors on va parler de Théo. Alors, est-ce que vous avez dans votre famille gâter, là, ouais. des beaux parents qui vous parlent de cul? Je sais pas, vous avez une belle mère ou un beau père qui vous parle de cul et de ses relations? Oui, j'ai baisé ta mère. Oh putain, qu'est-ce qu'elle a pris, Bobonne hier? Bon, c'est ce qui arrive à Théo. Bon, il n'y a pas que ça pour Théo. Hein. Bon, c'est le beau-père qui raconte des trucs de cul. Ouais, non, il a des problèmes, ce type. T'es là, Théo? non, mais c'est vrai. Ça fait 10 ans qu'il est avec sa mère, donc il l'a vu grandir et tout. Je sais pas, ouais, tu racontes pas des trucs de cul à tes gosses, quoi. Non, au début, je trouvais qu'il te parlait un peu comme un pote, donc ça fait un peu chelou, mais bon, pourquoi pas. Après, tu nous as expliqué qu'il était violent parfois, que ta mère voulait se séparer. Faut que tu laisses faire ta mère, en fait, dans cette histoire, c'est son mec, hein. Ouais, mais ce qui inquiète Théo, en fait, c'est que sa mère déprime un peu et. Mais en même temps, si elle est en phase de rupture, ça, forcément, bon, ça fait quand même 10 piges qu'elle est avec. Oui, puis ça va durer quelques temps. Ouais, c'est pas du jour au lendemain, tu sais, on va pas tourner la page du jour comme ça au lendemain. Exactement, on passe pas du jour comme ça au lendemain. Bon, ta mère, qu'est-ce que tu peux lui faire? Bon, un truc gentil pour faire avec ta mère. Tu sors avec elle, enfin, tu sors pas en boîte, hein. Non mais oui, tu fais des activités avec elle. Tu lui changes les idées, quoi. Tiens, maman, viens, on va en boîte. Non mais allez vous faire un ciné, tu sais, genre en fin d'après. Allez, maman, on va en boîte, on va te trouver un nouveau mec. T'as des frères, des sœurs, Théo? Comment ça se passe? Bah ouais, j'ai un petit frère qui a 6 ans, c'est le fils de mon beau-père et de ma mère. D'accord. Ah ouais, donc t'as... J'ai ma petite sœur qui a 10 ans. Après, il y a le fils de mon beau-père qui s'appelle Raphaël, qui a 17 ans, et la fille de ma belle-mère, la fille de beau-père, pardon, qui a 15 ans. Putain, il y a du peuple là, du monde à la maison, ça. Eux aussi, ils leur parlent de cul, tu penses? Que j'avais demandé. Bah non, je pense pas. T'as discuté avec toi, le grand, là, celui qui a 17 ans? Bah non, pas tellement, parce qu'en fait il vient pas là tout le temps, donc comme il évite de l'apprendre là, j'ai pas trop eu le temps de lui en parler un peu, quoi. T'entends bien avec lui? Bah ouais, ça va, enfin. Non, mais tu pourrais lui en parler, hein, je trouve que c'est pas mal, surtout que c'est son père. Et voilà, mon idée, une fois de plus, mon idée qui fait l'unanimité chez Marie, et ça fait plaisir, parce que Marie, elle est psychologiste. Oui, je suis psychologiste. Non, mais sur les trucs de cul, faut lui dire d'arrêter tout de suite, d'arrêter de te parler. T'aurais dû le dire direct, hein. Ouais, bah c'est pas facile. Non, mais tu lui dis, ouais, ça me gêne, papa, je sais pas comment tu l'appelles, beau pape. Par son prénom, j'imagine. Y a pas lui, c'est carrément, moi, si mon beau-père, il dit ça, je le défonce direct. Ouais, peut-être pas non plus lui sauter à la gueule, mais tu peux lui dire déjà dans un premier temps calmement. Et il y a Juanito, lui, il avait la même chose, le beau-père qui disait à sa mère, viens, on va baiser, il était choqué. Allez, viens, ma chérie, on va baiser. Allez, viens, je vais te mettre une petite cartouche. Ouais, devant les enfants, t'imagines? Non, moi, c'est pire, mon beau-père est policier, merci Gus Gaz. N'a pas de rapport, mais c'est intéressant. Oui. Parlez-nous de vos. A priori, ça le traumatise. Putain, mon père, il est keuf. Trop horrible. Mon beau-père, il est keuf. Bon, moi aussi, mon père, il parle de trucs comme ça avec ma mère, mais ça nous dérange pas, on est comme ça dans la famille. Il y a des familles où ça parle tranquille, comme ça. Non, mais à la limite, qu'il parle de cul avec ta mère. Bon, déjà, devant les enfants, c'est limite, mais quitte. Genre, que tu sois tout seul avec lui et qu'il te raconte, hier, en gros, maman, elle a pas voulu baiser. Ouais, déjà, qu'est-ce que tu peux y faire, quoi? Non, mais c'est clair. C'est vrai. Mais quelle idée. Lui, tu lui dis, tu fais, ouais, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu sais, je vais pas aller lui dire. Hein. Petit conseil pour toi, on a qui? On a Babar au téléphone. Bonjour, Babar. Bonjour. Salut, Babar. Marie voulait savoir si tu as une grosse trompe, évidemment. Bah, bien sûr, sinon, ça serait pas Babar. Ça vient de là, ton surnom. Voilà, ça vient de là. C'est ma femme qui me l'a donné, donc. Ouais, d'accord. Ça va, sinon, les chevilles? Non, c'est la bite, Marie. Je crois qu'il nous parle de sa bite depuis tout à l'heure. Ouais. T'es jaloux, Romano? Non, t'es pas jaloux? Oh non. T'es non, sûr? Vrai, moi, ma bite, elle fonctionne quand même. Même si elle est petite, quand même. Tu peux pas en changer, hein, donc bon. Fonctionne quand même, ouais, ça. Je vais lui mettre une rallonge. Mais quand tu vas sur YouPorn, t'as des pubs pour te faire grossir la bite, des trucs comme ça, non? Ouais, non, mais tu sais, il n'y a pas marqué gogo, ça. C'est à la limite, pour ça, c'est plus Cédric. Ouais, non, mais je voulais savoir si t'avais déjà essayé. Bah, jamais de la vie. T'as envie d'essayer? Ça va faire mal en plus. De quoi, les pompes à bite, ouais, et tout ça. Ah, là, ça non, mais tu devrais essayer, gros. Non, ah, non, tu vois, Karim, il a raison. Péter la bite. Karim, il est pas con, hein. Karim. Bah, il est, bah, essaye sur toi, mon pote. Et puis ah non, moi, ça va, moi. Non, mais non, mais juste histoire de dire si ça fait mal ou pas, quoi. Non, bah, justement, c'est toi, on t'en prend une au sex shop en bas. Non, non, non, mais je veux. Et on te pompe la queue. On te pompe la tub, man. Ouais, mais bon, Cédric. Non, mais en plus, ça sert juste à faire bander, ça, je crois. Ça l'agrandit pas. Non, moi je pense que surtout. Je sais pas comment ça peut l'agrandir. Ça t'abîme la bite, je pense. Je pense aussi, je sais pas, ça peut te l'étirer chelou. Ah, ça t'abîme la bite et ça te vide le compte en banque pour pas grand chose. Ouais, c'est ça. C'est de la merde. Et ben bah, Babar, il a. Plusieurs fois, on avait été au sex shop, le même mec qui les vendait, il disait que c'était de la merde. C'est pour ça. C'est clair. Non, mais évidemment que ça ne marche pas. Babar, lui. Il a pas besoin de ça, ouais. Voilà. Mais c'est vrai, on t'appelle Babar parce que t'as une grosse bite? Non, rien à voir. C'est un surnom qui date depuis des années. C'est quoi les oreilles? T'as les oreilles? Non, même pas. C'est par rapport à mon nom de famille, quoi, en fait. Babar, très bien. Alors, voilà. On va te demander ton nom de famille, parce qu'après, tu risques de recevoir pas mal de coups de fil. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Surtout quand j'aurais dit que tu habites à Clermont-Ferrand, rue de la Tour. Au quatrième étage. Et au numéro 8. Porte de gauche, en sortant de l'ascenseur. Exactement, porte de gauche, en sortant de l'ascenseur. On sait où t'es. Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais dire à Théo, toi? Eh ben, donc voilà, moi aussi, je suis beau-père, donc, des enfants de 15 ans aussi. Attends, t'es beau-père, mais t'as quel âge, toi, Bavard? 32 ans, moi, j'ai. Ah, premier sur les beaux-pères, ce soir. Tout à fait. Et ma femme a un enfant à 15 ans, et c'est vrai que nous aussi on parle assez librement, mais surtout sur la déconne de ça, mais voilà, toujours en présence de ma femme, jamais je le prends seul pour lui parler de ça, ça se fait pas, quoi. Non, mais tu fais des, ouais, fais des blagues de cul, mais c'est pas, tu dis pas, par exemple, tu lui dis pas hier j'ai trop bien niqué ta mère, quoi. Non, je voilà, pas, c'est ça. On est d'accord. Non, oui, mais c'est ça. Et ce soir, non, je l'encule. C'est sympa. Donne-moi la mousse au chocolat. Prépare-toi, ce soir, ça va sentir le caca dans la maison. Ah, dégueulasse, mais non. Tu ne t'inquiètes pas, c'est pas les chiottes, ce sera le cul de ta mère. Je vais lui rabonner le trou de balle. Ouais. Super. Non, mais c'est plus, ouais, des blagues de cul, des allusions à des trucs de cul, mais. Chez pas... les Romano, vous faites des blagues de cul aussi. Ouais, quoi, on passe pas non plus notre temps à faire ça, mais tu vois, ouais, je pourrais. Chez les Romano, quand ils se servent, je sais pas, on parlait de mousse au chocolat. Regarde, on dirait le cul de ta mère. Non, justement. Moi, c'est pas, tu sais, c'est pas fixé sur quelqu'un, tu vois, c'est un truc général. Ouais, quoi. Voilà, ouais, moi, tu sais, c'est, je sais pas, même mon père, tu sais, ça me gênerait qu'il me. Débile, quoi. Comme Karim, alors. Ouais, exactement. Ah, c'est ça, c'est moi. Non, mais ça fait bien marrer. Hein. C'est bien. Mais après, ouais, si jamais, tu vois, il me fait pas des. Il me raconte pas ce qu'il fait avec ma mère, et heureusement d'ailleurs. Moi, sinon, j'aurais dit. Ouais, toi non plus, Babar. Ah non, moi, je lui raconte. Ah non, on peut pas faire ça. Nous, on fait beaucoup d'allusions, on déconne là-dessus, on est assez ouvert quand même, mais jamais je le prendrai à part pour lui dire. Qui se passe et tout, ça peut pas se faire. C'est chelou, quoi. Et tu conseillerais quoi à Théo, toi? Moi, franchement, je lui conseillerais d'aller directement lui en parler à son beau-père, quoi. Mais lui dire d'arrêter tout de suite de parler de cul, ça le dérange? Ah ouais, ça le dérange, quoi, parce que ça doit le mettre mal à l'aise. Moi, je vois déjà le gamin, quand on fait des allusions avec sa mère, qu'on déconne, ça le met mal à l'aise, alors oui. C'est normal. Des allusions, là. Les allusions, mais c'est quoi les allusions? Je sais pas, vous bouffez un hot dog, tu fais, hey, regarde, t'as vu, voilà. Y a une saucisse dans le hot dog. Et voilà, c'est ça. C'est des spécialités à ma femme, dès qu'il y a une saucisse, quelque chose qui a une forme phallique, donc deux, trois petites allusions, mais. Et après, plus, on va manger du concombre, mais entier. Ouais, trop bon. Et tu m'étonnes que ça lui fait bizarre à ton beau-fils. Et en dessert, un gland. Ouais. T'aimes ça, ma chérie, hein? Un banana split. Ouais. Super, vous êtes à trois à table. Puis c'est bien. Traumatisé, le beau-fils. Ouais. Regarde la baguette de pain, on dirait une bite. On dirait ma bite, carrément. Elle m'appelle Baba. En même temps, si t'arrêtes pas, oui, tu m'étonnes que le gosse est un peu traumatisé au bout d'un moment. Je vais te mettre ma baguette dans le four. Hein. Ah, ouais. Même pas. Ouais, si tous les trucs longs, vous comparez ça à une bite. Donne-moi la bouteille. Non. Et l'hôtesse m'a branlé la bouteille. Ah, oh. Ah ouais. Ça doit être un peu lourd, oui. C'est clair. Bon, mais écoute, ouais, Théo, va lui dire. En tout cas, la prochaine fois qu'il te parle de cul, faut lui dire. Non, mais tu lui dis, ouais, ça me gêne, arrête. Et les trucs. Mais je lui ai déjà dit, hein. Mais enfin, je lui en ai même encore parlé ce soir. Enfin, il est venu me voir et on en a parlé. Enfin, ils se sont engueulés, mes parents. Ouais, non, mais putain, elle fait chier aussi, ta mère, elle veut pas baiser. Non, mais pour faire plaisir à ta mère, ouais, comme elle galère un petit peu ces temps-ci, qu'elle a pas le moral, en fait, organise une soirée avec tes frères, tes sœurs, tout ça. Bah, une soirée ou une après-midi, ouais, vous allez au ciné, ouais. Après, je sais pas, ouais. Vous allez bouffer au McDo tous ensemble, ouais. C'est pas cher, c'est sympa. Et puis, elle a horreur de ça. Bah, tu l'amènes au Quick. Oh, bah, super, ça change vachement. Un KFC, alors, un petit KFC, allez hop. Voilà. Un KFC. La poulet box. Hop. Non, elle aime pas ça. Non, mais faut que t'organises un truc, même si elle aime pas ça, et tu l'amènes. Vois, mais bon, là, le truc, en fait, c'est surtout qu'il faudra laisser se reposer, c'est ça le truc, mais bon. Mais se reposer, c'est aussi sortir, faire des trucs, tu vois, même ouais, si t'es pas, même si t'es pas en train de dormir, vaut mieux faire des, mais aller manger un bon McDo avec toute la famille, qui se retrouver toute seule à la maison. Ouais, mais bon, tu vas pas, ouais, aimer, non, tu vas ça, pas non plus la forcer à bouffer du McDo si elle est vraiment pas. Elle mangera du McDo. Ah, moi, mon père, tu lui en feras jamais bouffer, par exemple. Il a jamais mangé un McDo. Ah, il a goûté, mais voilà. Il aime pas. Ouais, il est pas fan, et voilà, quoi, tu sais, je lui ai déjà proposé plein de fois, viens, mon McDo, il me dit, alors. Et enfin, alors. Et le KFC? Ah, non, il non plus. Non, rien se boit. Ah non, c'est clair. Non, rien, il mange rien, ton père. Ah ouais, non, mais bah, je sais pas, ouais, c'est pas dans ses habitudes. Ouais, quoi. Ils aiment pas ça. Je sais pas, tu l'amènes à la, je sais pas, à la brioche dorée. Ouais, voilà, prends la brioche. Ouais, tu non, mais si, mais pourquoi pas, il arrive. Tu l'amènes au bistrot, et puis voilà. La brioche dorée, elle est super. Un sandwich, tu lui payes un verre de vin pour, elle oublie en buvant. Non, mais c'est clair qu'il faut lui changer les idées, ouais, ciné, c'est bien, ciné. Non, mais l'important, ouais, c'est que vous fassiez des trucs ensemble sans lui. Vous en profitez de votre maman comme ça. Parce que si elle reste enfermée dans la chambre, ça va être pire que tout. Elle va réfléchir, elle va pas être bien. Enfin, ah oui, ça lui fera du bien. C'est pas le truc à faire, quoi. Bon, bah écoute, merci en tout cas pour le témoignage, Babar. Bah, de rien. Je te passe Marie parce qu'elle veut absolument te parler. Je sais pas pourquoi. C'est son pseudo. Ah, bon, Babar. Je peux juste avoir 10 secondes pour faire un gros bisou à mes 4 enfants et à ma femme. T'as 4 toi. Putain, 4 déjà. T'as bossé. Hein. La trentaine et déjà 4 gosses. Pam, pam, pam. Voilà, 4 gosses. Eh ouais, Romano, faut y penser un jour à tout ça. Hein. Eh, l'horloge tourne, Romano. Bah ouais, j'y pense. Mm-hmm. Je trouve pas le trou là. Genre. Bon, salut Baba, raccroche pas. Et puis, bisous. Théo, donne-nous des nouvelles, puis reste à l'écoute. On aura peut-être d'autres témoignages parce que je vois des messages que j'avais pas lus là. Il y a Stromae Loveuse qui nous fait: j'ai une pote, son beau-père, il se baladait nu dans l'appartement quand la mère, elle était pas là. Ouais. Mais ouais, lui, mais là, il y avait des soucis aussi, ouais. Ouais, lui, c'est non, parce qu'après, il y a des gens, tu sais, sont naturistes, ils vivent à poil chez eux, quoi. Absolument. Oui. Après, si le mec, il se met à poil exclusivement quand t'es tout seul avec lui. Oui. C'est chez ouais. Vous, ouais. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais mis un coup de pied dans les couilles. Et oui, je suis en train de masturber, là. Je me masturbe, tout simplement, espèce oui. Espèce de sadique. Tu vois, t'en es pas encore là, Théo, tu vois, il y a non, ça va, ouais, bah, tant mieux, à la limite. Bon, bah écoute Théo, bon courage, donne-nous des nouvelles et reste à l'écoute, on en reparlera là tout à l'heure. Bouge pas Théo. Bouge pas. Exactement. C'est rien dire Romano. Bouge pas. Bouge pas, sinon il t'arrive des bricoles. Bon, alors il y a Célim qui va arriver là d'ici 5-10 minutes, on va lui repasser, on va te passer un coup de fil Célim. Il se pose des questions sur son frère. Est-ce que vous êtes déjà posé des questions sur les gens de votre famille? Genre pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils sont chelous? Ils sont cons. Est-ce qu'ils ont une vie cachée? Pourquoi ils sont cons? Ouais, demandé, par exemple, ouais. Très bien. Bon, ben on aura Célim, on va le prendre tout à l'heure. Et puis les réactions par rapport à la gaffeuse belge. Ah oui. Que je suis belge. Que je m'appelle Maeva, que je suis compatriote de Cédric. Ouais. Et que je tue les frites. Et que je fais que des. Alors, elle travaille, si vous étiez pas là tout à l'heure, elle travaille dans un hôpital et elle ne fait que des conneries. Bah ouais, oui, c'est que ça. J'en ai déjà tué 10. Oui, mais... Ah, super. Bon, bah, ouais, c'est possible, on rigole. Mais bon. Attends. Faut faire attention. En tout cas, moi, j'aimerais pas tomber sur elle. Bah, mais moi non plus. Ouais. D'ailleurs, on va te reprendre, hein, Maeva. Tu restes bien en ligne avec nous. Juste avant, on va finir avec le grand débat de ce début d'émission depuis 21h. Il vous a énervé, les filles. Il s'appelle ouais. Alexandre et il a 19 ans. Et il reproche un truc au fils, c'est que, bon, au bout d'un certain temps, il vous trouve gnagnaise, bébête. Voilà. Coconne. C'est ça. Ouais. Et donc, on a des réactions. Enfin, un petit bilan, là, tiens. Ça tombe bien. On a qui au téléphone avec nous? Alors, c'est Malan qui. Nalam. Ah, Nalam. J'ai exactement ce que j'ai c'est dit. Ce ah, c'est ça, ouais. C'est exactement. Bon, qui, a priori, est comme Alexandre. Hein. C'est ça, Nalam. C'est un peu dans le même tapis. Oui. À chaque fois, j'avais des petites relations d'un mois, un mois et demi, ça durait pas. Mais le problème, en gros, c'était pas moi. En fait, le problème, c'est les filles. Ah, c'est toi qui les choisissais quand même. Bah ouais. Ouais, d'accord. Ouais, mais en fait, le problème, c'est quand tu te mets avec. Et ouais, des fois, avant, tu sers une meuf, tu la connais vite fait, quoi. Voilà. Et ensuite, quand t'es avec, tu t'aperçois qu'elle est trop collante, au bout de 3 semaines, tu vois, la fondant, c'est chaud. Donc en fait les filles, d'après ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure, faut pas trop montrer que vous êtes amoureuse. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, faut faire c'est la dommage, distance hein. Un peu, tu vois. Avec certains gars en tout cas. Ouais, enfin bon, ça fait chier quoi. Ouais, mais... C'est bien de vivre sans truc non, à mais fond. Pas la distance, mais faut montrer quand même que, tu vois, tu, au bout de 3 semaines, tu vas pas donner ta vie en terre pour... Ouais, pour la meuf. T'es pas à fond, voilà. Quoi. Bah ça dépend, tu peux avoir un coup de foudre et te dire c'est... Ouais, mais après ça fait trop collant, tu vois. C'est la meuf de ma life. Après, faut pas trop le montrer alors, c'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. Et alors toi, comment t'as résolu le problème, ton Alam? Bah moi, j'ai trouvé une fille bien, bien casse-couille, franchement. C'est ce que vous disiez, les filles. Bonne relou. Soyez ah casse-couille. Ouais, franchement, une relou, bien comme il faut, honnêtement. Mais elle m'a fait changer du tout au tout, au moins. D'accord, en fait, elle t'a fait tellement morfler que tu... Maintenant, à la limite, t'apprécies une fille quand elle te dit qu'elle t'aime, quand elle est toujours sur toi. Elle t'a maté. Ah non, bah non, justement, parce que je suis toujours avec elle, là, j'ai 2 enfants avec elle. Ah ouais, ah donc ouais. T'es resté avec ça, la relou. Une vraie histoire. Ah ouais. Ah, effectivement. Bon, c'est vrai que c'est dur des fois, mais bon, c'est toujours mieux que les femmes qui sont collantes. Ah ouais, bon voilà les filles. Ouais, tu préfères une meuf à caractère qu'une nièce, quoi. Voilà, c'est voilà, ça. Voilà, tout à fait. D'avoir toujours ça. Quelque chose. Ouais, ouais, moi je comprends, ouais. Il y a toutes les filles. Moi j'aime pas qu'on me dise amène à tout, tu vois. J'aime bien que. Ouais, qu'il y ait de la résistance un peu. Voilà, c'est ça, Romano, tu connais, toi, la résistance. Ouais, moi j'aime bien me faire mater un peu, tu vois. Voilà, bah moi je suis pareil. Toutes les filles qui écoutent Skyrock demain, elles vont devenir casse-cou. Elles vont devenir, c'est ça. On va voir ça, parce que ça va, ça va pas être trop dur à faire. Eh oh. C'est vrai. Voilà, Marie, toi, t'es magnifique, hein. Merci. Ça fait plaisir. De rien, de rien. Marie est casse-couille aussi un petit peu. Non, je suis pas casse-couille. Non, pas du tout. Non, moi, voilà, il ne suffit pas de me faire chier. T'as du caractère, quoi. Voilà, bah, c'est ça qu'il nous faut, nous, les hommes. C'est, oui, t'inquiète pas, on m'entend. Donc, du caractère, les filles. Voilà ce qu'il faut pour Alexandre, pour Nalam. Bon, bah, on a un petit peu résumé. Moi, mon ex, c'était une fan des Cossons d'Inde, ça fait peur. Bah, je l'ai déjà lu, ce message. Bah oui, tu l'as déjà lu. Mais Esteban n'en peut plus, là, pour. Esteban, il s'en remet pas. Esteban nous envoie des messages en boucle depuis tout à l'heure. Exactement. Ouais, bon, bah, c'était ton ex. C'est ton ex au moins, Esteban, ça veut dire c'est fini, ça veut dire au moins t'es tranquille. Exactement. Moi, elle me fait ça, je lui dis d'aller se faire foutre carrément. C'est le message de Arnaud là sur SMS. C'est toutes les mêmes les filles, le marabout. Non, c'est pas toutes les mêmes en plus. C'est ça, c'est pour ça que c'est marrant. Bah non, bah sinon ça serait chiant. Et ouais. Bon, bah écoute, merci Nalam. Qu'est-ce que tu penses du conseil, Alexandre ? Bah, je crois que c'est le mieux à faire, hein. C'est de trouver une meuf qui est un peu casse-couille, comme ça, y a pas de problème. Bah, exactement. Tu trouves une bonne casse-couille, et à mon avis, tu passeras des moments abominables, mais au moins, tu resteras. Ça durera longtemps. Voilà, c'est ça. Mais, et voilà, des moments abominables, mais qui dureront longtemps. Ouais. C'est bien. Bon, bah, écoute, merci Nalam, on te salue, puis, sois heureux avec ta chérie qui te casse les couilles, Puis les deux enfants. Ouais. Mais que tu aimes très fort. Très bien. Tout à fait. Eh ben voilà, c'est beau l'amour, hein, vous avez vu. L'amour sur Skyrock. Merci Alexandre aussi. Et salut Nalam, salut les gars. Rappelle-nous, Alex, dès que tu as trouvé une fille, pas gnaignaise. Ouais, ou si tu trouves une gnaignaise, bah, tu t'entends bien avec. Ouais, voilà. J'espère, Marie, j'espère. Parce que oui. On a eu beaucoup de messages de gars aussi. On a parlé sur tous vos messages, les filles, que vous étiez énervées, tout ça. Bah oui, c'est logique. Bon, dans un instant, il y a Selim qui arrive. Il se pose des questions sur son frère. Ah, on va faire tour de vos gaffes, là, avec la gaffeuse Maëva, la gaffeuse de l'hôpital. Ouais, mais c'est ça le plus inquiétant. Elle peut ça vous tuer flipper, un hôpital. Ah oui, que je les ai tous tués. Et puis aussi, Pamela, on va la retrouver avant 11h, tiens, tout à l'heure. Oui, j'arrive. Pamela, les collectors de Pamela. Bisous, toute la semaine. Bisous, ce soir à pas louper. Elle est excitée. C'est Patrick ce soir. Absolument. Le héros de la soirée. Je suis en train de m'assurer. Et la le star. Retour. Le grand retour de Patrick ce soir sur Skyrock. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500 € dans le Morning Daddy Fool. C'est vrai ? Mais oui ! The Morning Show ! Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. SCH. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin. Repos. SCH, nouvel album disponible. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons arriver dans quelques instants sur votre lieu de vacances. Pour votre confort et votre sécurité, merci de rester sur l'application Yax et de continuer à délirer. Je répète, pour votre confort, restez sur l'application Yax et continuez à délirer. Toute l'équipe de ce train et le peuple de Yax vous souhaite d'agréables vacances. Yax, YAX. Le train en direction de Busan va bientôt partir. Demain, prenez place pour le choc de l'été. Il se passe quoi ? Dernier train pour Busan. Le film catastrophe de tous les records, avec 10 millions d'entrées en 15 jours. Dernier train pour Busan. Le train ne peut pas aller plus loin. Pour rester en vie, montez à bord. Qu'est-ce que vous faites ? On attend quoi pour partir ? Dernier train pour Busan. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce train. Cet été, le blockbuster vient d'Asie. Demain au cinéma. Dépêchez-vous ! Avec Skyrock. Vous cherchez un moyen de faire de nouvelles rencontres pendant les vacances ? Amour au 62070. De nouveaux amis ? Amour au 62070. Le grand amour ? Amour au 62070. Envoyez Amour, AMOUR, au 62070 et accédez aux meilleurs services de rencontres par SMS en France. Envoyez Amour au 62070. 50 centimes plus prix du SMS DGP. C'est Jaja et Gina. Ouais, c'est Dja Dja et Ginaz, le duo du moment présente, on se promet, leur premier album dans les bacs. Dja Dinaz. On se promet, Jaja et Dinaz dans les bacs. Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante, on dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. 21h, minuit. Radio Libre sur Skyrock. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Et la spéciale de l'été qui continue jusqu'à la fin de la semaine, profitez-en. Yes. Alors, les gaffeurs, les gaffeuses, ça vous arrive de gaffer? Gaston la gaffe. Et c'est que j'aimais bien ça, moi. La gaffe de la télé. Non, j'aimais moins ça déjà. Moi aussi. Alors, on a une gaffeuse, c'est Maëva, on va la retrouver dans un instant. Et puis il y a Célim qu'on va prendre au téléphone avec nous. Célim, il se pose des questions sur son frère. Il se dit, mais est-ce que mon frère est normal? Et Pamela qui arrive. Ah, ça, c'est vraiment du gros, gros collecteur. Elle est normale, elle. Non. Pep, Pep, j'entends tout, je suis là. Salut, Pamela. J'étais sous mon parasol au fond du studio. Avec ton bikini. Sous une lampe. Sous une lampe pour faire pour cultiver de la meuh. Ah, allez, tout le monde là. Bon, Pamela arrive avec le premier coup de fil à Patrick. Eh oui, Patrick, le héros des Patrick. Le roi, on peut le dire, l'empereur des pervers. Ah, clairement. Notre idole, oui. Je suis en train de m'assurer. Mais oui, Patrick. Je l'adore là. Le tout premier coup de fil de Pamela à Patrick, vous êtes plein à nous l'avoir demandé. Bon, on a attendu la dernière semaine pour vous le mettre, mais c'est pour vous ce soir, Pamela, Patrick, le retour. Et il y a eu plein de réactions pour les gaffeurs. On y revient tout de suite, on va prendre Maëva. Des chirurgiens ont déjà oublié des ciseaux chirurgicaux à l'intérieur d'un corps d'un patient. Ah ouais, mais déjà des compresses et d'autres trucs aussi, hein. Ouais, et je rappelle que Maëva qui nous a appelé pour ça. Travaille à l'hôpital, ouais. Travaille à l'hôpital et que c'est quand même assez inquiétant, Maëva, cette histoire. Et elle fait des gaffes aussi. Non, mais c'est vrai, hein. Mais non, mais il n'y a pas que pour ça que je fais des gaffes, hein. Ouais. C'est ça. Par exemple, Vas-y. Bah non, mais par exemple, une fois, j'étais avec une copine et il y a un gars, il m'envoie un message et moi, je commence à critiquer ce mec, en fait. Et en fait, j'ai pas vu, mais j'étais en train de l'appeler. Ah, mais ça arrive souvent, ça. Mais critiquer, mais vraiment critiquer, quoi. Genre. Dire qu'il était gros, qu'il fait de la gueule, qu'il faisait que des trucs comme c'était ça. C'était bon, copine. Genre d'envoyer un message à quelqu'un alors que vous pensez que c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, le pire, c'est quand t'es. On a eu ça dans l'émission des témoignages d'un des gars. Tu veux critiquer quelqu'un. Ils envoyaient un message à leur meuf alors qu'ils voulaient écrire à leur maîtresse, par exemple. Ouais, par exemple, quand tu critiques quelqu'un et en fait, tu penses à la personne sur laquelle t'écris. Ouais, c'est ça, donc t'envoies et du coup, t'envoies à cette personne-là. Ouais. Tiens, Romain, d'ailleurs, je vais t'envoyer un petit message. J'ai un petit truc à te dire, mais en tête à tête, tous les deux. Hop là. Alors, j'envoie un petit message. Cédric, coupe ton casque, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Alors, je t'envoie un message, Romano. Je le dis à tous les auditeurs pendant que Cédric a coupé son casque. T'as vu Romano? Ouais. C'est horrible. La tête qu'il a. La gueule c'est qu'il a. Horrible. C'est quatre mentons. Cédric. Attends, Cédric. Tu sais que même sans son casque, il t'entend Cédric, là. Cédric a quatre mentons. Voilà. TONS. Hop là, envoyé. Je t'envoie donc le message, Romano. Très bien. Tu devrais le recevoir d'ici quelques. Pourquoi il ne sonne pas ton téléphone alors que je viens de te l'envoyer? C'est dingue ça, dis donc. Mais je crois que. Merde, je crois que tu t'es trompé. Ah, mais mon téléphone, il a vibré. Ah, ton téléphone a vibré, Cédric. Ah, c'est ouais, bien. Tu as dû recevoir un message. Alors, dis full. Oui. T'as vu, c'est horrible, Cédric a quatre mentons. Et voilà. Mais c'est qui, Cédric? Et Cédric me répond, mais c'est qui, Cédric? Qui, ce mec? Non, mais moi, ça m'est arrivé avec ma meuf. Ça, c'est on horrible. On chiait sur quelqu'un par SMS, elle a envoyé par erreur un message à la personne. Et en fait, elle a rattrapé le coup, tu vois, elle a sorti à baratin, elle fait, ouais, je parlais. Et ça, c'est passé. Il faut être malin après, ouais. Bon, après, il faut éviter de mettre les prénoms, ouais, parce que c'est plus dur à gérer comme situation. Ah, mais moi, quand je reçois un message comme ça, je réponds, voilà ce que je t'ai répondu. Tacatam, je regarde ce que m'a répondu Cédric. Alors je vous lis le message. T A T V U C S E horrible O R I 2 B L E U E X ouais Diffoul un A avec un accent un. Ah, c'est bizarre comme tu écris un H-U-N. Grand nez. Tu vois, ça sonne. Et voilà. C'est mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est mon téléphone, il a sonné, connard. Et alors? Ah, il y a des gens qui t'appellent. Bah ouais, bah écoute, vas-y, réponds-lui parce qu'ils ont du courage. Bon, ouais, donc de faire des gaffes, ça arrive à tout le monde. Moi, je suis étourdi, j'ai appelé mon patron par le petit surnom qu'on lui donne entre nous, mais heureusement, il a pas fait gaffe. Message de BA de Péro Zigar. Ah, ça peut arriver, ça, ouais. Ouais, l'enculé. Ouais. Ça va, l'enculé. Gros con d'enculé. Voilà, le mec a pas fait gaffe. Bon, t'es étourdi, il faudrait que tu sois plus attentive. Bon, c'est facile à dire, mais c'est ce que nous dit sur SMS. Bah ouais. Zizou. Salut Zizou. Donc être plus attentif, j'attends la voix de l'auditrice. Non mais surtout fais gaffe à l'hôpital quoi, parce que un jour ou l'autre il va se passer un drame, moi je te dis. Moi les trucs je les vois arriver. Hein. C'est ouais clair. C'est possible parce que là bon c'était juste un. Tiens une fois j'ai envoyé à ma mère, on se rejoint sur mon lit, mort de rire. Ça c'est bon ça. Je suis pas sûr que ta mère. Bah elle m'attendait à poil. Oui. Moi j'ai dit à des potes que je sortais avec une meuf et je le pensais vraiment. Elle est venue me voir devant mes potes pour me dire qu'on était que amis. Ah oui ça c'est ouais, vrai. Là, que ça, c'est... ça calme aussi ouais. C'est... Non ça c'est une c'est un râteau ça c'est plus que. Oui bah oui. Moi j'ai brûlé ma maison en voulant allumer ma clope à la gazinière, j'avais oublié de l'éteindre. Tiens, moi j'ai foutu le feu à la cuisine aussi, j'ai brûlé des draps parce que j'avais foutu ah des oui, draps c'est vrai, ouais. Que je voulais laver. Draps à la cuisine. Sur la cuisine. Sécher, ouais. Parce qu'il a sa machine à laver dans la cuisine. Ouais, c'est petit chez moi, Cédric, tout le monde n'habite pas dans un château. Ce tuyau, ça va. Oublier les clés de la porte et être. Hein, et être à l'intérieur. Ah, ça c'est con, ouais. C'est quoi ça? Mais tu les as. Non. C'est l'inverse, chier. Ouais, parce que sinon, quand t'es à l'intérieur, bah, tu oublies les clés à l'intérieur. Tu ouvres ta porte, et puis tu les récupères. C'est Cathy sur Facebook qui nous envoyait ça. À mon avis, il a dû se planter dans le message, ouais. Tiens, ma femme, il y a 5 minutes, elle m'a renversé le service à raclette sur la table. Elle a deux mains gauches, message de Renault. Soit c'est juste qu'elle est maladroite. Droite. Ouais. Tiens, Sébastien lui a oublié qu'une chaîne était tendue à la sortie de l'immeuble pendant sa livraison. Il a défoncé son scoot, il a tapé dedans. Bam. Ah merde, ah ouais, ça oui, c'est pas super. Tu t'avances dans les bras d'une fille qui vient de te faire un câlin alors qu'elle vient de faire un câlin au mec qui était juste derrière toi. Oh là, c'est que tu tombes sur une chaudasse. Mathilde, j'oublie tout, moi, mon sac à main, quand je vais au resto, mon manteau, en soirée. Quand j'étais petit, je m'étais endormi, une lampe de chevet allumée, c'est David qui envoie ça. Pendant la nuit, j'ai fait tomber la lampe sur mon lit et je m'étais. Et quand je m'étais levé le matin, il y avait un trou dans le matelas. Ah bah ouais, ça avait brûlé, la lampe, elle était bouillante. Ouais. Ah oui, c'est la l'ampoule. Ouais. Bah encore heureusement que t'es pas pris feu. Hein. Mais il y a des gens qui s'endorment avec leur cigarette, par exemple. Ah, ça arrive souvent. Accident domestique. Moi, je fume pas dans ma chambre. Ah, ça c'est bien. Ça évite les problèmes. Ça t'évite de prendre feu. Ça évite non, puis même, ça pue trop, tu vois. Ouais, c'est. Ouais, il y en a plein qui le font. Je sais qu'il y en a plein qui le font. Je l'ai fait d'ailleurs à une période. Ouais, mais tu m'avais dit d'ailleurs que t'étais allé voir l'appartement d'un ami et que lui, tu lui conseillerais de fumer dans la chambre. Par contre, il fume pas. Ouais, mais des cigares même. Pourquoi? Ah putain, ouais. La chambre de Cédric, déjà, il y a une moquette marron dégueulasse. Mais c'est la couleur d'origine ou c'est tu t'es frotté l'anus par terre? Non, c'est la couleur d'origine. Tiens, j'ai appelé mon prof par son surnom, Mario. C'est le message de Valentin. Il a pas aimé. Ça, c'est arrivé, moi aussi, c'est arrivé à un pote en classe. Bon, Maëva, t'es pas la seule à être étourdie. Reste à l'écoute, il y aura peut-être d'autres témoignages. Vous nous laissez vos messages, puis on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, fais quand même attention, surtout dans ton boulot, Maëva. Oui, attention à l'hôpital. Concentration. T'es contente de pas être toute seule? Ben oui, je suis contente, mais j'ai fait pareil aussi avec ma carte d'identité. Qu'est-ce que t'as fait avec ta carte d'identité ? J'ai perdu ma carte d'identité, je la cherchais partout, sachant que deux semaines après, je prenais l'avion, et en fait, ben, elle était dans ma poubelle. Alors que j'étais allée voir les flics et tout, j'ai porté plainte. T'es dangereuse, toi. Non, j'ai fait ça. Moi, des trucs les pires qui me sont arrivés, c'est que j'étais au téléphone avec quelqu'un, et je cherchais mon téléphone et je venais fou. J'ai discuté avec lui, et je tournais partout dans mon appartement, je fais putain, mais où est-ce que j'ai mis mon téléphone ? Mais c'est comme les lunettes de vue. Ah ouais, ça c'est. Ma grand-mère, c'était ça tout le temps. Elle avait les lunettes sur le pif et elle la cherchait. Enfin, c'était ma grand-mère. Mais je ne vois rien. Elle les cherchait pas. Comment ? Je ne vois pas mes lunettes dans l'appartement. Où sont-elles ? Mais ça, le coup du téléphone, la première fois que j'entends, ça c'est assez fort, je trouve quand même. Non, ça m'est arrivé, mais ça m'a fait chier. Oh, bien 5 minutes, hein, je cherchais. Ah ouais, partout, et tu t'es vénère. En plus, on se vénère quand on trouve pas notre téléphone. J'ai perdu, j'ai fait quoi avec le téléphone ? Au bout d'un moment, je me dis, mais. Eh oui. Ah bah, il est là, je m'en sers. Évidemment, je suis en train de parler dedans. Bon, bah écoute Maëva, bon courage pour la suite et puis vos messages pour Maëva, on y reviendra d'ici minuit là. Merci, c'est gentil. Bisous et tu salues la Belgique pour nous Maëva. Bisous la Belgique, à tantôt. À tantôt Maëva. À tantôt. À tantôt, oui. À tantôt et à vous tous. Voilà, et bonne frite. Peut-être les Belges, comme la friture. Quand tu dois écouter des... Ah, c'est comme la friture. Bah exactement, oui. Écoute des radios belges, j'ai l'impression qu'il y a des parasites tout le temps. Que je tue les frites. Que je tue. Bah, t'es bien. Bon, juste avant d'en trouver Pamela, elle arrive dans un instant. Célim, dont je vous parlais. Alors, Célim, tu es avec nous. Pamela. J'arrive. Hein. Tu arrives. Je me refais une petite beauté. Avec. Ah, il y a du boulot alors. Ah, oui. Ça. Avec Patrick sous le bras. Juste après Célim, on te retrouve. Célim, du 93, et t'as 19 ans, toi, Célim, c'est ça ? Ouais. Oh là, on t'entend pas. Tu nous appelles de ta baignoire. Tu es sous l'eau. C'est vrai, on dirait. Comment ? Vous m'entendez mieux, là ? Oh, là, ça va, bouge plus. Non, ok, je bouge plus, là, c'est bon. T'es, tu bouges plus, Célim. Bon, t'appelles pourquoi, toi, Célim ? Dis-nous en speed. Ah, moi, c'est à propos de mon petit frère, quoi. Il a quel âge, ton petit frère ? Toi, t'as 19, hein ? Ouais, il vient d'avoir ses 17 ans, là. 17 ans. Bah, big up au petit frère. Qu'est-ce qu'il a, le petit frère ? Ah, en fait, tu vois, il vient d'avoir ses 17 ans il y a deux jours, là. Et tu vois, je lui ai proposé d'aller à Amsterdam ou à Bruxelles. Oui. Pour aller aux putes. Ouais, voilà, quoi, tu vois, comme ça, mais il a évité, tu vois, je me demande s'il est pas, tu vois, un peu gay, comme ça, quoi. Ah bah, c'est pas parce qu'il a pas envie de se taper une pute qui est... Ah oui, mais oui. De pute. Je connais des mecs qui veulent pas ken de pute, hein. Ouais, moi, non, je suis pas... Non, même pas, c'est... Ah, c'est, tu t'es pas dit, ça. Bah oui. Peut-être qu'il a pas envie de baiser une pute. Ouais, tout simplement, hein. Et peut-être non, radin, comme Romain. C'est un délire particulier, quand même, hein. Même chaque fois je vais à la maison et tu vois il est tout le temps avec des mecs et chaque fois je le propose, même à ses 17 ans, 16 ans et tout, je le propose, il veut jamais aller. Ah mais alors toi, il est pas dans le délire. Tu te dis parce qu'il a pas envie d'aller voir des putes, peut-être qu'il est gay. Ouais voilà quoi, tu vois, je me pose des questions, t'es tu grave, vois. Toi. Bah je sais pas, Romano par exemple, d'aller voir une pute, ça te dirait ? Ah non, putain, moi je sais pas, c'est pas moi. Moi c'est pas mon délire aussi, parce que la meuf elle est inférieure et tout, tu la payes, elle baisse que parce que tu la payes. Ah non, moi c'est pas ça, c'est que cher. Je pense que c'est sale. Tu trouves ça sale ? Je sais pas, j'imagine un boui-boui dégueulasse, tu sais, où tu baisses sur un truc dégueulasse. C'est quoi. Ça. J'y vais, voilà, c'est quoi. Donc, pas, moi, non, mais c'est pas, quoi, moi. Non, mais c'est clean ou pas c'est... Karim, toi le... Ouais, c'est propre, ouais. Le roi du tourisme sexuel. Ouais, c'est quel le pays propre. Le plus propre que t'as trouvé au niveau des temps. Pays, parce qu'il a fait non, le mais pays. Par exemple... Bah, ça dépend, non, mais là, on parle d'Amsterdam. Non mais ouais, ça dépend parce que par exemple au Brésil, c'est tu vas en boîte, tu prends la demoiselle avec toi et tu l'emmènes chez toi, tu vois. Après en Belgique, c'est pas pareil, c'est des vitrines. Tu viens, ouais. Tu rentres, bon, que t'attends pas que ce soit le Hilton, tu vois ce que je veux t'as dire. T'as fait quoi d'autre comme pays ? J'ai fait la République Dominicaine, j'ai fait. Et là-bas, pays, alors comment ça se passe là-bas ? C'est pareil qu'au Brésil. Ah, tu les emmènes chez toi ? Ouais, tu les prends, tu l'emmènes à l'hôtel direct. Mais t'as pas peur que genre tu te fasses agresser quoi ? Par qui ? Par elle ? Bah ouais. Ouais, je sais pas, Maca, tu elle pas, elle passe un coup de fil à quelqu'un, ils t'attendent, ils viennent te défoncer la gueule dans bah ta pioule. Bah non, parce que tu sors de la boîte, tu prends le taxi, non, mais non, parce que non, l'hôtel c'est sécurisé et tout, c'est tranquille. Tu la prends tranquille, après Amsterdam, comme et je Amsterdam, dit, mais là quand tu rentres dans la vitrine, ah, glauque, là, et qu'il y a le rideau là derrière, c'est quoi, il y a du carrelage. Ouais, t'as un lit. Et... Bah non, c'est la coupe, bah c'est ouais, pareil que la pièce, c'est la même chose en fait, sauf qu'il y a un lit. Ah ouais. Y a c'est, un lit, c'est quand même pas, on est pas au top de la déco. Des Kleenex. Ah ouais, si, mais ici, ouais. Non, mais comme ici, mais comme quand tu vas rentrer dans la vitrine, la première impression, c'est normal quoi, tu vois, c'est mais le pied, il est propre et tout. Bah après, il y a pas du foutre dessus. Il y a des draps. Il est propre. Jamais il est propre. Steve va souvent toi, Célim. Ouais. De quoi ? Tu vas souvent voir les putes ? Bah, sans te mentir, ouais. Non, mais en fait, je vais pas claquer des sous pour des putes, mais tu vois, j'ai mes plans cul gratuits, quoi. Ah, dans ce cas-là, c'est pas c'est, des putes. C'est moins cher que les putes, c'est mieux. Mais pourquoi tu voulais amener ton frère voir des putes, alors ? Bah, pour fêter ses 17 ans, quoi. Pour comme ça, il claque une pute. Mais à 17 ans, elle te demande pas ta carte d'identité, les meufs ? Bah, je lui passe la mienne, hein, il me ressemble, tu vois, quoi. D'accord, ouais. C'est une petite affaire, ouais, arrangé, ouais. Ils sont battus les couilles, mais toi, Amsterdam, t'as déjà été aux putes, Selim? Bah, j'y étais il y a la semaine dernière, ouais, j'y étais, j'en ai pris deux, si tu veux. Ah, deux. Mais là, t'as été dans les vitrines? Bah, Amsterdam aussi, ouais, il y a que les vitrines. Ouais, ouais. Mais le pieu, alors, il est propre ou pas? Bah, ça va, hein, ouais, bah, j'ai pas tapé le cul, mais tu vois, ça va. Bon, là, t'es pas passé après moi, alors. Je l'ai tué, le matelas. Je l'ai tué. Cédric, il flingue le matelas, là. Tiens, il y a... Non, mais tu sais, obligé, il doit y avoir des mecs qui doivent péter sur le matelas, là. Ah ouais, oui. Même niquer, déjà, rien de plus. Non, mais ouais. Ouais, trace de pneus sur le matelas. Non, mais c'est quoi, moi, je kenne debout, moi. Comme ça, ouais, tu touches pas le matelas. Attends, mais le lit... Moi, j'ai une question. Le lit, il y a des draps dessus, donc, forcément. Non, mais je crois qu'il... Non, non, non. Ah non, même pas. C'est un lit, c'est un matelas. Genre un canapé sans drap. Avec un papier, là, comme chez... Ah, il y a même pas de truc dessus. Si, il y a un drap. Et une couverture et des coussins, en fait. C'est comme si que c'était un... Ah ouais, non. Comme en garde à vue. Comme en garde à vue, super. Ah, moi, je pensais que quand même, ils changeaient le truc à chaque fois. Ah non, non, non, ah, non, non, non, jamais, mais jamais. Ah ouais, jamais. Donc c'est vraiment un peu ébouillé. Ah, ouais. Ah ouais, je comprends, tu la niques debout. Ah ouais, bah oui, c'est pour ça que je kenne debout. En fait, tu te tiens à elle, quoi. Tu touches rien dans le bordel. Ouais, mais bon, quand tu la tiens, gros, il y a un gros porc avant qui l'a touché aussi, tu vois. Ouais, mais après. Non, mais elle s'est lavée quand même, entre temps. Jamais, ah non, elle se lave pas. Jamais de la vie, elle se lave pas. Non, tu la kennes. Mais elle se lave pas. Elle retourne. Elle prend des lingettes. Ah, mais je pensais qu'elle se lavait, moi. Ah non, elle se lave la chatte avec une lingette. Après, elle retourne dans la vitrine. C'est un mouchoir, gros. C'est un lavage rapide, quoi. Ah ouais, par contre, en Espagne, il y a des bidets. On voit les connaisseurs, ouais, c'est Karim le spécialiste, t'as vu? Ouais, par contre, en Espagne, il y a des bidets, elle se lave la chatte devant toi, ouais. Ouais, non, mais ok, mais elle se lave pas tout le corps non plus. Non, après, si tu prends. Ça, d'ailleurs, c'est sexy. Non, mais si tu prends genre une escorte dans ton hôtel en Espagne, si tu fais venir une pute dans ta chambre par exemple. Là, la meuf, elle est là pour une heure. Tu prends une douche avec elle ou elle prend une douche, tu vois. Mais genre, quand tu vas dans les vitrines comme ça, la meuf, elle se douche pas, gros. Ah, mais je pensais qu'elle se douchait, moi, genre à Amsterdam. Il y a même pas de douche dans son truc. Ah, je pensais qu'il y avait une douche, c'est une cabine téléphonique. Moi, je croyais aussi qu'il y avait une petite cabine. Peut-être si, peut-être qu'il y en a une derrière. Non, mais je crois que j'y suis jamais allé. Parce que, tu sais, des fois le matin, il y en a qui font le ménage dedans. Ouais, ouais. Elles sont moins chères. Et là, en fait, le truc qu'il y a, c'est que le bordel, le rideau, il est tiré. Tu sais, la porte, elle est ouverte, ils doivent aérer parce qu'ils se la puent le cul là-dedans. Alors, on nous dit, il y a des petites douchettes. Ah, quand même, ouais. Je vois qu'il y a des spécialistes. Service, ils doivent taper une douche. Et M16, les draps sont changés après sac rapport pour les meilleurs lieux. Ah, pour les meilleurs, ouais, sans doute. Mais Bruxelles, non. Catherine, Amsterdam. Est-ce que il va dans le ghetto, quoi. Oui. Est-ce que Karim, quand tu passes devant la vitrine, si tu mets ton oreille à la vitre, t'entends que ça se fait dézinguer derrière? Ouais, t'es genre t'entends, mais les gens ils te prennent pour un fou si tu fais ça. Là t'as les keufs de semi, gros. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de mecs qui sont de sa voiture, il va venir, il va te tabasser, gros. Bon, en tout cas, pour te rassurer, après s'il est gay, il est gay ton frère, Selim. Oui, non, c'est non. Bah toi t'as pas. Oui, mais bah, alors c'est sa vie. Non, mais c'est surtout, je pense que bon. Ouais, déjà peu importe qu'il soit heureux, c'est ce qui compte. Et ça te ferait chier qu'il soit gay ton frère, toi? De quoi? Toi, ça te ferait chier qu'il soit homo ton frère? Ah, oh bah, je peux t'auras pas accepter pas de ça. Tu quoi? Tu t'es dit? Bah, tu seras bien obligé d'accepter ça. Bah, ah non, mais c'est un peu ou quoi? S'il est heureux, quel. Non, mais déjà, je pense que tu te prends la tête pour rien. Il n'y a même pas bah, oui. de question. C'est que le mec, il a pas envie d'aller au pute pour moi. Bah, c'est ah, oui. ce que je pense aussi. Moi, hein. Franchement, tu vois, je suis radin et tout. Tu me payes une pute, je viens pas. Bah tiens, regarde, Sofiane, il nous dit, moi je suis grave hétéro. C'est vraiment que ça te plaît pas, Romain, non? Je suis grave hétéro. Et ah non, mais puis là, après les histoires, si tu veux, la meuf qui se lave à la fin de la journée. Témoignage de Karim, ça t'a pas donné envie. Il faut pas être le dernier à passer, quoi. Et encore, vous avez entendu, Cédric, il s'est retenu, mais imaginez les endroits où tu vas, Cédric. Moi, je vais pas, moi. Moi, non, jamais. Espèce de mytho. Jamais de la vie. Non, mais gros, t'as la gueule en bière. Le mec, il m'appelle, il faisait des vadrouilles en Belgique, il m'appelait sur la route. Voilà, je pars en Belgique. J'allais acheter du chocolat tous les week-ends. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il les vendait pas en France. Mais moi, je te soupçonne même d'être tombé amoureux d'une pute. J'ai cru t'allais lui dire de taper un chimail. Taper une pute chimail. Non, mais parce qu'à l'époque, gros, pour y aller tous les week-ends, et en sortant à chaque fois l'excuse, ouais, je vais acheter du chocolat. Moi, je me dis que tous les week-ends, t'allais voir la même pute, et en fait, t'étais tombé là. Non, mais t'as le droit. D'une pute. Non, mais j'ai des potes, mais c'est bon, tous les week-ends, gros. Hein. Tous les vendredis soirs, ils vont en boîte. Non, mais moi aussi, ils servent pas de meufs tous les week-ends. Ils font les allers-retours, gros, ils s'en battent les couilles. Mais pourquoi ils essaient pas de trouver des meufs en France? Ça va à Bruxelles, ça tape au Nil. Non, parce que les meufs en France, ça casse les couilles. Tu vois, tu vas parler avec elle, tu vas lui payer un verre, elle va te manger le cerveau, tu vas payer l'autre. Tu vas en Belgique, tu lui donnes 40 balles, elle est au encore plus. Ah ouais, mais t'as. C'est réglé. C'est pas intéressant, t'as plus la séduction, t'as plus ça. Bah les couilles, tu veux. Voilà, bon, chacun leur truc, tu vois. À un moment donné, quand j'ai envie de calmer. Moi, je comprends, mais pas toute la soirée, ils se font recaler. Les mecs, ils ont envie de niquer, ils font un aller-retour vite fait, tu vois. Mais ils sont déterminés. Oh, il y a Roddy. C'est vraiment l'aller-retour, c'est faux. Roddy, lui, on lui paierait des putes, il irait pas les voir. Je te disais le message de Sofiane aussi, lui, on dirait d'aller voir les putes, j'y répondrais rapide, non, merci, tu vois, Sofiane, pareil. Donc, ils sont un peu comme ton frère, ils ont pas envie, ils ont pas envie. Ah, on lui dit que Cédric taf, en fait, tous les week-ends, il est derrière la vitrine, lui. C'est ça, ouais. Bon, salut. Capine, ouais. Ceux qui ont testé, eux, que ça dérange pas, les trucs hygiène, tout ça. Il y a Scania qui nous dit, appelez-moi pour témoigner sur les putes en Espagne, spécialiste des putes. Et là, il y avait quelqu'un, là, qui nous disait qu'il allait souvent à la Jonquera, là, et là, tu les baisses le carrément dans les bois. C'est en Espagne, la Jonquera. Ah bon? Dans les bois. C'est un trip. Mais non, là, je pas. Ah ouais, mais c'est genre comme au bois de Boulogne, ça. Voilà. Non, c'est comme le Havre. Non, c'est j'ai vu un reportage sur un mec. C'est un mec, genre le mec, quand il allait, il habitait à la frontière espagnole, et tous les week-ends, il partait avec un pote à lui. Ah, là, je l'ai vu, ouais. Et le mec, il se faisait beau gosse, hein. C'est-à-dire que quand il arrivait, genre, à la, juste avant, avant la Jonquera, le mec, il arrivait dans une station de service, et le mec, il se rasait. Dans une station de service. Station de service. Station de service. Une station de service, c'est plusieurs services, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. Non, mais le mec, en fait, il se rasait. Il y en a deux. Ouais. Du parfum, il changeait. Tu sais, le mec, il se faisait beau gosse, tu vois. Il expliquait, en fait, que le mec, il claquait, mais grave de l'oseille là-dedans, quoi, en fait. Mmh. Et tous les week-ends, le mec, il allait là-bas. Oui, alors ton histoire, c'est pour en venir où? Bah, que t'as des mecs qui sont vraiment accro. C'est moi. Ah, c'est donc toi. Non, c'est pas moi. C'est vrai qu'il mettait son petit costume. Ouais. Ben, lent. Je me mets du parfum. Non, mais t'as des mecs qui sont vraiment accro, quoi, tu vois. Et pour eux, c'est genre normal. C'est comme s'ils séduisaient une meuf, quoi. Bah oui, c'est. Ouais, non, mais là, le mec, il est un peu con-con. Mais c'est très bien que tu vas pas la séduire, la meuf, tu vas juste la ken, moi. Là, le mec, il t'expliquait, tu sais, le mec, il met son petit parfum. Non, mais tu sais que j'ai déjà vu des mecs qui se font recaler par des tempes. Mais non. Bah, Cédric, on dirait qu'il dans l'émission. Cédric par des travestis au bois de Boulogne. T'avais pas entendu, Célim? Tu te rappelles pas, Célim? On avait envoyé Cédric au bois de Boulogne. Avec Romano. Et il draguait les travestis. Non, mais rien à voir, moi, elle me voyait pas parce que j'étais tout petit au volant. Et Cédric, donc, il baissait la vitre. Voilà, bonsoir, mademoiselle. Elle lui répondait, oui, bonjour. Bah, il y en a qui ont même pas répondu, elle se barre en courant. Non, mais c'est normal, quand des fois, tu vas en groupe, quand tu vas en groupe, elle refuse. Elles aiment pas. Bah, non, mais elles ont peur que tu refasses un truc chelou. Non, non, surtout quand il va tout seul, elles te prennent pour un fou, un bourré tout seul, ma gueule. Non, mais je te dis, c'est vrai. Alors, faut y aller en groupe tout seul. C'est du vécu. Faut y aller à, genre à 2-3. Si tu vas tout seul, elles vont te prendre pour un stouf. Tu sais, t'es tout seul, tu te balades dans la rue des temps. Oui, bonjour. Salut les filles. Je suis un serial killer. Oui, c'est moi. Hey. Ah, bah, s'en fout, prends son oseille. Ah, mais la plupart là-bas, il y en a un autre cas. Bah, la meuf, elle a peut-être pas. Bologne et Travelo, il y en a pas mal, oui, ça c'est sûr. Ah, bah, y a que ça. Non, mais dans les tentes, c'est des putes. Des campeurs. Ah, dans les tentes, tu veux dire? Dans les tentes, j'ai compris les camps. Ah ouais, mais là. Non, les tentes, les petites tentes, là, c'est les roumaines, ça, 20 euros, là. Les roumaines, c'est 20 euros. Putain, t'es un spécialiste, toi, Céline. Connais tous les tarots. Par cœur, toi. Alors, une roumaine, 20 euros. Non, mais c'est 2 minutes, ça sert à rien, en fait. C'est des? Non, dans les tentes, c'est 20 euros, 2 minutes. Ah, c'est 2 minutes? Ah, bah, pour Cédric, c'est parfait. Deux, pas 10. Il a même le temps de se déshabiller, de se rhabiller, complètement. Plus en 2 minutes. Limite de prendre une douche. Putain, j'en ai vu moi à Porte Clignancourt, elles étaient bonnes, hein. Ah, allô, merci. Non, mais j'y crois pas. Non, voilà, j'ai hésité. Après, je me suis dit, non, tranquille, non, allez, j'étais un petit peu. Tu vas faire un petit guide de la mais prostituée. Mais ça, c'est gaffe, il y a des caméras partout. Imagine, t'es filmé, tu te fais crever. Je m'en bats les reins. Ah, c'est un dossier, poteau, quand même. Bon, en tout. Bon, filmé, mais dossier. Je vais au pute à Bruxelles, je m'en bats les couilles. Non, mais après, il y a l'Allemagne aussi, c'est pas mal, l'Allemagne. Ah, l'Allemagne. Ouais, à Düsseldorf, c'est de la frappe, ouais. Mais là-bas, il y a Thaïlande aussi. Il y a le plus grand bordel du monde. À Düsseldorf. Non, mais en Allemagne, là, ils avaient monté ça pour, je sais plus quoi, la Coupe du Monde, je sais plus quoi. Ils avaient monté un bordel géant. Ah oui, c'est vrai, Oui, exact, t'as raison. C'est un immeuble, c'est un truc, laisse tomber, c'est un truc immense, genre un centre commercial du cul, quoi. Ouais, ouais, pas très hors du stade. Ah, c'est un bordel énorme. J'ai un pote, il m'a dit là-bas en Allemagne, c'est différent. Genre, t'as un grand pavillon, tu rentres dedans, c'est le grand jeu. Tu payes l'entrée, il te donne un peignoir. Un peignoir, ouais. T'as une piste. T'as pas l'air d'un con, déjà. T'as le jacuzzi, t'as le cinéma. Mais il m'a dit, mais tu baisses combien? Mais comment tu payes à chaque fois la meuf? Tu la payes ou c'est genre? Non. C'est ça. Un caca, ça s'appelle. C'est comme au Disney, en fait. Tu payes ton entrée, après tu fais ce que tu veux. Ah, c'est ça. Ouais, okay. T'as 6 heures, quoi. Et ça, c'est combien? Ça coûte, ça? Bah, en fait, moi, je suis allé, j'ai payé 200 euros et j'avais 6 heures. Et t'as ken combien de fois? T'as ken combien de fois? Bah, j'en ai pris une dizaine, quoi. 200 balles. Ah, 10 fois. 10 fois, ouais, faut avoir la santé. Elles sont bonnes au moins dedans. Bah ouais, mais après, tu vois, sans te mentir, il y en a des moches aussi, comme partout. Ouais, mais tu testes un peu pour des meilleurs. Bah moi, ce qui me dérange, c'est un peu, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est un peu comme un supermarché, tu prends les meufs, toi, c'est comme ça. Ah bah, ça fait un peu bout de viande. Ouais, mais bon, les meufs, elles sont contentes qu'il y ait des clients. Elles sont contentes. En Europe, celle-là, si, dans les bordels. Elles font des sous de ouf. Ah ouais. Enfin bon, va te donner ton cul pour faire des sous. Oh voilà, ok. Mais j'en ai vu une arriver, moi, une fois à Bruxelles, bête de CLK, bête de grosse gauve, elle était bien, elle était refaite, hein, ma gueule. Ouais, mais après, c'est quand même. Ouais, mais après. Non, mais reconnais que c'est une vie spéciale. Oui, non, mais après, la meuf, elle le choisit, elle est pas forcée, tu vois. Je sais pas, ta sœur, elle ferait ça, tu serais content? Ah, j'ai pas de sœur, alhamdoulilah, laisse-moi tranquille. Et ta fille, par exemple, quand t'en auras une? Je vais te niquer. Ah ouais, vas-y. Bah, c'est elle qui choisit, gros. Non, mais tu vois, voilà. C'est pas ta cadise. Elle aurait une belle voiture. Elle choisit son mode de life. Bon, pour résumer, c'est le cas. C'est pas parce qu'il va pas avoir des putes. Papa. C'est pas parce qu'il va pas avoir des putes qu'il est homo, ton frère. Ouais, ouais, rien à voir. Ouais, bah, j'espère ça. Hein. Il a juste pas envie d'y aller. Hein. Après, comme le dit Doudou du 95, s'il est gay, c'est son choix. Hein. Enfin, son choix ou c'est ce qu'il a envie. Enfin, voilà, tu vois. Ouais, mais bon, d'habitude, ça se refuse pas, ça. Ça se refuse pas d'aller au pute, bah si. Ça se refuse, la preuve. Regarde Romano, tu lui offres, il paye rien et ça, il refuse. Difool, c'est pareil, Samy, c'est pareil, apparemment. Ouais. De quoi? Bah, non, mais on te paye une pute, tu vas pas, quoi. Non, bien sûr que non. Ah si. Ça m'étonne. Bon, très bien, on me la paye pas. Bon, ben voilà, Céline, merci en tout cas du coup de fil, j'espère que t'es rassuré. Et puis après, bah, il est gay, il est gay. Hein, faut tolérer un peu, Céline. Ben oui. Ouais, mais bon, à son âge, t'es pas comme ça, quoi. Bah oui, mais tout le monde n'est pas comme toi. Exactement. C'est pas parce que c'est ton petit frère qu'il est pareil. Hein. Bah oui. Bah, j'avoue. Non, mais ça, c'est sûr. Bon, il y en a qui veulent partir avec toi en vacances, Céline. Il y a Flo You du 75. On va vous mettre en contact si vous voulez. Non, merci, je prends pas. Non, mais c'était pas pour te faire le cul, hein. Peut-être. Un problème par rapport à ça, c'est pour partir avec toi. C'est juste pour aller faire un petit tour en Hollande ou je sais pas où à Düsseldorf. Vas-y, ouais, moi, bah, je te fais le cul. Je vais aller en Allemagne dans deux semaines si tu veux venir. Il organise un bus, Céline. Ah bah... Allez. Un minibus. Bon, salut Céline, raconte pas. Sortie culturelle. Bonne soirée l'équipe, merci. Salut à toi, on t'envoie ton. Salut Céline. Ton maillot dans le 9-3. Salut. Salut. Salut. Tout. Voilà. Ciao Célim. Ciao. Il est retourné dans la baignoire. Oui, ça y est, il a replongé là. Et oui, attention, attention, dans la baignoire, dans votre lit, en voiture, en train de bosser, dans votre camion, je ne sais pas où, sur votre scooter. Oh, il faudrait m'installer une dans baignoire. Votre meuf. Partout où vous pouvez écouter Pamela, on t'installera une baignoire. Comme ça, j'appellerai les pervers nus. Oui, dans ta baignoire. Oh oui, quelle sensualité. Oh là là, je veux prendre un bain. Ouais, bon, laissez tomber pour la baignoire, je vais le faire comme d'hab. Ah ouais, d'accord. Voici les collectors, grands collectors. Collector de Pamela tout de suite. Une voix sensuelle, ouais. Un physique de rêve. Oui, ça durcit, oui. Elle les fait tous craquer. Ouais, ouais, ça monte là, ouais. C'est Pamela sur Skyrock. Ça monte. Ça monte. Eh bien c'est parti, on retrouve Patrick aujourd'hui, le grand retour de Patrick. Et ça, ça nous fait quand même vachement plaisir. Ah oui, je l'adore. Parce que ça fait combien de temps qu'on lui a pas parlé? Ça doit faire deux ans. Ah ouais, deux ans. Il nous manque, il a changé de numéro le con. Patrick, reviens. On va chercher sur les réseaux si on n'arrive pas à retrouver Patrick. Sinon là, on vous a retrouvé le premier coup de fil à Patrick. Et il y en aura un autre tout à l'heure dans lequel il se déchaîne. Alors désolé Karim, c'est pas halal. Parce qu'il se déchaîne avec un saucisson. Mais vous verrez un petit peu ce qu'il fait avec le saucisson. Mais c'est un saucisson de cheval. Ah, donc, c'est, plus gros, c'est peut-être plus gros. C'est pas du porc. Ah oui, ça peut marcher alors. Voici donc Pamela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va appeler Patrick. Et je vais faire connaissance avec lui de manière très claire, je vais le vouvoyer. C'était la première fois, on avait entendu ce magnifique message. Première. Magnifique message sensuel. Cherche à passer des moments coquins et agréables avec une femme de tout âge et de toute origine. Bisous. Mignon. À tout de suite. À tout de suite. Et là, ça ne pouvait pas, on ne pouvait pas ne pas appeler. Ah et oui. Bah voici donc la rencontre Pamela-Patrick sur Sky. Oh. Oui, allô? Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends là, oui. Oui, oui, je suis Pamela à l'appareil. Absolument, oui. Oui, bonjour, je vous appelais par rapport à la petite annonce que vous avez laissée sur le réseau. Absolument, oui. Oui, donc je sais pas, votre voix m'a fait un petit peu craquer. Ah, absolument, oui. Oui, j'aurais aimé en savoir plus sur vous. Je peux d'accord, avoir... Oui. Et c'est quoi votre petit prénom déjà? Patrick. Patrick, Pamela, oui. Enchanté Patrick. D'accord, et vous êtes comment là? Là, je suis nu là. Je d'accord, me réveille, oui. Je suis chez moi, tranquille. Et vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? Bah pourquoi pas, oui. D'accord, ouais. Vous pouvez vous décrire avant? Bah écoutez, moi je suis blond, je fais 1m84. Oui. Je pèse 80 kilos, je suis très sportif, j'ai un membre de 21 cm par 4. Ah oui. Et vous? Mais moi je suis brune, 1m70. Bon. Oui. 95D. D'accord, oui. Et voilà, et là actuellement je suis complètement nu dans mon lit. Et votre touche est complètement écartée ou pas? Est-ce que vous êtes nu vous aussi? Absolument, oui. Ah, vous êtes nu. Ah, oui. Ah. T'es en train de te faire baiser ou pas? Non, pas actuellement, mais j'aimerais bien que toi éventuellement. Oui, ok, d'accord, oui. Alors, raconte-moi des choses. Et t'es comment, ta chatte est comment là? Elle se réveille. Elle se réveille un petit peu là. Ah oui. Ouais, d'accord, ouais. Tu veux l'écouter? Absolument, oui. Ubi, ubi, ubi, ubi, ubi, ubi, ubi, ubi. Tu as entendu? Absolument, tu n'es pas toute seule là. Ah si, je suis toute seule. Ah d'accord, ouais. Oui, et toi? Elle écarte bien là? Oui, oui, oui, oui, ah ben là, elle est totalement ouverte. Tu es tellement séduisant. Bien écarté là, j'ai oh, comme tu es séduisant. Ah là, je fais le grand écart. C'est bien simple. D'accord, ouais. Tout peut, tout peut. Et toi, tu fais quoi? Je suis en train de m'masturber là. Oula. Bon, t'es obligé d'y aller là, parce que c'est. Patrick. Bisous, Patrick. Ciao. Ah là, c'était trop là. Baise bien. Ah oui. Ah, je suis bien baisé, oui, t'inquiète pas. Baise bien là, parce que je crois que j'ai quelqu'un avec toi là. Ah, en train de te baiser comme il faut là. Ah oui, ah bah, t'imagines même pas. Oh là. Oh, ça va être la folie. T'imagines même pas ce qu'il est en train de me faire. Oh là. Là, je suis en grand écart, j'ai les jambes au plafond. Ouais. Ah oui. Il faut qu'il t'encule là. Mais oui, on va y aller, Patrick. Et encule-le. Oui, oui, je vais y aller tout de suite, Patrick. Oui, ah, vas-y, on est obligé de vous laisser là parce vas-y, que. Mollo, parce... Là. Oui, oui. On est trop chaud, Patrick. Encule-la comme il faut là. Oui, oui, oula. Oui. Aïe, aïe, aïe, aïe, oula, je lui fais mal. Bonne journée, Patrick. Allez, ciao. Ciao. Tous les soirs, 10 full radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et Pamela est de retour pour la suite tout à l'heure. Ah, génial ce Patrick. Et la rencontre avec Patrick, c'était super ça. Ah ouais. Eh bien, Patrick est de retour tout à l'heure. Pamela aussi, vous l'avez demandé. Oui. Eh bien, Skyrock réalise vos rêves. Ah oui, the dreams come true. Yeah. C'est ça, the dreams come true, Pamela. Bon, allez, on est de retour dans un instant, vous bougez pas. Séduction au programme, d'après ce que je vois, dis donc. Hein, pas mal. Ah ouais. À hygiène également. Ah ouais. Ah merde. Ah merde alors. Je me suis pas lavé, j'ai oublié. Si, si, tu ça fait 6 mois. Présentera un auditeur de Skyrock qui a le même problème que nous. Il a un ami qui a une hygiène douteuse. Et voilà. Oh ouais. Et ouais. Pas de bol. Allez, bah on s'en occupe. Vous bougez pas jusqu'à minuit. La radio libre de l'été sur Skyrock. Plus écouté que Hot 97 à New York. 7 minutes commercial free. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. Power 106. La radio rapée R&B la plus écoutée au monde. C'est Skyrock. Skyrock. Première radio urbaine mondiale. C'est la folie des barbecues cet été sur Skyrock avec Géant Casino. Toi aussi, mets-toi en mode Brésil et envoie tes plus belles photos de soirée de barbecue géant avec le hashtag Géant Brésil. Et gagne ton voyage au Brésil. Dès maintenant, poste ta photo sur Twitter et Instagram avec le hashtag Géant Brésil pour participer. Ton futur voyage au Brésil, c'est maintenant avec les magasins Géant Casino. Drake. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. I'm way too good to you. Drake, nouvel album Views, disponible. Vous, les virtuoses de l'autoportrait, les spécialistes des moues boudeuses, les magiciens de la contre-plongée, vous, les pros du selfie, mais continuez comme ça. Sérieusement, ça peut vous sauver la vie. Se prendre en photo est l'une des meilleures façons de repérer l'apparition d'un mélanome. En collaboration avec l'Institut Gustave Roussy et le collectif Ensemble contre le mélanome, l'application iSkin vous aide à surveiller l'évolution de vos grains de beauté pour faciliter votre suivi dermatologique. iSkin n'établit pas de diagnostic et ne remplace pas l'avis d'un dermatologue. Disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store. Sophie se prépare pour aller chez McDo, mais pour l'instant, elle est sur le balcon. Elle regarde le ciel. On voit bien les étoiles ce soir. On en voit plein. D'ailleurs, combien on en voit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'ai déjà compté celle-là, bon, je recommence. Bref, Sophie se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue, vu que pour l'instant, elle compte les étoiles dans le ciel. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. D'or et de platine présente. Joule. Son nouvel album Émotion maintenant disponible. Joule, Émotion, toujours disponible. Tu veux rencontrer la fille de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des nanas qui te plaisent près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Full Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Me laisser, t'as le choix. J'suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, j't'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, t'sais pas où t'as mal. Suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros boule dans la cuisine. J'suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand j'suis dans ma piscine. Y'a ce gros boule dans la cuisine. J'suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand j'suis dans ma piscine. T'es mon bijou. J'suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. T'es mon bisou. J'suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. T'es mon bisou. Je veux mon bisou, mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh, oh. Bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. Bisou, oh, oh. T'es mon bisou, mon bisou. Je fous toi, je veux mon bisou, mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. Bisou, oh, oh. T'es mon bisou. Je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. Skyrock. Et jusqu'à minuit, tout peut arriver. Et dans un instant, on va s'occuper d'une opération séduction. Et puis, je vous disais, il y a un instant aussi, nous parlerons hygiène et sport. Ah. Ouais, hygiène et sport, les deux peuvent se mélanger. Ah, ça, ça peut être sûr. Dangereux des fois, ouais. Ouais. Et Karim veut nous parler d'amour. Magnifique. Ah, bah, très bien, ah, ça. C'est beau. Ah, ouais, magnifique moyen. Parce que je viens de voir qu'il vient de nous parler de la proposition de sa meuf. Et la proposition de sa meuf est un peu spéciale. Mais bon, pourquoi pas. On accepte tout. Bon, on en parlera avec Karim, qu'on retrouvera aussi dans l'émission. Pamela est de retour dans un instant avec Patrick. Pas de soucis. Et les collecteurs de Pamela, celui-ci, il a pas loupé, il y en a qui enregistrent, je sais en plus. Là. Phénoménal. Ah, ne le loupez pas celui-ci. Ah, extraordinaire. Collecteur extraordinaire. Oui. Et là, on va prendre juste avant Pamela. Tiens, on prend Lilian, on la retrouve juste derrière. Lilian qui doit être dans le coin. T'es là, Lilian ? Ouais, je suis là, l'équipe. Tu es prêt pour l'opération séduction ? Ouais. Non. Je t'ai mis une ambiance un peu hein, pour opération séduction. Stay with me. Oh, comme ça. Non, lui, il peut sortir par contre, Romano. Stay with me. Pourquoi tu trouves qu'il peut sortir? Il chante bien. Bah, la voix, en fait, ça, pas que ça casse tout, mais c'est tout comme. Ah, tu trouves que ça rend un peu le romantisme. Ah, bah, t'as vu comment il chante aigu, Sam Smith. Stay. Oui. Ah, c'est vrai qu'il chante hyper aigu. Oui, salut, c'est Sam Smith. Salut, salut Sam. Comment tu vas? Money on my mind. Money on my mind. C'est ça, gros. En fait, il a la voix de Pamela. Oui, c'est vrai. Il était venu dans l'émission, d'ailleurs. Ah, ouais, ouais, non, mais putain, il chante aigu, ça. Il chante bien, mais c'est, il a une voix vachement aiguë, quoi. Alors, Lilian, opération séduction. Oui, oui, oui. Explique-nous ce qu'il faut faire pendant qu'on ambiance un petit peu de manière romantique la soirée. Bah, en fait, quand on s'appelle au lycée, il y a une fille dont je suis amoureux. Oui. Et le problème, en fait, c'est qu'elle est sortie avec un mec il y a 7 mois, sauf qu'il lui a brisé tout sentiment amoureux. Elle a plus aucun sentiment amoureux. En amitié, elle en a toujours. Et plus aucun amoureux. Et ça fait 2 semaines que je lui casse les couilles pour essayer de lui en faire retrouver. Et j'y arrive pas et j'aimerais avoir des conseils. Il n'y a plus d'amour. Ah bah elle a peur quoi. Il y a plus d'amour. Faut lui chanter Stay With Me. Elle... Mais attends, j'ai pas bien compris. En fait, toi t'as un pote et tu veux lui rendre service ou tu veux la serrer? Non, je veux la serrer. Ah, tu veux la serrer, ok. Donc il y a un gars, en fait, elle a été amoureuse, il lui a fait des coups de pute et depuis elle a plus confiance au mec. Ouais, bah elle a eu mal donc elle a peur d'avoir encore mal. L'amour fait mal. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est relou ça. Parce qu'en fait, toi, tu es pour rien dans l'histoire, au final. Ouais, j'y suis pour rien et je prends quand même. Bah oui, tu dois gérer l'histoire. Ouais, t'as les dégâts collatéraux. Quoi. C'est ça. Ça s'est passé il y a combien de temps, l'histoire? De ce qu'elle m'a dit, bah 1 an et ça fait 7 mois qu'elle sort plus avec un mec et qu'elle a plus de sentiments. Ah ouais, non, c'est terrible ça. Et donc, ah oui, elle est traumatisée quoi. Comment lui redonner confiance? Bah, il faudrait qu'il y ait des gens autour d'elle qui sont heureux en amour. Des gens autour d'elle pour lui montrer le bon exemple. On peut être heureux en amour. Faudrait lui dire... Et là, elle va bader, elle va faire ah, putain, je suis la seule à être badeuse. Oui, c'est vrai. Ou alors peut-être qu'elle va. Il y a ça aussi, ouais. Ou peut-être ouais, qu'elle c'est va. C'est vrai qu'il y a... ouais. Ça va la traumatiser encore mieux. Oh, mais c'est horrible, il n'y a que moi qui me dis merde. Et là, bim, déprime en plus. Elle veut pas de toi, c'est peut-être une excuse, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est Tounsi qui nous dit ça du 93. Non, c'est pas une excuse parce que quand ça s'appelle, il y a un pote à moi aussi qui est amoureux d'elle, mais quand ça s'appelle, elle est plus proche de moi que de lui, donc. Donc t'as plus de chance que ton pote en fait. Ouais. Il y a Manoun qui nous fait, il faut lui redonner confiance, toi, à ta meuf. Bah ouais, mais bon, si elle est pas ouverte. Ah, ouverte à quel niveau, Marie? Non, mais si elle n'est pas ouverte à avoir une relation et lui démontrer que ça peut être bien aussi. D'accord. Ça va être compliqué. Non, mais bon, le mec, il lui a fait quoi? Parce que bon, tu peux être un peu accusé le coup, on va dire, quand tu te fais larguer salement. Mais de là à bader pendant 1 an. 7 mois. Ouais. Non, ouais, 7 mois, ça, c'est déjà que... beau. C'est quand même beaucoup. C'est long, oui. Ouais. Il lui a fait quoi, le mec? Bah, déjà, parfois, ils sont brouillés au lycée. Bon, elle a fait du self-défense pendant 11 ans, donc elle avait pas peur de lui, mais genre, c'était limite, il allait lui en caler une. Là, ah ouais. Il lui a forcé à avoir sa première. Enfin, il l'a forcé. Il lui a beaucoup il l'a intimidé pour avoir une relation sexuelle avec elle. Et genre, il lui a dit qu'il aimait comme un fou. Sauf que dès qu'il a cassé, le lendemain, il était déjà avec une autre meuf, quoi. Donc ça l'a fait encore. Il l'a fait complètement à l'envers. Oui, il a pas été... Oui, c'est vrai que bon, elle a pas eu de bol. Elle a accumulé quand même. Ouais. C'est pas super. Donc ouais, en plus, sa première fois, c'était avec lui, en plus. Ouais, mais en tout cas, de ce que je sais, c'était comme Cédric, c'était rapide et il n'y avait pas d'effet. Tant mieux pour elle, elle est métier. Si elle n'avait pas envie. Ça a abrégé les souffrances, ouais. C'est clair. Ah ouais, donc en fait, il lui a fait je suis super amoureuse, faut qu'on couche ensemble, tout ça. Enfin, il lui a raconté n'importe quoi. À l'envers, quoi. Il lui a fait l'amour, après, il l'a largué. De ce que j'ai compris, ouais. Oui, bah je comprends qu'elle soit un peu traumatisée, ouais. Oui, bah c'est pas génial. Ah ouais, parce que là, ça fait beaucoup. Mais bon, tu vas pas rester traumatisée toute ta vie, quoi. Tu vois, tous les mecs ne sont pas pareils, toutes les relations sont différentes. Non, mais c'est vrai qu'elle a quand même accumulé plusieurs galères, quoi. Ouais. Le mec, s'il était à moitié en train de lui taper sur la gueule. Elle a des circonstances atténuantes. Et que la relation sexuelle, elle s'est passée super mal. Forcément, tu vas galérer. Ouais. Bah, c'est sûr. Forcément, ça va pas être facile, oui. Parle-lui avec sincérité. Dis-lui vraiment ce que tu as sur le cœur, nous dit Angéline, du 29. Bah, je lui ai déjà dit ce que j'avais sur le cœur, sauf que la seule chose qu'elle me répond, c'est que tu Lilian, moi, les sentiments et moi, ça fait. L'amour et moi, ça fait 2. Oui. Alors, à chaque fois qu'il y a un amoureux, ça se passe mal, quoi. Et du coup. Elle doit être traumatisée, on nous dit Chanouf du 03. Oui, non, mais c'est ça, oui, elle est traumatisée. Ouais. Fais gaffe à la friend zone, mec. Ah, on te dit ça. Sinon, tu resteras célibataire, tu vois. Oui, ouais. Mais en tout cas, pour l'instant. Non, mais je pense que c'est même pas une histoire de friend zone. C'est que la meuf, en fait, elle a eu que des histoires de merde. Bah, et, c'est ça. Elle se dit, je vais sortir avec Lilian. Pour un peu, ça va être pareil. Maintenant, elle est frileuse, quoi. Après, à toi de lui prouver le contraire. Ouais. Beau gosse. L'amour, ça viendra avec le temps. Moi, je pense pareil, ouais. Le cousin. Alors après, il faut que t'aies envie d'attendre, quoi. Il y en a qui disent, si t'as envie d'attendre, passe à autre chose, tu vois. Le temps fasse son œuvre. Le temps fasse son œuvre, mais oui, tout à fait. Dis-lui cache. Non, mais là, il y a que ça à faire. De toute façon, la meuf. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas lui dire, allez. Il y a Yoube qui nous dit, dis-lui cache, viens, on ken. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Je pense pas que c'est la bonne solution. Oh non, ça recommence. C'est non, en plus, t'as l'air sympa, t'as l'air gentil. Bah oui. Bon, vous dites-nous pour les filles, dites-nous si vous êtes déjà tombé sur un mec qui vous a fait des trucs à la con. Mais toi, t'es prêt à attendre? Ouais, je suis prêt à attendre. Hein. Stay with me. Stay with me. C'est ça, gros chanteur. Money on my mind. Stay with me. Bon, reste avec nous, Lilian. Et donc, vous nous dites, les filles, si vous avez déjà, vous aussi, souffert avec un gars qui vous a raconté n'importe quoi, qui vous a pris pour une conne, qui vous a fait souffrir. Retourner le cerveau. Et derrière, ça vous a bloqué. Faites-nous signe, 41759, je redonne bien les numéros. Skyrock.fm, voilà. L'appli Skyrock, voilà. Et le 01 53 40 30 20. Voilà. Voilà, comme ça vous savez tout. Et on a déjà des témoignages qui arrivent, on aura Sophie tiens, qui vient de nous appeler juste un instant pour toi. Donc on s'occupe de tout ça, tu ne bouges pas, reste là. Et oh bah oui, je vous conseille de ne pas bouger. Ne bougez pas. Ambiance sexy toujours. C'est un hold-up sensuel et sexuel. Exactement. Oh les mains. Il craque sur ce magnifique message. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Pamela. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Mais comment ne pas craquer? Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Donc les collecteurs de Pamela, et là, un appel de Patrick qu'on a sélectionné pour vous. Je l'avais oublié celui-ci. C'est l'appel au saucisson de cheval. Ah, délicieux. Alors attention, accrochez-vous. Petite recette de cuisine. Bon appétit, bien sûr. Et le collecteur de Pamela, comme promis. C'est Patrick et Pamela maintenant. Ah. Allô? Allô? Oui. Tu me reconnais, Patrick? Bah bien sûr, oui. Toi, ça va mieux? Bah, un petit peu mieux, ouais. J'entends que tu as repris ta belle voix. J'ai pris ma belle voix, puis j'ai une bonne mythe, là, bien comme il faut, là, en ce moment. Ah bah écoute, ça tombe bien. Le lavago va bien? Lavago va bien. Ah, tu pourras bien t'occuper de moi, alors. Bah sans problème, là. Là, j'ai des séances de kiné et tout, là, puis j'ai une bonne bite, là. Ah, puis, elle est comment, là? Bah là, elle est bien, là. Elle est bien, hein? Ah, elle est bien raide, là. Ça, c'est déjà raide? Oui, absolument, ouais. Ah, ouais. Et toi? Tu es un? Moi, je suis en nuisette. T'es en nuisette, là? Oui, j'attends mon copain, tu sais qu'il va venir. Ouais, bien sûr. Ils sont occupés de toi, là, pendant ton anniversaire, là. Ah, oui, alors ça, je peux dire. Ils ont fini par m'attraper, hein. Ah, bien comme il faut, là. Ah, bien comme il faut. Et t'aurais vu ça, Patrick, c'était bon. Ouais. Ah. Ils t'ont fait une doublette, non? Une doublette, ouais. Ah, bah, c'est bien, je leur avais dit. Qu'il te fasse une doublette devant derrière, là. Ça aurait été mieux si t'avais été là, Patrick. On aurait fait une triplette. Bah oui, mais je veux dire, je pouvais pas, là. Ah oui, t'étais flingué, là. Ouais, absolument, ouais. Oui, t'étais complètement flingué. Ouais. Ah, alors, Patrick, quoi de neuf? Bah sinon, pas grand-chose, là. Là, je suis en vacances pendant 15 jours, là. Ah, bah écoute, ça va peut-être être l'occasion de se voir. Bah absolument, c'est toi qui vois, hein. Qu'est-ce que tu proposes? Oui, qu'est-ce que tu vas me faire? Oh, bah bon, moi, je veux dire, je te sodomise, hein. Ah, direct? Ah, direct, ouais. Direct, hein. Ah ouais. Enfin, d'autres choses aussi. Ah bah bien sûr. Ouais, alors bien quoi, sûr. Quoi par exemple? Bah je vais te brûler, je vais te. Te brûler. Ouais, absolument, ouais. Oui, me brûler. Avec un god et tout ça, et tout ce qui s'ensuit, ouais. Tu en as des godes? J'ai des godes. Oui. Mais le mieux, celui, c'est le saucisson de cheval. Le saucisson de cheval? Ah ouais, c'est ce qu'il y a de mieux là. Ah, d'accord, ouais. Je ne connais pas, c'est comment? Tu connais pas? Bah, je prends un saucisson de cheval et puis tu sais, je le mets avec une capote, et puis je te l'enfile. Là, c'est bien, là. Mais tu lâches tout à la boucherie? Absolument, oui. Très bien. Avant de venir me voir, tu feras les courses? Bah, sans problème, ça. Ah, écoute. Sans problème, là. Je veux dire, je te prends le saucisson de cheval, oui. Et je te l'enfile, là. Ah, bien. Hein. Et pendant ce temps-là, tu me suis bien. Ah, devant, ça fait rêver. T'es avec ton copain, là? Il arrive, là. Il arrive, là? Oui, mais là, je sais pas, il va arriver d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais tu es toujours aussi chaude? Ah, bah, je suis toujours aussi chaude. Hein. Tu sais que je suis en nuisette. Je suis sûr que je t'exciterai, mon Patrick. Branle-toi un peu, là. Tu veux? Branle-toi un peu, là. Ça te ferait plaisir, Patrick? Absolument, oui. Allez, demande-le-moi, alors. Bah, branle-toi bien, là. Bibi. Tu es comment, là? Tu es en nuisette, là? Bibi, je soulève un petit peu la nuisette. Bien sûr, ouais. Excusez-moi, là, c'est moi. Apparaissent les poils pubiens? Absolument, oui. Un petit ticket. Voilà. Vas-y. Branle-toi bien, là. T'es avec ton copain, là? Non, il est pas encore là, je te dis. Il est pas encore là. Mais tu mets combien de doigts, là? Ah, là, j'en ai deux, là. Mets-toi 4 doigts dans la chatte, là. Allez, bon. Moi, je vais mettre même 5, allez, Patrick. Vas-y, branche-toi bien. Allez. Mets les verrons bien à l'intérieur. Hein? Non. Là, ça te fait du bien, là. Toi aussi, ça te fait du bien, Patrick. Ah oui, bien sûr, je suis en train de... Branche-toi bien, là. Patrick, je te rappelle tout à l'heure. Bah, tu m'appelles vers quelle heure? Oh, d'ici 20 minutes, une demi-heure. D'accord, sans problème, là. Ah, je serai avec mon copain. D'accord, oui. Ah, tu n'es... Il faut qu'il soit en pleine forme, hein. Ah, mais je t'inquiète pas, a priori, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure au téléphone, il est chaud. Chaud. Mais il va falloir qu'il t'encule tout de suite, hein. Ah, bah, ça va être... ça va être les retrouvailles, hein. Il m'a pas vu durant 15 jours. D'accord. À tout à l'heure, mon Patrick. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous. Bisous. ça se termine avec des bisous comme j'aime. Ah, ah tiens, là, j'en peux plus. T'es complètement déchaîné, Patrick. Avec le cheval, absolument. Vous avez vu dans quel état il est. Je sais pas lequel on va retrouver demain. Hier, c'était Bertrand. Aujourd'hui, c'était Patrick. Les collecteurs de Pamela sont de retour demain. On t'embrasse, Pamela. Merci. Ah, j'ai hâte. Bisous. Je reste dans le coin, si jamais. Reste bien avec nous. Surtout qu'on va parler de plein de trucs. L'hygiène. Tu as déjà connu des gens sales. Ah oui. Salut les filles. Ah non, mais on n'a pas couché ensemble, quelle horreur. Ah non. Ah non, pourquoi? Ah non, je te rassure. Je n'ai pas voulu. Ah moi non plus. Il avait pas assez d'argent ce jour-là. Peut-être, ouais. Alors Pamela, le retour demain et tout de suite. Alors hygiène et sport, on va retrouver avec nous Jules, qui doit être dans le coin. Alors Jules, t'es à Paris, t'as quel âge Jules? 15 ans, 14 ans? 14. Eh ben, sois le bienvenu, Jules. Salut, Jules. Bah, merci. Eh ben, de rien. Bon, alors, explique-nous un petit peu tout, là, concernant ce qui se passe en sport chez toi. C'est en sport, c'est quoi? Tu fais quoi comme sport? Non, c'est dans un club de boxe. Dans un club? Ah, tu fais de la boxe, toi aussi. J'adore faire de la boxe. Aïe. Vous savez que c'est génial, la boxe. Aïe. Voilà. Alors? Ça fait combien de temps que tu fais de la boxe, toi, Jules? Ah, j'ai commencé cette année. T'as commencé cette année, très bien. Eh ben écoute, c'est bien, faut faire du sport. Bah oui. C'est pour les nerveux, c'est un bon conseil qu'on peut vous donner. Faites de la boxe. La boxe, ouais, c'est clair. Voilà, vous êtes nerveux, ça vous calme. Regardez, moi, par exemple, quand j'ai un petit coup de nerf. Aïe. Voilà. Tout, c'est Romano. Tout simplement, c'est tout simple. Eh ouais. Comment vous savez que je suis Mister Univers? Ouais, Miss Univers. Jean-Pierre Ferlot qui l'a dit. Hein. Non, parce qu'on me dit, tu es Mister Beau Gosse pour l'inconnu, et juste au-dessus, on me demande, il faut que tu ne serais pas Mister Univers. Oui, je suis Mister Univers, c'est eh ça. Eh ouais, c'est ça. Eh oui, c'est ça, trop de chance quand même. Alors, explique-nous un petit peu, Jules, qu'est-ce qui t'arrive par rapport à ton pote? Écoutez bien. Bah, en fait, donc je fais de la boxe, et genre, le mec, en fait, c'est un gros crâne à chaque fois à la fin de l'entraînement. Il se lave jamais, ses t-shirts, en fait, il le referme dans un sac. Et à chaque fois, bah, à chaque entraînement, il ressort le même t-shirt, les mêmes shorts. Comme c'est ça. Un sale. C'est un crasseux un peu. C'est un sale un témoignage dans l'équipe, peut-être. Oui, Cédric. Bon, là, je suis un sale. le coup du t-shirt, on l'a déjà vu. Sale. Donc ton pote, en fait, il est. Mais comment on dit à Marseille, il candave. Il sent mauvais. Ouais, c'est quand on le touche et tout, ça dégouline de transpiration, ça pue. C'est, ah ouais, puis alors, le t-shirt comme ça qui macère dans un sac pendant une semaine et qui ressort derrière, mais laisse tomber l'odeur. Bon. C'est pour ça que moi je le garde 3-4 jours, non, je le pose pas. C'est peut-être pour comme ça il m'assert pas. Ouais, ouais. C'est peut-être pour assommer son adversaire au niveau des narines. Hein. C'est vrai que c'est pas con ça, parce que pas parce que quand vous faites du judo par exemple, vous faites du judo contre un mec qui pue des pieds. Ah bah là t'es mal. Ah bah là t'es mal. Le mec il peut te déstabiliser rien qu'avec ça. C'est hein. Clair. Ouais. T'arrives pas à respirer, t'étouffes. T'étouffes. C'est l'horreur. Non mais même au judo avec certaines prises, tu peux péter sur ton adversaire. Ah ouais, carrément. Tu l'as déjà fait, Mano? Non mais nous il y avait des mecs qui s'amusaient à le faire quoi. Ils te pétaient dessus? Non mais pas sur moi, mais des fois le mec il le coinçait là, je sais pas comment ça s'appelle, les prises de judo. Au son de la cahier. Et lui il lâchait une perlouse sur le coin de la gueule. Oh, ah ouais, c'est clair que tu lâches là dans ces cas-là. Ouais, tu fais ouais c'est bon, j'ai perdu. Ah, c'est vas-y, clair. Lâche-moi s'il te plaît. Ah, c'est clair, t'es dans son nuage de paix là. Oh. Bon alors, par rapport à ton pote, tu voulais déjà dit ou vous l'avez pas dit? Parce qu'on nous dit là sur SMS, il faut lui en parler s'il pue. C'est dégueulasse, les gens sales. Je lui dis quelques messages. Message de Arturo là sur SMS. Message de Mino sur SMS aussi. Non? Bah, ça, on l'a déjà parlé, mais il s'en fout complètement. La limite, il nous insultait pas. Non, mais à la limite, quoi, ce qu'il faut faire, c'est. Faut le choper et le foutre sous la douche. Hein. Ouais, ou sinon, là, c'est ce que vous faites. Genre, il y a personne qui accepte de s'entraîner contre lui, tu vois, de boxer avec lui. Comme ça, le mec, il va se sentir seul de puer, tu vois. Ah, le une douche. Mais nous, les crades à l'internat, on les emmenait de force sous la douche. Allez hop, habillé. Ah ouais, c'était douche obligatoire. Parce ouais, qu'il y avait des salles cool, à l'internat. Ouais, bah tu sais, t'en as toujours, ouais, les mecs, ils oublient un peu de se laver, quoi. Une douche cette semaine. Vous connaissez des salles. D'ailleurs, ce serait bien qu'on ait des témoignages également de filles. Oui, je sais. Mais dans les vestiaires des filles, il y a aussi des filles qui doivent être sales. Est-ce que vous avez des. Parce qu'on a souvent des témoignages de gars qui puent la transpi, ou qui se lavent pas, ou qui puent des pieds. Ou, bah d'ailleurs, je salue Chimo No. Sur SMS là qui lui en cours de PS il a ce genre de problème avec un pote mais qui candave des pieds. Ouais, il pue quoi. Ah, l'odeur des pieds c'est terrible. Donc non, moi j'avais une copine en classe quand on était parti en classe de neige et évidemment c'était des chambres de 5, tu vois, évidemment on était tombé dans sa chambre hein, c'est sûr. Et elle, je crois qu'elle se lavait jamais et en plus elle balançait ses petites culottes sur nos lits. Elles étaient sales, ces culottes, elles étaient jaunes. Des petites culottes sales. Elle avait sales partout dans la chambre. Mais elle avait les culottes comment? Ah, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était Mélanie. Jaune, la fille. Mélanie, elle s'appelait. Ouais. Mélanie la crinceuse. Oui, non, mais si tu vois, on n'a pas trop regardé ce qu'il y avait dedans, mais c'était ignoble. Ah, moi, j'aurais regardé, j'aurais fait une photo pour la traquer. En fait, elle prenait ses fringues dans son linge sale pour s'habiller la journée, tu vois. Ah, et on était en classe de neige, hein, donc je t'explique pas. Moi, Jules, Marie aussi a connu des salles et il y a également des filles sales. Ah, je me souviendrai toute ma vie d'elle. Et ouais. Moi, je fais du judo, je me frotte bien l'arrêt du cul avant chaque combat, c'est radical. Mais tu te frottes l'arrêt du cul avec quoi? Avec la main pour. Ah ouais, t'es pour quand tu chopes les mecs, quoi. Pour déstabiliser ton adversaire. Non, mais elle est pas mal cette idée quand tu fais des sports de combat. Des sports de combat, des sports de contact. Ah, pour le judo, c'est, en tout cas, elle vous plaît, c'est bien. Ah ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, nous, Jules? Bah, je sais pas, des conseils, en fait, pour. Comme à chaque fois, on lui dit des fois, ça par limite en insulte, sans donner des conseils, comme on lui dit, sans le vexer. Pour qu'il se lave, au moins il change de t-shirt à comment lui dire sans se vexer? Comment on t'a dit, Romano, quand tu revenais par exemple du ski et que tu puais des pieds? Non, mais moi je savais que je puais des pieds. Ah, bah, lui, il nous a prévenu, mais il a quand même enlevé ses chaussures. Non, mais vous l'avez voulu, hein. En même temps, ça me provoque, moi je réagis. Hein. Et on t'a dit quoi? Bah, on m'avait dit, ça puait, quoi. Mais moi je savais. Mais on te l'a dit discrètement entre deux yeux, on a été discret ou pas? Ah, ouais, non, bien sûr, c'était d'une grande discrétion à l'antenne. C'était vraiment. Ah oui? Non, mais moi je le savais, moi je savais que je puais des pieds, tu vois. Ah, puis ça puait dans toute la radio. C'est-à-dire, en même temps, il fallait vraiment pas avoir donné pour son. Putain, pas se rendre compte, quoi. Jamais j'ai senti un truc pareil. Ah ouais, moi pareil. Non, mais parce que j'avais eu les chaussures du ski la moitié de la journée. Du camembert pourri, un peu, quoi. Ça faisait. Ouais, c'est ça. Oh, ça rappelait l'odeur de la montagne, la raclette, fondue, tout ça, quoi. C'est ça, on a l'impression que t'avais fait une raclette dans tes pompes. On a l'impression de vivre dans un chalet, quoi. Ouais, mais c'est ça. Bon, vous connaissez des salles. On vous attend en direct. Dans ma classe, il y a un mec qui pue, il se lave jamais. Et quand on lui dit. Et ça fait 2 ans qu'on lui dit, il se passe rien. Bon, bah, je le supporte, c'est horrible. C'est le message de la blonde du 80. Bisous, la blonde. 18 ans, la blonde. Mais je suis là. Oui, on arrive, Cédric. Tu vas pouvoir témoigner. Parce que je pue la merde. Oh, non, je pue pas la merde. Alors, tu veux témoigner, Cédric? Non, mais je pue pas la merde. Je pue la défaite. Non plus, non. Non, mais il y a déjà des gens qui t'ont fait des réflexions. On parlait des pieds de Romano. On lui avait dit, paraît-il à l'antenne. C'est étonnant, ça tient. Ouais, c'est bizarre. Ouais, étonnant. Ça ne nous ressemble pas. Et, toi, on t'a déjà dit, on t'a déjà fait des remarques sur tes odeurs? Ouais, j'ai un pote, un connard avec un peu relou avec ça d'ailleurs, qui me fait chier assez régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il me fait des réflexions qui sont pas vraies, tu vois. Ah ouais, c'est ouais, même c'est qui bien, dit que tu sens le paix aussi. Ouais, que tu sens le paix aussi lui. Parfois. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais faut être franc. Si c'est ma vraie pote, tu peux lui dire cash. Ah, hein. Des cash, ouais. Tu peux lui dire cash et oh, si tu veux. Mais la touche pas devant tout le monde non plus, tu vois. Faut lui dire si tu veux serrer des meufs un jour, bah il vaut mieux être propre. C'est Buzzer qui nous laisse le message sur SMS. Ça peut être un bon tuyau pour lui faire comprendre. Parce que les meufs, je crois pas que vous aimiez les mecs qui puent, quoique. Non, je te le confirme. On a eu dans le problème du mois des gens. Oui, c'est vrai, mais c'était le problème du mois quand oui, même. Oui, c'est vrai. Des gens qui écrivaient pour dire qu'ils adoraient les odeurs qui puaient. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, on a eu des gens qui aimaient puer pendant qu'ils baisaient. C'est une quoi. Nana qui aimait les petits vieux qui puent. Oui, c'est vrai. Plus précisément. Les petits vieux sales, on avait eu aussi. Ah ouais, c'est. Ah. C'est vrai. Mmh. Tiens, j'ai fait du judo et le mec, il avait la même odeur que le cul de Cédric. Message de Théo05. Ah bah. Sur, ça donne envie de combattre avec lui, tiens. Sur SMS. Même chose en EP. Il y en a plein. T'es pas le seul, Jules. Bon, alors comment vous faites, comment vous gérez tout ça? Vous nous dites. Méchant. Je te dis, va le laver, quoi. Va le laver sous la douche, oui. Ah, sous de la douche, vous l'attrapez à 4-5. Ah ouais, mais l'humiliation voilà. Pour lui, quoi. Bah, au moins, le mec, il va comprendre. Hein. C'est une prof en cours, elle pue le camembert, comme les pieds de Romano. Ah bah, tu vois, Romano, t'es pas tout seul, t'es également la prof de Clotilde sur SMS. Non, mais Clotilde. Pour le faire gentiment, il faut quand même le prendre dans un coin et lui dire, écoute, c'est plus possible. Bah, vous lui avez déjà dit, le mec, il t'insulte. Je te le dis avant que tout le monde te traque. Moi, le mec, il m'insulte, je lui dis, va te faire enculer, espèce de cradasse. C'est juste pour te rendre service et pour rendre service à mon nez, espèce de Cradas. Ah mais c'est clair, attends, le mec s'il commence à mal réagir, moi je m'embrouille avec lui, je vais te laver le cul, crasseux. Ah, et je demandais les témoignages de filles, tiens, j'ai une fille qui pue l'œuf, elle se lave pas, c'est dégueulasse, c'est Lucu, il est dans le 59, Lucu. Et Nissou, tiens, même chose que toi, Jules, avec ton pote en boxe là, qui pue dans les vestiaires. J'ai une fille en sport, elle change jamais de vêtements de sport, c'est la même chose. Elle les change jamais, elle les lave jamais. Ah ouais, non, mais ça, c'est. Et on salue Cécilia. Moi, j'ai une pote qui a les chicots tout dégueulasses. On voit bien quand elle parle. Il vaut mieux d'ailleurs pas lui parler. Je comprends pourquoi. Il vaut mieux pas lui parler dans ces cas-là. Bon, si elle s'enlaille, on peut lui passer Cédric en direct. Hein. Alors, si vous avez. Non, mais je veux pas sentir Sabi, si tu veux sentir. Non, c'est bon, j'ai 2-3 messages à lire parce que là, ça défile, je vais pas vous oublier. Tiens, il y a un mec dans ma classe qui met tout le temps le même t-shirt avec des auréoles et les mêmes auréoles tous les jours. Nico du 78. J'ai la même chose au hand. Le gars, en fin de match, on l'a pris par les pieds et par les bras. On l'a mis dans une douche. Non, mais c'est ça qu'il faut faire. Et on lui a vidé une boîte de shampoing Max Best. Eh bien, moi, c'est cette solution que je prendrais, moi, tiens. La solution de Max Best. C'est marrant, ça, en plus. Merci d'aimer ma solution. C'est la solution de Max Best. Direct sous la douche. Tiens, message de chouchou sur SMS. Reste avec nous, Jules, et puis on va y revenir. Vos témoignages. Okay. Le mec, faut le passer au jet, quoi. Ouais. L'éléphant bleu. Non, mais sérieux, le mec. Tu sais, les jets de jardin, là. Non, mais nous, tu sais, en général, dans les trucs, dans les trucs sport, collectifs, ouais, t'as un jet d'enroulé, tu sais, pour que le mec, il nettoie, quoi. Le mec, tu le gaules avec ça, et bim, tu l'arroses, quoi. Espèce de sale crade. Bon, l'éléphant bleu, c'est le cas ultime pour toi, Jules. Tu bouges pas, Jules. On va revenir. Et puis, dans un instant, on aura aussi avec nous Karim, qui doit déjà être dans le coin. Est-ce qu'on attend de le prendre? Allez, oui. Karim et... C'est parce que les histoires d'amour n'attendent pas, ce Skyrock. Oui. Karim et son histoire d'amour, puisque c'est ça dont on va parler. Hein. Ouais, d'amour et de sexe. Ah oui, d'amour et de sexe, t'avais dit, Karim. T'es là, Karim? Ouais, je suis là. Bon, donc toi, t'as 25 ans, et t'es dans le 92, et t'es avec une meuf depuis un petit moment déjà. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bah ça va faire plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Et ouais. Ah ouais, donc c'est une histoire sérieuse. C'est du sérieux. 5 ans, c'est beau. Et là, vous avez de nouveaux fantasmes qui apparaissent. Enfin, toi, t'as... Voilà, en fait. Surtout elle, c'est elle surtout qui... oui, toi, je sais pas, sans doute. Est-ce que t'as des fantasmes avec elle, toi? Truc à trois. Ouais, pourquoi pas avec une fille, mais voilà. Bon. Et elle t'a proposé quoi? Bon, en fait, ce qu'elle m'a proposé, c'est un peu étonnant, puisque vu qu'elle est pas, chaude, comme quand je l'avais connue, c'est moi qui l'ai initié à tout faire, si tu veux, sur le plan cul. Et en fait, au bout de quelques mois, là, ça fait quelques mois qu'elle arrête pas de me dire, bon, j'aurais bien voulu te voir démonter une meuf devant moi. Ah. Oh, bah c'était comme c'est mignon. Voilà. Et toi, t'étais content quand elle t'a proposé ça? Bah, moi, en fait, ça m'a surpris, puisque bon, je me dis, bon, c'était sérieux, c'était pas trop son truc à elle. Et puis du jour au lendemain. Ouais, tu nous as dit, ouais, elle était pas très, elle était pas très chaude, quoi. Mais t'es sûr qu'elle fait pas ça, genre, pour te tester, tu vois? Parce que les meufs, c'est des vicelards, attention. Des meufs, c'est des vicelards, a dit Romano Misoman. Ouais, enfin, quand même, faut y aller. Non, mais tu sais, il y en a, ils ont un pète au casque. Hein. Ouais. Moi, je me dis, si elle est pas lesbienne. Mais elle veut faire un truc avec la meuf, elle aussi, ou pas? Non, du tout, elle veut juste regarder. Ça l'excite de te voir dominer notre meuf, quoi. Alors Romano, tu te méfierais, je le vois à ton visage qui est en train de se contrarier. Ouais, parce que ça peut être genre la meuf, elle dit ça pour te tester. Ouais, mais au bout de 5 ans, tu crois qu'elle te testera au bout de 5 ans, tu la connais bien. Tu sais pas. Hein. C'est... Bon, alors on va en reparler. Plus, si à la base, elle était pas trop cul, tu vois. Faut quand même le supporter de voir Ton partenaire baiser avec quelqu'un d'autre devant toi. T'aimerais pas voir ta meuf baiser avec quelqu'un d'autre devant toi? Ah, mais je l'ai trop. Moi, c'est pareil. Ah, moi, je saute dessus, le mec. Y a pas moyen. Tu lui sautes dessus, c'est jaloux. Hein? Ah, bah, bien sûr. Non, mais moi, déjà, à la base, elle me propose ça, elle me dégoûte. Non, mais pourquoi elle te dégoûterait la peau? Ah, je sais pas. C'est clair, rien que la proposition déjà. Moi, ça me dégoûterait. Bon, alors, on va revenir à toi, Karim. Tu pourrais plus la baiser, quoi. Tu bouges pas, Karim, reste avec nous. Allez, témoignage pour Karim, on va en apprendre plus sur Karim, et puis vous allez pouvoir nous donner votre avis aussi, hein. Comment vous réagiriez si votre copine vous proposait ça, les gars, là? Ah, ouais, pas moyen. Et même les filles, d'ailleurs, si votre mec vous proposait ça, tiens, ma chérie, eh ben, écoute, je vais te présenter un copain, il va te faire l'amour et moi je vais regarder. Voilà, tranquille. Donc les filles, les gars, réaction, vous nous laissez tout ça et on en reparle avant minuit. Et dans un instant, l'opération séduction pour Julien. Ah, on veut du dragueur. Ouais, on veut du dragueur. Ben, les séducteurs sont là, les filles, ça va être chaud. Là. Et Difoul est là aussi. C'est vrai, tu as bien fait de le dire. J'espère que demain, tu seras le Clash Collector, tu gagneras le Clash Collector. Bah, j'espère bien aussi. Laisse-moi le choisir et on réglera le problème. Ouais, on va choisir ensemble. D'ailleurs, je ferai le sommaire de l'émission de demain, mais bon, on a le temps d'ici minuit, hein, c'est sur Sky. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500€ dans le morning de Difool. C'est vrai? Mais oui! Morning Show! Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises, hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs? Ou bien carrément, on change de jean? Bref. Caro se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue vu que pour l'instant, elle s'habille. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Le train en direction de Busan va bientôt partir. Demain, prenez place pour le choc de l'été. Il se passe quoi? Dernier train pour Busan. Le film catastrophe de tous les records, avec 10 millions d'entrées en 15 jours. Dernier train pour Busan. Le train ne peut pas aller plus loin. Pour rester en vie, montez à bord. Qu'est-ce que vous faites? On attend quoi pour partir? Dernier train pour Busan. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce train? Cet été, le blockbuster vient d'Asie. Demain en cinéma. Dépêchez-vous! Avec Skyrock. Gentlemen, Mais qui vous aime en secret? Un voisin? Un vieux copain? Caché au 71 777. Un gamin? Le bel inconnu du train? Envoyez caché CACHER au 71 777. Nos experts vous diront tout de vos amours cachés. Caché au 71 777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Allez, à toi, Jérém. Je suis sûr que t'es un mec marrant. Ok. Alors en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est en vacances et. T'en as marre de raconter des blagues pourries? Télécharge Yax. YAX. Yax, c'est l'appli pour délirer et faire marrer tes potes. Dépêche-toi. Le peuple Yax t'attend. Yax. YAX. La radio libre de Difool. Tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Baby, I like you so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Et on va finir cette soirée. Alors attention, c'est pas fini parce qu'il va se passer plein de choses, notamment le Karim Comedy Club qui va arriver tout on à l'heure. On va rigoler un bon coup. Alors on va finir en parlant d'amour, opération séduction pour Lilian. Et je te rassure, Lilian, les séducteurs arrivent dans un instant. Bonsoir les filles. On a Karim. Ah ouais, alors là c'est un petit peu plus chaud. C'est un petit peu plus chaud. Sa meuf veut qu'il baise une autre meuf devant lui. Ah bah tranquille. Et il y en a qui sont excités, qui trouvent ça super. Hein, JD là qui nous laisse un message sur SMS. C'est sans problème. Elle est sympa quand même. Ouais, c'est cool. Lui dirait oui, mais sans souci. Bon, on prendra les réactions. Et bien là tout de suite, on va revenir à Jules. Alors Jules qui fait de la boxe. C'est bien parce que moi ça me rappelle quand j'étais boxeur professionnel. Avant le brisage du nez. Ouais. Et non, ça c'est une porte de quick. C'est pas la boxe qui m'a brisé. Jamais je n'ai pris un uppercut, un direct, rien. Une droite, moi, jamais. Non, juste une porte de quick comme un couillon. C'est porte ça. De quick. Quick. Alors, le pote de Jules, donc ton pote Jules, en gros, bon, il pue, hein. Et il est sale. Donc on parle d'hygiène ce soir. Et tiens, on nous demande, il y en a qui nous demandent sur SMS, mais il sentait quoi? La transpi? Message de Coqui qui voulait savoir à quoi. À quoi, qu'est-ce qu'il sentait? Oh, en général, quand tu te laves pas, tu t'as quoi comme odeur? Transpi déjà. Transpi. Ouais, et puis des pieds, des aisselles. C'est quoi les odeurs que vous détestez le plus? Transpi, pieds. La merde. La merde. Ouais, la merde, c'est. Ah, les pieds, c'est pire. Ah, les pieds, parfois. C'est dégueulasse. La transpi aussi, c'est dégueulasse. La transpi, Cédric. Ah ouais. Putain. Pourquoi tu te renifles sous les bras? Ah, je me l'ai repris sous les bras. Oh là, c'est pour me. Ah non, plus sort de la douche. C'est pour me mettre dans le. Du sujet. Ah, tu peux venir sentir. Alors là, je te jure que tu seras pas déçu. Non, non, merci, ah, Cédric, c'est gentil. Ça sent le déo. Il sent quoi, ton pote, Jules? L'odeur principale, c'est quoi? Les pieds, sous les bras, la transpi, partout, le cul? Partout, partout sur le corps. Ah, c'est un mix. Ah, c'est entre un cocktail d'odeur, quoi. C'est comme les multi, des multifruits, sauf que là, c'est un multi-odeur, c'est ça, hein? Voilà, exactement. Un mix d'odeur, un peu. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec les crasseux? Réaction en direct. Alors, le témoignage de Mathieu. Et puis, on fera un petit bilan. Oh, je connais une meuf qui ne met pas de tampon ni de serviette pendant ses règles. Un message de sucre sur SMS. Mais des comment Yvelines. Elle fait? Ah bah elle pue, Marie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais c'est surtout, mais ça, ça coule, mais quoi. Mais ouais, c'est ça. Elle a la culotte pleine, la gorette. La gorette. Mais c'est impossible de pas faire ça. Mais c'est une vraie truie. Tu lui diras pas bonjour de notre part. Au passage. Pas surtout. Ou alors de loin, ouais. Salut Mathieu. Mathieu de Arne dans le 6-2. Bien Mathieu? Bien et toi? Eh ben écoute, ça va bien Mathieu. Donc t'appelles pour réagir par rapport au crasseux. Ouais, bien. C'est ça. Donc t'as qui sent dans ta classe, toi? Ouais, dans ta classe ou dans ton... Parce qu'on ça peut être... Ouais, si, c'est dans ma classe, dans la classe. C'est au collège. D'accord. Ouais, franchement, moi j'avais un mec, vraiment un gros puant, puant crasseux, enfin... Et le mec, c'était horrible, enfin, dès qu'il a enlevé son pantalon, ça puait partout dans le vestiaire. Quand il enlevait son pantalon, ça puait, changer, mais ouais. Il devait sentir la merde. Quand il changeait, ouais, ça puait. Parce qu'enlever son pantalon et sentir, c'est que le mec est très très sale, quand même. Et alors, qu'est-ce que tu proposerais comme solution, toi? Et ben, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a parlé entre nous, en fait. Pas voulu y aller trop direct, tu vois. On en a parlé entre nous, on est allé le voir, on lui a tous dit ensemble, voilà, franchement, c'est horrible. Le pauvre, il s'est retrouvé avec toute la classe en face de lui. Alors, on voudrait te parler. On voulait des garçons. On voulait te parler. On voudrait juste te dire un truc. Bon, attention, les gars, 3, 4, tu pues la merde! Après on l'a filmé puis on l'a mis sur YouTube. Et voilà, maintenant c'est une star. On a d'ailleurs créé un blog spécialement pour lui, machin pue du cul. Voilà. Non mais faut, c'est leur rendre service de leur dire on nous dit sur SMS. Non, Bigo, hein. Nous on l'a dit et puis franchement nickel après. Après c'est lavé, ouais. Ouais, après. Attends, le mec, il a dû avoir tellement honte sur le moment que. Oui, c'est vrai. Il a des bonnes résolutions. Bah écoute, tant mieux pour lui et pour vous surtout. Ouais. François, il connaît un mec qui a des verrues sur les pieds, il s'en est rendu compte à la piscine. On se connaît. C'est possible. Je laisse le numéro de François du 92, Cédric, 18 ans, il a. Salut, copain. En EPS, on faisait acro-gym, et j'étais avec une meuf trop bonne, mais le truc qui casse tout, c'est qu'elle pue est grave. Eh ouais, message de Bingo Mania du Rhône, c'est vrai que ça tue tous les odeurs. Marie, t'es déjà tombée sur un mec qui puait des pieds, toi? Ouais. C'était plus des pieds qui s'appelait. Non, je l'appelais pas plus des pieds, mais en tout cas, ses chaussures, elles allaient direct sur la fenêtre et il se lavait les pieds en rentrant à la maison. Tu vois. Mais ça te dégoûtait pas de baiser c'est avec pas lui? Le délire. Bah non, parce qu'il se lavait direct, donc ça sentait non, pas. Non, parce qu'en plus, il y avait une grosse bite, alors mais bon. T'es con. Hey. Non, mais moi, il me l'avait dit dès le départ. Hein. Il m'avait dit, moi, j'ai un problème de sudation des pieds. Hein. Cédric, pourquoi j'ai tu fais sympa. Pas ça? Comme méthode de clash. De quoi? Bah, tu préviens dès le départ. Bonjour les familles. Voilà, bonjour. C'est Michel. Sans le caca. Voilà, je sens mauvais. Moi, je vous préviens, je pue la merde. Faire ça, c'est débile. Bah, je sais pas. Regarde, Marie, ça a marché. Le mec, il lui a dit qu'elle pue. Bah, il m'a dit qu'il a. C'est vrai, je te conseillerais de faire la technique de la puanteur, mais sexy. Cédric, toutes ces méthodes, il y a le mot sexy dedans. La puanteur sexy, mais pas con. Bon, là, ouais, c'est pas bête. C'est pas bête, la puanteur sexy. Non mais il faut lui dire hein, quand t'as un pote ou une copine qui a un problème comme ça, c'est lui rendre service que de lui dire. Ouais mais faut pas y aller à 10 parce que là c'est, il va se sentir humilié le mec. Bah, je te dis le mec vous le prenez, vous le collez sous la douche, je lui dis ah, va te laver ce crado. Toi tu ferais ça méthode radicale Romano. Ah bah l'internat moi je te dis c'est comme ça les mecs qui savaient pas, ils passent à la douche de force. Hein. Voilà. Et ils passaient tout habillés. Hein. Bon qu'est-ce que t'en penses? Moi ça lavait un peu leur fringue aussi. Jules. Oui. La douche, comme ça, vous le prenez par les pieds, par les bras, pfft, direction, sous la douche. Mais sympa, en rigolant. C'est radical. Après, hein? C'est radical. C'est radical. Ouais, et après, radical. Au moins, il est propre. Parce que quand vous lui dites, bon, le mec peut choisir de ne pas se laver. Ouais. Là, au moins, là, il a pas le choix, le gars. Attends, mais s'il y a personne qui accepte de combattre contre lui, parce que le mec, il pue, il risque de comprendre aussi, tu vois. Mmh. Franchement, moi, le mec, il dégoûterait comme ça, jamais je le touche, tu vois. Je fais, non, toi, je boxe pas avec toi, man. Mais votre entraîneur, il peut pas lui dire, tu sais, genre, ouais, écoute, c'est pas possible de venir dans cet état-là, mon ami. T'es viré de l'équipe, ils sont mauvais. D'ailleurs, tu putes trop la merde. Oh, que tu sens mauvais. Ils ont raison, les autres, c'est atroce. Bon, après, tu peux prendre du Febreze, tu pulvérises dessus, et voilà. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Viens avec du déodorant. C'était le message de Mathieu. Du 80. Salut Mathieu. Une bonne amie qui pue de la gueule sévère. Comment lui dire sans la vexer? Bah, c'est toujours les mêmes problèmes. Quand on aime bien quelqu'un, on sait pas comment lui dire. Ah ouais. Hey. Cédric, ça va? Ouais, ça va, nickel. Bah, t'as pas pris une douche, ça? Ah, si, si, je me suis lavé. Douche, toi, tu veux venir sentir sur mes aisselles? T'as pris une douche, c'est nice. Ah ouais, je te jure. Il y a des gens qui ont une odeur, tu sais, j'ai un ami, il sentait avec une meuf, ça s'appelait Peau qui pue. Sentait très très mauvais de la peau, elle. Même quand elle se lavait, elle puait. Ah bah putain, tu serais pas son chance, frère, mais... Cédric, des ah fois. Ah non, rien à voir, pourquoi? Non, c'est vrai, t'es quand même moins moche que toi. Ça va aller. Et après, il y avait l'éléphant bleu, vous avez adoré la méthode de l'éléphant bleu. Super l'éléphant bleu, dis donc. Non, mais ouais, tu prends le jet qu'il y a dans la douche et le mec, tu l'arroses, quoi. Mais il faut le bloquer, pareil, à 4-5, quoi. Et ton pote, alors, toi, parce qu'on n'a pas eu les résultats, Mathieu. Ça a marché, ta méthode, pour ton pote, ouais, ou pas? Ouais, ça a marché, nickel, maintenant. Ah, si, bah, tu nous avais dit, ouais, le mec, après, il est devenu propre, quoi. Ouais, peut-être moi, il y a eu honte. Et je suis retrouvé. Mais bon, moi, c'est meilleur. Mais les chaussures trouvées, c'est bien parce qu'au moins, ça permet aux odeurs de non, mais bon, après, tu sais, le mec, bon, ça dépend. Tu vois, si les parents, ils ont pas d'oseille, bon, après, les chaussures. Ouais, c'est un peu triste. Non, mais oui, non, mais après, bon, ça t'empêche pas de te laver, quoi. Bon, les chaussures trouvées, ça peut arriver. Hein. Bah, regarde, Romano. Moi, bah, c'est con quand il pleut. J'ai des chaussures trouvées parce que c'est la crise. Regarde, j'ai un trou dans mes chaussures. Pas d'argent. Eh oui, c'est la crise, mon pauvre Romano, tu le vois. Non, mais moi, j'en avais, bon, je les mets pas quand il pleut parce que, en fait, la semelle, elle marche dans l'eau. Non, mais la semelle, elle est fendue en dessous. Et une fois, putain, je me disais, putain, mais j'ai grave les pieds mouillés, quoi. Et en fait, pas manqué, les pompes, elles sont trouées, mais. Ah, les deux pompes, en plus. Ouais, les deux pompes, mais tu sais, en fait, c'est la semelle en plastique, elle s'est fendue, quoi, en travers. Ah ouais, donc forcément, la flotte rentre dedans. Et ça prend la flotte, alors je les mets qu'en été, celle-là. Oh, bah, mais garde, en plus, les gardes. Ah ouais, putain, moi, j'arrive pas à acheter des chaussures. Il y a Mourad sur le 41 Sky qui pose une question à la Marie. Marie, oui. D'où ça vient une meuf qui sent le poisson tout le temps? Qui sent le poisson? Bah, c'est la chatte, non? C'est la pisse. Ah, ouais. Ah non, mais si c'est non, juste non. La minette. Genre, elle a une mycose aussi, la meuf, peut-être. Non, mais voilà, c'est qu'elle a une petite saloperie. Si pue, parce que... Non, mais surtout, si ça pue tout le corps, là, il y a un problème. Elle sent très fort, alors. Parce qu'on a eu les gens qui puaient des pieds, on a dit que ça sentait parfois le fromage, la raclette, ou même pire. La transpi, bon, on sent ce que ça sent, la transpi. Sinon, il y a la maladie, la poisson pourrie, là. Ouais, le syndrome du poisson pourri, ouais. Ouais. C'est des gens qui puent, mais ils peuvent rien y faire, quoi. Et ça pue le poisson. Et il n'y a aucun traitement. T'aurais ça, Romano, comment tu réagirais? Bah, je ferai avec, hein. Mais moi, je foutrais je me collerais des lingettes. Ça, ça sent obligatoirement le poisson, ça? Ouais, mais en fait, c'est surtout, par exemple, mais les gens, ils puent de la gueule, des aisselles. Ah. Ah, et toutes les parties où il y a des plis sur le corps, ça se dégage à bloc par là. Parce que moi, je connais une meuf et tu vois, elle a l'air propre, elle se prend des douches, tu vois, se voit, elle prend soin d'elle, mais elle sent le saucisson, c'est un truc de fou. Oh, c'est ma meuf. J'ai l'impression que quand elle dort à la maison, qu'on est dans une charcuterie. Non, mais je te jure que c'est pas ma meuf, c'est une meuf. Moi, je l'esquive parce que la meuf, elle me dégoûte, tu vois, j'arrive pas à lui faire la bise, ça me donne envie de vomir. Mais elle sent la charcuterie, mais. Ah, salut, un cochonou. Je te jure, mais. Un cochonou. C'est pour ça, il y a pas le syndrome du saucisson. Ah, Justine Bridou. Ah, je lui dis pas, mais moi, je l'esquive, la meuf, elle pue trop, je te jure. Vince du 52, il dit qu'il connaît une fille qui sent le lardon et le feu de bois. Ah, ben tu vois, c'est le lardon et le salido. Feu de bois, ça sent bon, et elle a des croûtes autour de la bouche. Ah non. Oh, sympa. Tu salueras cette belle gosse, dis donc. Bon, bah écoute, Mathieu, merci du conseil, sympa d'avoir appelé. Ouais, pas de problème. Les autres, laissez vos messages, hein, parce qu'on a plein de messages, on n'a pas pu. Sinon, il y a la connue en plus cette saison, mais lui, un sapin odorant de voiture autour du cou. C'est quoi? Ça, c'est bien, ça. Dans les sacs, dans ses affaires et tout. Bon, ben écoute, c'est bien tout ça. En voyage scolaire, c'est là qu'on se rend compte s'ils sont sales, les gens. C'est vrai, vous avez raison. Ouais, ou à l'internat, ouais. Quand t'es à l'internat, tu te rends compte direct. Ouais, en sport, comme toi, Jules, comme toi, Mathieu. Il y a Oz, du 39, 20 ans, qui dit: j'étais en voyage scolaire en Suisse, au lycée, et on a entendu une fille demander où était la douche le troisième matin. Non. Sachant qu'on avait eu 12 heures de boost pour y aller, vous imaginez un petit peu la meuf, quoi. Donc le troisième matin, c'est: oh, bah tiens, où est la douche, donc? Ah, bah dis donc. Parce et les toilettes? Je suis chez maintenant, j'avais chié dans le tiroir de la commode. Au bout de 3 jours, hein, la douche. Bon, bah en tout cas, merci Mathieu, sympa d'avoir appelé Mathieu. Ouais, pas de problème. Et vive Romano. Ah, merci. Ça, t'as du goût, toi. Il est beau, t'as rien vu. Eh oui. Moi, t'as vu ta gueule, toi. Ça, tu confonds pas avec Difool. T'as la gueule beau, Romano. T'as la gueule en bien. Pas aussi beau que Difool. Merci, merci Mathieu. Tu mérites largement ton cadeau à t'envoyer ton jeu ou ton Cédric, maillot. Tu le trouves comment, qui t'a fait un petit tour de l'équipe? Ah, Cédric, c'est compliqué. C'est vrai. Fais gaffe, c'est le terme. Tu veux ton cadeau, mon pote. Pas ça. Il a un physique compliqué, ouais. Voilà. Bon, bah merci Mathieu, raccroche pas. Jeu au maillot pour toi. Et Jules, pareil, on t'envoie ton jeu au maillot à Paris. Et reste à l'écoute parce qu'on aura d'autres témoignages, hein, tout à l'heure, là. Ok. Donc, tu restes dans le coin et puis on t'envoie ton jeu et ton maillot aussi, hein. Ok. T'as pas des profs qui puent? Parce qu'on a beaucoup de messages sur les profs qui puent. Stan, 28, qui nous dit: moi j'ai un prof de PS, tu vois, tu parlais de boxe, de sport, de vestiaire. Mon prof de PS, t'as les mêmes affaires depuis 15 jours et puis la mort. Bah oui, ça t'imagine. Ah oui, ça 15 jours, hein. 15 jours en train de faire du sport et l'aspergé de Dax, on nous disait aussi. Ah, vidéo. Ouais, où il y a le sapin là, sapin de voiture. Ça, c'est bien ça. Ça c'est super, c'est décoratif en plus. Ouais, la classe, ça fait bling bling et tout. Ça fait un bling bling autour du cou, tu lui mets un sapin, l'éléphant bleu, arbre magique. Ouais, c'est ça. Arbre magique. Ça. Arbre magique. Voilà. C'est pratique une voiture en fait. Ah, bah. Éléphant bleu, arbre magique pour le sale. Ah oui, au moins. Et après un tour dans les toilettes, un peu de Febreze. Et hop là. Ouais. Et là on est bien. Et voilà. Et après tu l'emmènes chez Marionneau et tu vides les échantillons. Ouais, faut pas hésiter, même les flacons entiers, un rayon. Voilà, un rayon de flacon. Voilà. Les gens sales, c'est terrible ça. Ah ouais. Et ouais. Voilà. Alors, qui sait? Oui, on va finir avec Karim là tout de suite. Karim qui doit être toujours dans le coin. Avec Karim, son histoire d'amour. Et juste après, opération séduction. Hein, ouais. On n'a pas oublié Lilian, comment séduire, tout ça, vous saurez tout. On y va à fond. Bon, t'es là toujours, Karim? Ouais, je suis là. Très bien. Donc toi, tu nous expliquais que t'étais avec ta meuf depuis 5 ans, qu'au début, elle n'était pas très sexe. Et là, elle t'a proposé, au bout de 5 ans, de faire l'amour, toi, avec une autre meuf et qu'elle, elle regarde. Voilà, tout à fait, ouais. C'est donc la petite proposition qu'elle t'a faite. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? T'as l'air choquée. Ah ouais, ah non, mais je suis pas choquée. Ah oui, ah non, voilà ce que j'avais à dire. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que moi, je serais incapable de faire un truc pareil. Ah, moi non plus, t'es ouf, toi, quoi. Mais incapable. Mais moi, je t'ai dit, la meuf, elle est en train de te tester, tu vas te faire baiser. Ouais, je pense aussi. Oui, non, mais elle peut avoir ce. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, Marie. Mais bon, moi, je sais pas. Comment t'as réagi, toi? Tu lui as dit quoi quand elle t'a dit ça? Ah, super. Non, franchement, ça m'a surpris, puisque bon, comme c'est moi qui l'ai tout appris, si tu veux, sur le sexe. Ah bah dis donc, tu l'as sacrément dévergondé. Ah bah bravo, voilà, Karim, voilà, parce que de faire d'une meuf qui était coincée sur le sexe une... Voilà. Et ça me l'a dit, elle m'a avoué, elle me dit franchement, au début j'étais nul à chier, là franchement tu m'as tout appris. Oh comme c'est mignon. Et le problème c'est quoi? C'est qu'à la base elle, c'est une meuf super possessive. Ouais, donc c'est pas simple qu'une meuf super possessive demande de faire l'amour à une autre meuf devant elle. C'est ça qui m'a paru. Non, mais je te dis, elle se tape à coup de parano pour un peu, on lui a dit un truc sur toi, elle a un doute et elle veut tester ta fidélité. Moi, elle savait que j'étais chaud. Voilà, j'aime bien les meufs. Oui, mais bon, après, t'es avec elle, tu l'as pas trompée depuis que t'es avec elle. Non, du tout, non. Bon. Ah bah tant mieux. Tu penses qu'elle fait un test, Romano, depuis le début? Je pense pas, moi. À ton visage, je sens que tu fais un test. Ah ouais, moi je suis sûr que ça pue le guet-apens. Et Marie, non, tu penses pas? Ouais, non, mais c'est pas sûr. Elle a peut-être un coup de fantasme, tu vois. Elle a un coup de chaud, là. Non, mais c'est possible. Mais le problème, c'est que le fantasme, c'est hyper éphémère, quoi. Ah là, je voulais vous le dire ce soir. Non, mais c'est vrai. Non, mais le fantasme est hyper Fred Astaire. Maintenant, le problème, c'est que les fantasmes. Eh ben, on est bien avancé avec ça, tiens. Non, mais le problème, c'est que les fantasmes, souvent, il faut que ça reste un fantasme. Et voilà. Et que là, ça va être la merde si tu le fais vraiment. Mais toi, elle t'a proposé une meuf? Elle est allée plus loin que ça? Ou c'est juste un truc qu'elle a lancé comme ça en l'air? Ah non, elle m'a demandé carrément d'en choper une moi-même. Mais tu l'as choisi où, la meuf? Non, elle m'a demandé d'en choper une si je voulais, quoi. Je voulais le faire que... Ah, donc si ça te présentait à toi, ouais, elle est pas contre, en fait, c'est ça. Voilà. Si je peux te donner un conseil, tu lui dis non, j'ai pas envie de choper une autre nana et tout ça. Et t'as envie ou pas, au fait? Ça, au moins. Honnêtement, pourquoi pas? Ah, bah là, ça change tout, Marie, quand même. Non, mais dis-lui que t'as pas envie. Alors, Romano... Tu vas te faire avoir. Tartine, te proposerait. Glikine. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Zizine. Tartine ou Glikine? Zikline. Bon, ta meuf, elle te proposerait de... Bah ça. Genre tu fais l'amour... Ah bah je te dis, moi ça me dégoûte, moi. Devant elle, mais elle regarde comme ça. Et toi tu fais l'amour devant elle comme ça. De quoi? Mais moi je dirais non, parce que je me dirais, ouais, obligé ça... Elle te propose de faire l'amour à ta gothique. C'est tentant, ça, quand même. Ah bah ouais, super. Non mais je lui dis non, mais c'est bon, ça devant elle. Et là elle rit pendant qu'elle te regarde. Non, la connaissant, je pense que si elle me propose ça, pour moi ça pue le coup foireux, tu vois. Ah ouais, mais je suis assez... En fait, je pense que si je dis oui, derrière c'est prise de tête et compagnie. Ouais, tu veux me tromper, tout ça. Tu vois, moi je lui dirais à ta meuf, enfin si j'étais toi, si j'étais un mec, je lui dirais, bah écoute, si tu veux te taper une nana, etc., et que je sois là, il y a pas de problème. Bah, attends, genre, je dirais jamais ça, moi. Non mais genre, t'es ouvert. Là, si tu veux te taper. Non, mais attends, je vais au bout de mon idée. Vas-y, genre, Marie. T'es ouvert. Oui, bah accélère, parce que là, fais mal à la tête. Et vos gueules. Je peux pas faire ma phrase. Allez. Bah oui. Vas-y. C'est de lui dire oui, si tu veux te taper une nana et tout ça, ok, moi je suis ouvert, y a pas de problème, mais moi j'ai pas envie de me taper une autre nana. Mais t'aimerais qu'elle se tape une nana devant toi, Karim? Franchement, non. Et bah voilà, encore une très bonne idée de Marie. Ouais, bah voilà. Et tout ça pour ça. Non, mais. Tu vois, non, parce alors, que il moi, je trouve ça bizarre, idée. Quoi. Bon, on a le témoignage de Baptiste. Non, mais Marie, tu dis n'importe quoi. Il y a 5 minutes, tu disais, ouais, il faut y aller. Maintenant, tu trouves ça bizarre, genre, c'est un coup monté. Ah non, j'ai pas dit qu'il fallait y aller. Non, j'ai jamais dit ça. Si, Marie, je t'assure. Non. Cédric, tu comprends ou tu... Bon, non, tu ne comprends pas, d'accord. Non, mais il est au standard. Bon, alors, Baptiste est au téléphone avec nous aussi. Baptiste en direct de Lens. Salut, Baptiste. Salut à tous. Et tu voulais témoigner pour Karim, Baptiste. Ouais, je voulais c'est gentil d'appeler. Bah, c'est gentil à vous déjà de m'avoir pris. Mais écoute, c'est la Sky Solidarité, Baptiste. Merci. Et ouais, donc je voulais témoigner pour Karim parce que bah moi j'ai eu la même expérience. Je suis resté pendant 4 ans avec une fille et comment dire. Au bout de 4 ans, donc, t'as proposé la même chose. Au bout de 4 ans, m'a proposé un truc comme ça aussi et un truc à 3, soit avec un garçon ou une fille. Ah, toi, t'as laissé le choix en plus. Ouais, voilà, elle m'avait laissé le choix justement. Et moi, j'étais pas du tout dans le trip tout ça, et surtout qu'au début, elle était loin d'être chaude comme ça au début. Donc ça m'a fait un gros choc. Donc ah, ça te fait un choc. Toi, t'as été choqué. Moi, comme on dit, j'étais sur le cul. Et moi, depuis dès qu'elle m'a proposé ce truc-là. Et ça t'a excité tu t'es dit cool. Non, pas du tout. Ça t'a un peu dégoûté d'elle ou pas? Oh ouais, beaucoup même. Ah, t'as carrément dégoûté. Ouais, tu la voyais plus pareil après, quoi. Pas du tout, ouais, moi je suis d'accord avec toi, Romano. Là, ça m'a dégoûté, mais bien comme il merci. Faut. Merci, mais c'est sûr. Et ça a commencé comme ça, après on en a discuté, je lui ai demandé si c'était vraiment sérieux, ce qu'elle voulait, tout ça, et bah apparemment, elle c'était vraiment son trip, tout ça, ce qu'elle voulait, tout ça, et... Mais toi, ça t'a tellement dégoûté que t'es resté avec ou pas? Bah, au début, oui, après c'était embrouille sur embrouille, elle revenait... Et toi, tu penses que ça vient du jour où elle t'a dit ça, ça a déclenché un truc dans ton cerveau? Moi, ça m'a déclenché, ça m'a même dégoûté, donc... voilà le résultat, tiens. Moi, je me suis dit, l'avoir se faire trancher par un autre, non, désolé. Ah, quoi. Ça, il faut. Ah oui, parce que elle, c'est elle qui voulait baiser devant toi, d'accord. C'était un truc à trois. L'inverse, ou même moi. Tout le monde baisait, oui, c'est vrai, pardon. Même moi, vis-à-vis d'elle, faire l'amour avec une autre fille, je suis désolé, non. Ouais, parfois, les gars sont plus romantiques que les filles. C'est clair. Ouais. Non, mais c'est pour ça, je voulais lui dire qu'il fasse attention, quoi. J'entends Karim. Ouais, voilà quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Karim? Qu'est-ce que tu après cette petite discussion, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Bah franchement, moi je le rejoins parfaitement, parce que honnêtement, moi je suis refroidi. Je me dis si elle a pas des trucs en tête, ou bien si elle fait pas des trucs à côté. Ah, parce qu'il y en a que ça exciterait grave. Hein. Moi, j'aimerais bien baiser une autre meuf, comme ça je peux tromper ma meuf et elle sera là. C'est elle qui me le demande. C'est cool. C'est Michael qui laisse le message sur SMS. Ouais, non, mais après, il y en a qui tolèrent, hein, mais bon. Ça sent le coup fourré, nous dit Mickey, 22 ans. Ouais, ah, moi, je reste là-dessus, moi. Genre, elle fait ça pour tester tester ta fidélité. Ah, non, moi, je pense que c'est un fantasme, mais il faut pas passer le cap. Bon, alors, carrément, on fait quoi? Bon, honnêtement, je sais pas. Il est perdu. Toi, je sens que tu vas y aller, moi, toi. Je suis refroidi. Ah, t'es refroidi ou t'es chaud, alors? Non, refroidi au niveau de la relation que j'ai avec elle. Mais sur, de faire ça, je pourrais le faire, mais à mon avis, je lui dirais, remballe après, quoi. Ouais, bah donc après, il vaut peut-être mieux pas le faire. Non, mais si tu veux conserver ton couple, c'est peut-être mieux de pas y aller. Ah, tu lui dis non alors. Non, mais je crois qu'elle s'en rend pas compte, mais de voir son mec baiser une autre nana, c'est juste pas possible. Bah écoute, s'il y en a qui doivent l'aimer, Marie. Je te vois te faire trancher par un autre mec aussi. Hein. Ah ouais, tu vois, c'est la même. Quoi, franchement, je vous mélange vous deux, quoi. Bon, et donc c'est fini, toi, Baptiste, ton histoire avec ta meuf, là, fini. Ah ouais, c'est fini depuis un an et demi. Ouais, donc tu t'en es remis, de toute façon. Ah ouais, non, je m'en suis remis. Et justement, moi, c'est moi qui est parti. Je lui ai dit, prends tes affaires, dégage. Ouais, c'est vrai, elle t'a dégoûté, quoi. Non, mais c'est marrant. Elle m'a dégoûté. Franchement, moi, ce serait pareil. Ouais. Vous êtes plus de cet avis sur SMS. Hein. Louis du 6-2, là, ça le ferait pas trop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? N'y va pas, nous dit Palaja du 11. Salut Palaja. Non, mais à la limite, c'est un coup de pute, méfie-toi, n'y va pas, mec. Message de Jordan de la Manche. Non, mais bon, à la limite, si la meuf, t'es avec elle, c'est un plan cul, tu vois. Bon, elle te propose d'en niquer une autre, ben vas-y, amène une copine. Hein. Mais bon, c'est vrai que quand t'es amoureux, il faut supporter quand même. Ouais, voilà. S'il y a des sentiments, vaut mieux qu'il fasse attention à ce qu'il fait, quoi. Donc, ouais, on est d'accord. Parce que tu te rends pas compte, un fantasme, tu te rends pas compte. Toi, les sentiments se sont envolés. Vite. Ah ouais. Bon, ben merci, Baptiste, en tout cas, du témoignage. Raccroche pas. Hein. Ben, merci à vous encore. On t'envoie ton jeu auto-maillot aussi, Baptiste. Hein. Bisous. Bon, merci. Salut Baptiste. Ciao. Merci à vous tous, au revoir. Et puis, écoute, Karim, tiens-nous au courant de la suite de l'histoire, de ce que tu vas faire. Refuse, hein, Karim. Ah, mais de toute façon, c'est mort. Bon. Bon, bah voilà. Ça, on est d'accord. Ouais, donc voilà. dis full, je pourrais avoir un maillot de Marseille. Maillot de l'OM, c'est parti, Karim, on t'envoie ça dans le neuf de la maison. Merci à vous. Salut Karim, ciao. Ciao. Ciao. Et en parlant de Karim, le Karim Comedy Club, alors c'est quand le Karim Comedy Club? Ah bah là, je crois que ça va arriver, nous préparons le podium et le rideau. Ah, très bien. Donc, le podium et le rideau pour finir cette soirée en beauté. J'allume les spots et c'est parti. Journée. Bah allume-les. Ça n'a rien à voir. Allume-les. J'en ai des spots. Ah bah très bien, c'est parfait. Je peux l'allumer? Vas-y. Oh merde. Oh, ah mais c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Bah attends, mais le spectacle n'a pas commencé, merde. 5 minutes, Cédric, 5 oh, minutes. Oh, il a salopé le rideau. Oh. C'est horrible les boutons qui font ça. Ah, ah ouais, dégueulasse. Bon alors, on a Lilian. On va s'occuper de Lilian. Ouais, opération séduction pour Lilian. Alors Lilian, il est tombé amoureux. Enfin, tu veux séduire une meuf, Lilian, qui a priori a été larguée de manière un petit peu brutale par un mec avant, le mec qui lui a fait un peu la misère. Et toi, tu penses qu'elle a pas envie de sortir avec toi à cause de ça. Alors, on a des témoignages et on a Kamel. Ouais. Kamel qui doit être au téléphone avec nous. Kamel, 17 ans. Salut Kamel. Allô, allô l'équipe. Merci Kamel d'appeler. Salut Kamel. Salut Kamel. Comment ça va Kamel? Ça va très bien. Vous. T'as pas une clope? J'ai senti venir celle-là. Ah, vous savez, ça fait longtemps que je vous écoute. Hein. Ah, tu la connaissais déjà? Les bonnes blagues, nous, on s'en lasse pas. Hein. Non, je vous disais, ça fait longtemps que je vous écoute quand même. Hein. Mais écoute, ça fait plaisir, Kamel. Dis-fou. Oui. Team Romano. Hein. Ah, toi, t'es Team Romano. Merci, ah, Kamel. Team Romano. Merci. Pas de problème. Nickel. T'es d'où, toi? Je suis du Mans. Du Mans. Ah, au Mans, il y a une bonne Team Romano là-bas? Ouais, ça va, j'essaye de monter le groupe. Ouais, fais de la pub, hein, n'hésite pas. Allez, laissez, parce que là-bas, la Team Lebel, j'allais bien implanter. Non, mais j'aime bien Cédric quand même. J'aime ouais, bien mais moi aussi. Ouais, mais bon, il est bidon au clash, bon, voilà. On voit la Team ça Cédric, elle est implantée. Moi aussi, la Team Lebel, elle est en place. Vous êtes combien au Mans, la Team Lebel? Ouais, je sais pas. Là, j'ai formé ma petite escouade, on est 10 ou 15, hein. Alors, Romano, 10 ou 15, et toi, Cédric? Attends, faut que je regarde, je me renseigne. Ouais, mais 10 ou 15, c'est terminé, on lance des fléchettes sur des photos de Cédric, vous savez. Et vous achetez des petites poupées aussi, vous plantez des aiguilles. Ouais, Romano, au Mans, elles sont trop mignonnes. On a à peu près 140 000. 140 000. Oh là. Ah ouais. Bah, qu'est-ce que tu crois? Au Mans, tout le monde ment. C'est normal, quand même. C'est pas mal. Ouais. Bah alors, Kamel, il y a Issa aussi, tu vas dire bonjour à Issa, puisqu'il est avec nous. Allô, bah, bonjour. Issa, en direct de région parisienne, 17 ans. Salut Issa. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va. Tranquille. Ok. Bah, il faut. Personne ne dit ça va, non? Salut Issa. Bon. Bon, alors, Kamel et Issa, qu'est-ce que vous vouliez dire à Lilian, vous, ce soir? Bah, moi, c'était pour. Ah, oui, chacun votre tour, c'est vrai que vous y allez en même temps. Oui, ça sera mieux. Okay, sinon, on commande en stéréo, on en met un à droite, un à gauche. C'est mieux, ouais. Alors, Kamel, vas-y, commence. Et bah, moi, ça m'est arrivé l'année dernière. Oui. J'ai rencontré une fille, et une fille, elle avait été dans une relation très longue d'à peu près un an. Et le gars, il l'avait jeté comme une merde, quoi. Et du coup, la fille, elle avait pas très confiance. Il l'avait jeté comment? Bah, il l'avait jeté du jour au lendemain, ils étaient sortis ensemble un an, il lui mettait des romans, et du jour au lendemain, plus rien. Pas de nouvelles, rien du tout. Ouais. Ah ouais, donc forcément, ça fait un choc. Non, et puis en plus, tu peux pas faire ton deuil de la relation parce que la meuf devait se demander tout le temps. Ouais, bah oui. Bon, peut-être qu'il va revenir au bout de 2-3 mois. Ça, bon, faut plus se poser la question. Oui, non, là, voilà, c'est mort. Oui. Et comment dire, bah, et après, ils étaient plus ensemble. Du coup, moi, j'ai rencontré la fille. Sauf qu'au début, elle était très très bloquée. Même question amitié, elle était très bloquée. Elle faisait plus confiance en personne. Ouais. Bah c'est comme ça, il y a des animaux, quand les animaux ils sont battus quand ils sont petits, après ils ont peur, ils sont traumatisés. Ouais. Hein. Bah ouais. Logique. Enfin, c'est pas pour comparer une fille à un animal. Mais enfin, c'est pour, On a compris. C'est pour dire qu'il y a des trucs qui peuvent traumatiser. Oui, qui peuvent blesser, oui, okay. Tu peux te braquer totalement. Voilà, et ça peut arriver dans le sens inverse, même avec un mec qui peut être traumatisé s'il a sur. Et avec une histoire difficile avec Marie par exemple. Voilà. Ouais, vas-y, Kamel. Et la fille, au final, c'était Florian, Dorian, je sais plus son prénom. Lilian. Lilian. Comme Lilian, ça arrive exactement comme lui. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé couler, j'ai attendu un peu, parce que ça a rien de forcé. Ouais. Forcé, tout ce que ça va faire, c'est qu'elle pourra quand même te laisser, elle pourra te laisser un espoir, mais même, ça sera peut-être pour te faire plaisir. Après, ça dépend si la fille, je sais pas si elle lui a dit qu'elle lui plaisait aussi, ou qu'elle est à peu près attirée par lui. Hein. Ouais, est-ce que tu penses qu'elle est attirée par toi? C'est vrai, on t'a pas demandé ça. Bah si, je vais parler un peu avec elle, je lui ai demandé si elle me trouvait ça enfin assez beau, elle m'a dit ouais que ça allait, qu'elle me trouvait mignon. Mignon, t'es mignon Lilian. Oh. Non mais il a raison Kamel, parce qu'il y en a plein qui nous ont dit ça là depuis le temps. C'est de l'argent. Ouais, qu'il faut la laisser. Voilà. Mais t'as attendu combien de temps, toi, Kamel? Ouais, parce qu'après, bon, tu vas pas attendre jusqu'au dégel, quoi. Moi, j'étais ami avec elle et j'ai attendu à peu près 3 mois. Et après, ah ouais, quand même. Pas tout simplement. Oh. Bah, 3 mois, c'est le temps. Hein. Tu penses que tu peux tenir 3 mois, Lilian? Quand même chier, quand même. Oui. Oui. Bon. Si tu peux tenir 3 mois, pourquoi pas? Après, essaye de la réconforter, de la rassurer, c'est ce que vous dites, là, depuis tout à l'heure. Et Issa, toi, tu voulais lui dire quoi à Lilian? Ouais, bah, Bah moi c'est à peu près comme Kamel, tu vois, genre la meuf au début, tu vois, je la connaissais pas du tout. Mmh. Genre tu vois, je l'ai rencontrée il y a pas longtemps. Mmh. Et après genre elle était encore avec son gars et pendant qu'elle était avec son gars, moi je lui parlais. Mais elle était malheureuse avec son gars, il lui faisait des trucs de pute, enfin des coups de pute. Oui, bah oui, c'est ça, il l'a rendue malheureuse. Genre, pendant qu'elle était avec son gars, tu vois, moi je lui parlais, je me renseignais sur sa relation et tout. Et au final, elle s'est rendue compte que le gars, tu vois, il lui correspondait pas. Mmh. Tu vois, après, elle l'a lâché. Et après, elle est venue vers toi? Mais bizarrement, après. Elle est pas bien. Je sais pas, elle faisait une fixation sur lui. Genre, elle l'espionnait. Ah. Elle était encore amoureuse de ce gars. Mais parfois, il y a des gars, ils vous font souffrir et puis. Bah ouais, puis du coup, ouais, comme tu comprends pas. Ouais, vous voulez encore, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est assez bizarre. C'est bizarre l'amour, hein. Ouais. Ah, l'amour est bizarre. C'est étrange. L'amour, c'est le love. Oui. C'est que, tu vois, le gars, il s'est trouvé une meuf. Et. Elle a compris, non? Et tu vois, la meuf, elle est devenue jalouse et tout. Elle a dit, ouais, comment ça, il m'a oublié et tout. Tu vois, elle est devenue ouf. Mmh. Et. Elle s'est rabattue sur toi. Après, elle s'est mise dans la tête, ouais, moi, c'est bon, je crois plus en l'amour et tout, c'est fini. Je vais sortir avec aucun gars. Et, tu vois, moi, je lui dis clairement, je lui dis, genre, toi, je lui ai parlé. Je lui dis clairement, ouais. Moi, je vais te niquer, moi. Je te le dis cash. Ouais, un truc romantique, comme dirait Cédric, pas de chichi, pas de chacha. Ah ouais, on y va, cash. Allez, bim. Et genre, je lui dis clairement que moi, tu vois, au début, c'était pas mon intention de devenir ami avec elle. Je lui dis clairement, cash. Ah, tu lui as fait comprendre que tu voulais sortir. Je me suis renseigné, il y avait des trucs que son gars, il faisait pas, et que moi, que je faisais. Pour toi, des petites attentions et tout, parce que lui, il s'en battait les couilles d'elle. En fait, tu lui as montré que tous les gars, ils étaient pas des enculés, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu lui as montré que t'étais un mec bien, quoi. Je lui ai fait comprendre ça. Et tu vois, maintenant, depuis, ça va mieux et tout, et tu vois... Mais tu sors avec ou pas, actuellement? Elle a un peu compris ce que je lui ai dit. Mais tu sors avec ou pas? Bah, pas encore, là, c'est en train de se faire, là. Mais ça fait combien de mois qu'elle a compris, là? 24. Bah... Je sais pas exactement. 36. Mais ça fait pas longtemps. C'est quoi? C'est un mois, deux mois, six mois? Ouais, ça doit faire... un mois, deux mois. Ah ouais, donc faut attendre. Long, hein. Je vais me dire, Kamel, juste avant toi, Issa, il avait dit, lui, il avait attendu trois mois. Donc faut laisser faire le temps. Et toi, t'as dit, Lilian, que tu étais capable de laisser attendre un peu. Bah écoute. Bah de toute façon, a priori, tu n'auras pas le choix. Donc. D'après ce qu'on nous a dit, ouais. Donc c'est ça, soit tu continues sur elle, ou soit tu lâches l'affaire. Ouais, voilà. Comme on dit en Bourgogne et en Saône-et-Loire plus précisément, le temps fera son œuvre. Exactement, ouais, c'est vrai. Faudra que ça... Bah, là, de toute façon, il n'y a pas le choix d'attendre. Le temps fera son œuvre. Non, mais faut pas qu'il lâche l'affaire. Bon, bah tu vois, Lilian. Ouais. Quelque part, si t'as dit que 3 mois, tu pouvais tenir. Donc, fais-la rire, on nous dit, c'est le secret pour faire craquer une fille. Vincent, là, qui nous laisse un message. C'est vrai qu'il a pas tort. Détends-la, montre-lui que les gars, ils sont cool. Non, mais Lilian, quand la meuf, tu la vois, elle est quand même pas tout le temps badeuse et tout ça. Non, au contraire, on tente des gros délires. Ouais, parce que si la meuf elle est au bout du rouleau. Elle est juste bloquée là-dessus, quoi. Non, mais t'as peut-être délire avec. Oui, c'est déprimé, ce truc. Ah, elle est au bout du rouleau dingue, ça met 5 minutes. Pas génial. Tu délires avec elle et l'amour arrivera. Mais dis-fou. Oui. Attends, deux spies. J'attends deux spies. C'est marrant d'attendre deux spies. Ouais, dis full. Oui. Non, moi, ce que je voulais lui dire, c'était que s'il est vraiment, vraiment sur la fille, qu'il continue, mais en fait, faut que la fille lui fasse confiance. Du coup, faut qu'il y aille vraiment. Du coup, s'il veut une vraie relation avec elle, faut vraiment qu'il y aille, qu'il attende s'il doit attendre. Bon. Mais s'il s'en bat les couilles, tant qu'il lâche Vincent, quoi. Non, mais vous avez des bons conseils, là, tous les deux, là, depuis tout à l'heure. Et puis, pour te rassurer, tu vois, si ça peut te rassurer, Lilian, il y a Stan qui nous dit, moi, j'ai mis 6 mois pour être avec ma meuf. Ben oui, l'amour, parfois. Attends. Fais-toi désirer. T'as bien attendu, ouais, effectivement. Ouais. Reste pas trop collé avec elle. Ouais, deviens pote avec elle. Il y en a qui nous disent, deviens pote. Après, attention à la friend zone. On en parlait tout à l'heure, là. La faire rigoler, ouais, c'est une bonne idée. Il a raison, Difool. Merci à toi, ex Factor. Comme l'émission de télé qui n'existe plus. Ouais, c'est ça, pareil. Fille, ouais, qui rit à moitié dans ton lit pour l'arabe sur SMS. C'est bien noté. Moi, je dirais la vérité, tout ce que je ressens pour elle, que je la comprends. En attendant, je suis là pour elle et je peux attendre si elle a besoin de parler. 100 1881 BX. Mettez pas trop de chiffres parce que j'ai du mal. C'est compliqué. Allez déchiffrer et après. Oui, hop, c'est pas mal ça, mais bon. Dans la poche. En même temps, ça veut dire que t'es là, quoi. Bon, bah, en tout cas, merci Issa, merci Kamel pour le coup de fil, merci pour les conseils. Ouais, l'équipe. Oui. Y a pas moins gratte un FIFA.

seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous, j'ai déconné, j'aurais pas dû. Je trahis pas mes peurs, jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous, j'ai déconné, j'aurais pas dû. Je trahis pas mes peurs, jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous, j'ai déconné, j'aurais pas dû. Je trahis pas mes peurs, jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous, je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas afin de fumer la white weed. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je balle. Mais c'était pas la white weed. J'ai fait du mal à ma petite. 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Et juste avant de partir, avant le sommaire d'émission de demain, parce que demain il va se passer plein de trucs, voici le caca, le Karim, le Comedy caca. Club. Ouais. Les Américains nous l'envient, les Chinois l'ont déjà copié, les Belges passent leur temps à l'imiter. C'est le Karim Comedy Club sur Skyrock. Il a des fans dans le monde entier. Le caca c'est bon. Non, le Karim Comedy Club. Ah, c'est que ça. Sympa. Karim Comedy Club pour bien terminer la soirée. T'es prêt Karim? Ouais, je suis chaud man. Allez, vous envoyez d'ailleurs tout à karim@skyrock.com. Alors vas-y, même pendant les vacances. Je vais te niquer, tu vas voir. Allez, une blague de Valentin. C'est un routier, il va avoir une prostituée. Donc il va et rentre avec elle. La meuf, elle commence à se déshabiller. Elle se met de l'huile dessus. Il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Elle lui dit bah c'est une tradition dans mon pays, en Pologne. On se met de l'huile pour que ça glisse mieux. Je me mets de l'huile sur le corps pour que ça glisse mieux. Là, ton routier lui dit ok, d'accord. Donc le routier, il enlève sa gourmette, il la met autour de sa bite. Elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit bah tradition routière. On met des chaînes pour que ça glisse mieux. Et oui. Ah ouais. Bravo. Qui nous a envoyé ça? Celle-là, c'était Valentin, gros. Ah. Valentin, sans doute routier. C'est une blague entre ouais, routiers. Doute, ouais. On salue nos amis routiers. J'ai mis les chiennes pour éviter le dérapage. Et j'en ai une autre d'Abdel, gros. Ah, alors c'est un rebeu qui arrive en cours pour la première fois. Et t'as son prof, il lui dit ouais, comment tu t'appelles? Donc le petit rebeu lui dit ouais, je m'appelle Mohamed. Là t'as le prof, il lui dit non, tu sais quoi Mohamed, c'est trop compliqué, on va t'appeler Marcel, tiens. Hein? Là le petit rebeu il lui dit bon, vas-y, pas de problème. Donc il fait sa journée de cours, le soir il rentre chez lui. Et là t'as son père qui l'appelle, il lui dit hey, Mohamed. Le petit rebeu il répond pas. Son père il lui dit ah Mohamed, je t'appelle. Là Mohamed lui dit bah non, je m'appelle pas Mohamed. La maîtresse, le maître il m'a dit que je m'appelais Marcel. Et là son père bam, il lui met un taquet dans la gueule. Le lendemain, le petit arrive avec un colère sur la gueule. Là, t'as la maîtresse qui lui dit putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Marcel? Là, t'as le petit Mohamed, il dit putain, à peine un jour que je suis français, je me fais déjà hagar par deux arabes. Je la connaissais. Si on peut dire, c'est une collector. Ouais, c'est un collector. Une classique, quoi. Ouais, votre Karim Comedy Club sera de retour demain soir, entre 21h et minuit, dans la radio libre de l'été, dernière semaine. Attention. Ouais. Attention. Eh ben le sommaire de demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Ah bah demain je gagne le clash parce que c'est un collector. Bah, pas sûr. Ah demain on va rendre hommage à Momo demain soir. Ah bien. Ouais. Hommage à Momo qu'on a retrouvé d'ailleurs dans la spéciale de l'été. On démarre l'émission avec, soyez là entre 21h et minuit. Évidemment, il y aura Marie tiens, qui nous présentera une de ses copines. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Et ouais. Ah oui. Encore une bonne cinglée, je pense. Laquelle tarée sera à l'honneur demain? Ça va, on se pose une question. On résoudra une embrouille pour Mounia. C'est dans l'équipe, il y en a qui aiment bien s'embrouiller. Embrouille! Il y en a d'autres qui aiment bien les résoudre. Donc, on va y résoudre ça pour Mounia demain dans l'émission. On parlera mytho et puis plein d'autres choses demain. En plus, c'est mercredi. Il y aura le clash de la drague. Ouais, j'espère qu'on aura le temps de se mettre un petit double appel entre 21h et minuit demain. On a 3h pour se taper. Ouais. Bon délire, soyez là. 21h minuit, radio libre. Passez une bonne nuit. Bonne nuit. Et à demain. Salut. Envoie 1500 par SMS au 7-20-20 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500€ dans le Morning de Difool. Mais oui. The Morning Show. Dès la rentrée sur Skyrock. 65 centimes plus coût d'un SMS. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow rider and lunch money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Dream, I want.